Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode 24, le Tristan en prose. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, on va peut-être battre notre record de longueur parce qu'on aborde cette fois-ci une œuvre extrêmement longue et tortueuse, le Tristan en prose, extrêmement compliqué aussi. Et puis ça va être difficile parce que depuis 2 mois, on a la chanson des Chevaliers de la Table Ronde dans la tête, donc on a de la peine à fonctionner intellectuellement. Oui, il y a vraiment ce côté ritournal qui explique qu'il n'y a pas plus joli métier dans le monde. Et le Tristan en prose est d'ailleurs assez d'accord finalement, parce qu'il c'est finalement ce qui arrive à Tristan, il finit par rejoindre de la table ronde de façon complètement intégrée dans ce long roman, très long roman, qui fait à peu près la taille du Lancelot Graal dans son ensemble, plus ou moins, ou en tout cas aussi long que Lancelot, Quest et puis Mort. Je suis pas sûr qu'il soit aussi long si on compte le Merlin et l'essor du Graal, mais enfin, il est très très long. Il est très long. On espère de pas faire la longueur combinée des 3 épisodes qu'on a consacrés au Lancelot Graal. Non, on va devoir abréger beaucoup. Heureusement, il y a beaucoup de ce texte qui peut s'abréger relativement facilement. Mais disons, contrairement au Lancelot Graal, où vous avez vraiment 5 volumes où vous avez vraiment des changements de ton. Hein, le Lancelot, et vous pouvez vraiment dire, je vais lire le Lancelot, je vais lire la quête du Graal, je vais lire la mort du roi Arthur. Vous lisez un livre différent, quoi. C'est une nouvelle aventure, etc. Là, c'est un texte continu. Vous avez vraiment du début à la fin un seul récit, et ça rend le truc un peu difficile à suivre, et comme on va le voir, pas forcément facile à trouver et pas forcément facile à lire, même aujourd'hui il a été un peu délaissé par la critique, par les éditions, etc. Faut peut-être aussi préciser que pourquoi d'un Tristan on fait une œuvre aussi longue. Et ben finalement le Tristan de l'histoire, il est finalement assez court, enfin c'est vraiment une partie relativement petite de tout le roman qui se concerne de la légende de Tristan telle qu'on vous l'a présentée déjà dans notre épisode sur Tristan et Isolde. Le Tristan en prose, disons, s'étend sur cette partie-là, ça c'est clair, il développe l'histoire de Tristan telle qu'elle avait été amenée par Pérou, Thomas, et puis leurs continuateurs et repreneurs allemands, même norrois, tels qu'on les avait vus dans l'épisode sur Tristan et Isolde. Mais en plus de ça, il intègre Tristan de la façon la plus complète possible au cycle arthurien, et ça passe par l'utilisation de nombreuses aventures de Chevaliers de la Table Ronde, plus ou moins issues d'autres romans, et surtout l'intégration complète de la quête du Graal à laquelle participe Tristan, telle qu'elle est issue, telle qu'on vous l'a racontée en fait dans le Lancelot Graal, donc dans la version entre guillemets la Vulgate, en ajoutant aussi certains épisodes qui sont liés à ce qu'on va appeler plus tard la post-vulgate. On vous en parlera dans un autre épisode parce que la post-vulgate, c'est un peu compliqué encore. Techniquement, on va en parler plus loin, mais ça, il y a une relation un peu compliquée avec le Tristan. Et tout ça fait que finalement, dans la version, je crois dans un des manuscrits, je sais plus quel manuscrit exactement, on y reviendra peut-être, les aventures de Tristan jusqu'au mariage de Tristan avec Iso au Blanchemain, ça occupe peut-être, je sais pas, un 1/6 ou un 1/7 du texte. Puis tout le reste, c'est genre 500 folios de plus sur vraiment des aventures, des tournois, des quêtes. Et puis finalement, à la fin, on retourne sur une histoire plus classique de la mort de Tristan et d'Isolde, même si là, elle est aussi assez nettement différente de la version que vous connaissez et qu'on vous a racontée déjà dans cette émission. Donc on vous encourage à aller écouter notre épisode sur les versions courtoises, les poèmes classiques de la légende de Tristan et Isolde, ce qu'on peut en reconstituer de ce qui devait être la version primitive, parce qu'on va pas forcément s'apesantir là-dessus, c'est pas forcément la partie la plus intéressante du Tristan en prose. Même s'il y a des différences assez notables et qui sont assez intéressantes pour le coup. Oui, on va peut-être essayer de souligner les différences, mais disons, on part du principe que vous connaissez à peu près l'histoire de Tristan et Iseult, même si on va de nouveau la raconter, mais peut-être un peu vite. Donc le grand résumé, si vous voulez, de l'histoire du Tristan en prose, c'est basiquement, vous prenez Tristan et Iseult, mais alors que le conflit avec Marc commence à se développer, Tristan se fait bannir de Cornouailles et il se dit j'ai plus rien à faire ici, je vais aller à l'ogre pour devenir chevalier de la Table Ronde. Alors ça prend un petit moment, et puis au bout d'un moment, lui-même, il va rejoindre la quête du Graal. Donc on pourrait presque parler de Tristan Graal. Et après la quête du Graal, le conflit contre le roi Marc va revenir. Vous avez vraiment une intégration dans Lancelot Graal où Tristan et Iseult vont même se réfugier à la Joyeuse Garde, qui était la forteresse qui avait été libérée par Lancelot. Puis c'était justement que Lancelot, comme il est dans une relation adultère avec Guenièvre, bah, il va héberger cet autre couple adultère de la légende para-arthurienne. Bah, c'était ça, finalement, le vrai problème, c'est que Tristan et Iseult ont toujours eu un rôle un peu marginal. C'est-à-dire que dans la légende de Tristan et Iseult, on avait mentionné notre cousin, le bon roi Arthur, et puis on va lui rendre visite une fois. Et puis dans, par exemple, je crois que c'est dans Cligès qu'on mentionne, que Chrétien de Troyes fait une mention de Tristan et Iseult, mais c'est toujours un peu avec une certaine distance. Là, par contre, on va vraiment essayer de faire de Tristan un chevalier comme les autres. On va vraiment nous dire... Le meilleur chevalier du monde, c'est... Bah, ça change un peu au fil du récit, mais c'est Lancelot, Galahad et Tristan, en fait. Donc ça dépend quand est-ce qu'on demande, mais c'est ces trois-là. Donc il vient vraiment sur le podium qui avait déjà été mis en place par le Lancelot Graal, puis on dit, en fait, non, finalement, le meilleur chevalier, c'est lui. Il s'ajoute clairement... Ça, c'est clairement une version, une reprise, en étant très inspiré du roman de Lancelot en prose, tel qu'on vous l'a raconté hein, dans nos épisodes sur le Lancelot Graal. Il y a beaucoup, beaucoup de parallèles, au point que... On peut même dire, une des autrices qui a beaucoup travaillé sur la question, Emmanuel Baumgartner, fournit dans son étude du Tristan, un tableau comparatif où elle illustre, par exemple, les allusions à des événements du Lancelot Graal et du roman de Lancelot, en fait, du Lancelot propre surtout. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une concordance assez forte entre ces deux récits, et comme si l'auteur du Tristan prose n'essayait pas vraiment de raconter une autre version de la légende arthurienne, mais vraiment d'intégrer sa version comme un angle différent sur ce qui est très populaire à son époque, les romans en prose. Il faut dire que ça intervient, le roman est écrit probablement quelques années après, pas plus de quelques décennies après le roman de Lancelot tel qu'on vous l'a raconté, en fait. Donc il y a beaucoup, beaucoup de ça, tout ça se fait... toutes ces versions en prose qu'on est en train de développer se développent sur une cinquantaine d'années. Ouais. Donc c'est vraiment une grande mode qui prend toute l'Europe et qui va durer très longtemps, parce que le roman de Tristan en prose va être édité, publié, en imprimé aussi, va avoir beaucoup d'éditions, beaucoup de succès éditorial pendant assez longtemps, en fait. Pendant assez longtemps, puis à un moment, ça va s'arrêter, et puis on a une espèce de vide qui fait que, justement, aujourd'hui, c'est un peu difficile de le lire. Mais ce que tu dis, puis qui est assez intéressant, puis qu'on va pas pouvoir entrer dans les détails, parce que ça devient très compliqué, mais c'est aussi que ces textes étaient parfois copiés ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont interpeller des passages de la quête du Saint Graal dans le Tristan, donc... On rajoute encore une dose de la quête du Lancelot Graal. Le Tristan de base interpolle énormément, là, mais on va vraiment avoir des morceaux qui sont copiés sans adaptation, genre. Mmh. Ou bien, dans certains manuscrits, on va combiner des bouts du Tristan, des bouts de... Donc, les gens voient ça un peu comme un univers, peut-être pas un univers étendu, mais il y a une continuité. Pour parler un peu du... Faire un grand résumé de l'histoire de façon assez large, une des grosses originalités du Tristan en prose, et puis qui change beaucoup suivant les manuscrits, qui est parfois abrégé, c'est que le roman commence par nous introduire aux ancêtres de Tristan. Et en fait, il commence vraiment avec, ben, comme on pourrait l'imaginer si on essayait de faire une reprise du Lancelot Graal, par la famille de Joseph d'Arimathie, où vous avez son frère Brun qui a 12 enfants. Il y en a un, c'est Hélin le Gros qui va se consacrer au Graal, et donc lui, on le connaît, c'est lui qui va créer les lignées des chevaliers du Graal principalement. Mais il y a un autre frère qui s'appelle Sador ou Cador, ça dépend ça dépend des manuscrits, mais qui lui par contre veut pas se marier jusqu'à ce qu'il rencontre Chelinde, je sais pas comment on doit dire son nom, mais une princesse qui vient de Babylone. Alors ça, c'est un motif qu'on retrouve aussi dans le Decameron de Boccaccio, où il y a la même histoire d'une princesse venue de Babylone qui est emmenée en bateau pour être mariée à quelqu'un, et puis le bateau s'échoue, et puis elle se retrouve mariée à plein de gens les uns après les autres. Donc c'est un motif qui existe indépendamment du Tristan en prose. Et là, en l'occurrence, elle a pas une histoire facile, donc elle va vraiment se faire... tout le monde qui la voit tombe amoureux d'elle instantanément et veut la kidnapper, la violer, l'abuser, donc c'est assez tragique. Donc ça commence par le frère, un des propres frères de Sador, Nabuzardan ou Nabunardan, qui, pour le coup, lui, sonne beaucoup plus babylonien que Chelinde. qui veut, basiquement, il veut prendre la place de son frère. Il veut prendre la place de son frère. Donc, on va vous parler de ça un peu plus en détail. Mais basiquement, tout le monde s'arrache d'elle et abuse d'elle jusqu'à son propre fils. Donc, il y a une espèce de retour de l'histoire d'Oedipe, où il y a leur fils qui va tuer son père et marier sa mère. Ils finissent par engendrer les lignées royales de Cornouailles, donc, finalement, le roi Marc, et du Léonois, et donc de Meliadus, qui est le père de Tristan. Donc ça nous parle... C'est assez difficile. C'est-à-dire qu'il y a eu une tendance à croire que le prologue... Il y a des gens qui vont vous dire que ça n'a rien à voir avec rien, parce que vous avez vraiment ces générations de tueries incestueuses qui n'amènent pas grand-chose. Et puis finalement, on vous dit, voilà, Tristan et le roi Marc. Il y a plein de générations qui passent, et puis ensuite, il y a Tristan et le roi Marc. Donc ça ne vous aide pas tant que ça. Mais il y a des gens qui ont essayé de voir des parallèles, c'est-à-dire qu'on voit des énigmes, il y a le thème de l'amour comme discorde, qui est clairement voilà, la beauté, l'amour, etc., ce que ça peut faire comme discorde, comme ce que les relations amoureuses peuvent créer comme problème, disons, politique, ce qui est effectivement un thème du Tristan. Mais c'est un peu à part. Une des choses qui est expliquée par ce prologue, c'est le tribut que la Cornouaille paye à l'Irlande. C'est-à-dire que pendant la guerre entre le Léonois et la Cornouaille, à un moment, la Cornouaille est vraiment en difficulté et ils doivent faire appel à l'Irlande. Et c'est à partir de là que la Cornouaille paye un tribut en envoyant des jeunes gens en Irlande, donc ce qui était inspiré de la légende de Thésée. Et c'est ce tribut que Tristan va abolir. Donc ça, c'est les deux choses de l'histoire qui sont vraiment pertinentes. Le reste, c'est un peu... Il ajoute, le récit ajoute aussi beaucoup de liens avec les rois de Gaulle. Oui. On fait intervenir Mérové, Childéric, Clovis et puis le roi légendaire Pharamond, qui est lui une invention. Et puis il explique aussi la relation entre Tristan et Marc est double en fait, parce que d'un côté ils sont cousins lointains par justement la famille de Sador et Kelind, mais en plus la sœur de Marc a épousé Méliadus, ouais. Et est la mère de Tristan en fait. Donc la sœur de Marc s'appelle Eliabel, je crois, même si ça peut changer. Eliabel suivant les versions. Mais oui, Méliadus, donc le père de Tristan. Une des choses qui intègre effectivement c'est à l'histoire. L'histoire à la fois historique, parce qu'il y a des souverains qui ont vraiment existé, mais aussi mythique de la Gaule, puis aussi le narratif de la conversion. C'est-à-dire qu'on vous dit, pendant que Joseph d'Arimathie était en train de convertir l'Irlande, il y a Saint-Augustin qui va venir convertir ses royaumes, puis justement, il va venir annoncer à Shelland que sa relation est incestueuse, et puis elle sera punie par Dieu. C'est marrant que Saint-Augustin arrive, parce que j'imagine que c'est clairement pas, enfin. C'est pas Saint-Augustin. Ouais. C'est une confusion, parce qu'il y a une confusion entre Saint-Augustin d'Hippone et Saint-Augustin qui serait lui approprié en termes de fenêtre temporelle, et Saint-Augustin de Canterbury qui lui arrive bien après dans les événements. Je crois que c'est le Saint-Augustin d'Afrique. Oui, c'est clair, parce que je pense que ça devait être confondu, parce que le Saint-Augustin, ouais. Effectivement, l'évangélisateur des Anglais, il arrive dans le Kent, enfin des Jutes techniquement, parce qu'il arrive dans le Kent, mais il arrive autour de 600, donc on est un peu plus tard, quoi. Mais oui, effectivement, c'est un récit quand même qui est très très long, qui occupe une bonne partie du premier volume du texte tel qu'il est édité, et on est dans une complexité déjà qui commence à être assez folle. Mais disons, ça n'a pas tant d'impact que ça sur la suite du récit. On arrive donc à Méliadus et Marc. La rivalité va vraiment commencer, va déjà commencer avec eux, enfin avec Marc et ses frères, etc. Y a un problème qui se passe, c'est que autour de la naissance de Tristan, c'est que son père Méliadus est enchanté par une fée ou une sorcière l'envoûte, et du coup personne ne sait où il est. La mère de Tristan, qui est enceinte, essaie de le retrouver en allant dans la forêt, mais elle est prise de contraction, puis elle accouche dans la forêt, elle meurt en couche. Y a des brigands qui trouvent le bébé Tristan et qui veulent le tuer pour s'emparer du Léonois, mais heureusement Merlin veille et puis il arrive à les dénoncer à la foule et il dit « Allez trouver le roi Méliadus, il est à tel endroit ». Finalement, le père de Tristan est assassiné. D'ailleurs, il y a la belle-mère de Tristan qui essaie de l'assassiner d'abord parce qu'elle a peur pour ses propres enfants ou comme ça, mais elle est défaite par, son complot est découvert, et puis elle allait être exécutée, mais c'est Tristan, parce qu'il est déjà noble et chevaleresque en tant qu'enfant, qui intercède pour qu'elle ne soit pas exécutée. Finalement, le père de Tristan, Méliadus, est assassiné dans la forêt, auprès d'une fontaine, une des premières fontaines, où il y a beaucoup de choses qui se passent auprès des fontaines dans ce roman. Un nain annonce à Marc la gloire future de Tristan, donc Marc commence déjà à hésiter, alors que c'est un gosse, à peut-être le tuer, mais il dit non, parce que ça va apporter de la gloire pour la Cornouaille. Et finalement, le début de l'histoire suit... Enfin, il y a une espèce de... Tristan vit son enfance incognito, en Gaule d'abord, ça crée des problèmes, puis à la cour du roi Marc. Et puis finalement, on raccorde vraiment la légende de Tristan et les autres telle qu'on la connaissait. Et pour citer René Curtis, les thèmes qui rattachent le roman en prose à la légende traditionnelle sont concentrés dans la première partie. Le combat du Morholt avec Tristan dans l'île Saint-Sanson, l'épée est bréchée, le filtre d'amour, la substitution de Branguin à Iseux pendant la nuit de noces, les lépreux, la vie des amants dans la forêt de Morroy, le mariage de Tristan avec Iseux au Blanchemain, donc en Petite-Bretagne. Par contre, les chevaliers d'Arthur n'y jouent qu'un rôle restreint. Ils visitent de temps en temps, mais ils sont pas vraiment présents. Et c'est vraiment dans la seconde moitié que Tristan devient compagnon de la Table Ronde et qu'il va en quête d'aventure comme tous les autres chevaliers. Oui, à partir de jusqu'au mariage de Tristan avec Iseux, comme je vous l'ai dit, qui occupe à peu près 100 folios dans le manuscrit, je crois que c'est 750 ou 757, il y a à peu près... On peut se dire, ah oui, c'est une expansion assez normale, ça ressemble un peu au début du Lancelot, en prose en fait, si vous voulez, c'est une expansion du récit de la vie de Lancelot, mais de la vie de Tristan en l'occurrence, mais c'est pas très très différent. Après, ça embraye complètement différemment. D'ailleurs, ce que dit René Curtis, c'est justement, c'est ici qu'on pourrait lire de grands passages sans être tout à fait certain qu'ils ne soient pas tirés du Lancelot propre. Donc on est vraiment dans la même chose. Donc quand on vous dit c'est raccordé à l'histoire de la Table Ronde, c'est pas un raccordement qui est, disons, si habile que ça. Vous avez vraiment une première partie de la légende de Tristan, grosse partie d'aventure chevaleresque quête du Graal, puis à la fin on revient à la légende de Tristan et Iseult. Pour revenir à la question, le manuscrit double 335-336 de la Bibliothèque nationale française, qui est donc un manuscrit complet, situe le mariage avec Iseult Blanchemain en folio 99, il y en a 784 en tout. 784 folios, donc ça fait 1400 pages, plus même pratiquement 1600 pages, et sur celle-ci, à peu près, justement, seulement un huitième se concentre sur la légende, disons, telle qu'elle est racontée dans le Tristan original, et puis après c'est juste free for all, et puis c'est que des chevaliers de la table ronde qui viennent faire des tournois. Les tournois prennent beaucoup de place, c'est sûr. Il y a quelques différences dans l'histoire qu'il faut noter, c'est justement que Tristan est incognito pendant son enfance, et c'est quand il défie le Morholt qui révèle son identité à la cour de Marc. Donc il vit à la cour de Marc, puis les gens l'aiment bien, mais ils savent pas qu'il est le fils de Meliadus, et puis c'est quand le Morholt vient et puis qu'il dit « Quelqu'un va-t-il me défier, ou bien vais-je prendre mon tribut ?» Puis les chevaliers de Cornouailles sont des gros trouillards, ça c'est aussi un motif qui est énorme dans le Tristan en prose, c'est que les chevaliers de Cornouailles sont nuls. Genre, en général, la Cornouaille, c'est vraiment vu comme c'est presque raciste, parce que les gens reconnaissent immédiatement les Cornouaillais parce qu'ils ont des boucliers différents, ils reconnaissent leur accent, ils reconnaissent... Donc il y a vraiment cette idée... Puis généralement, les chevaliers d'Arthur disent « Ah non, mais vous êtes... » Genre, ils sont tellement nuls qu'il y a des règles différentes dans les combats contre eux, parce que sinon, ce serait pas vraiment juste. Et du coup, le fait que Tristan soit le meilleur chevalier du monde, c'est vraiment inattendu. Puis du coup, tout le monde se dit « Je me suis fait battre par un chevalier de Cornouaille, je suis affreusement humilié. » Mais... Du coup, il y a beaucoup d'histoires sur ça, effectivement. Quand il défile Morholt, il révèle son identité, puis il dit « Je suis Tristan », puis les gens sont « Waouh, Tristan, il est pas mort ». Et la rivalité entre Marc et Tristan commence avant même qu'Iseult entre dans l'histoire. C'est-à-dire, avant même qu'Iseult entre dans l'histoire, on a vu que Marc avait été annoncé « Ton neveu sera le plus grand », puis donc il commence à avoir peur, parce qu'il est fourbe et un peu nul. Et il y a déjà une rivalité amoureuse entre eux avant avec la femme de Sigurade, enfin Sigurades, où Marc convoite sa femme, la femme d'un chevalier, donc déjà c'est une relation adultère, mais en fait elle préfère Tristan parce qu'il est plus jeune et fort. Et puis la nuit, il y a Marc qui essaie de substituer à Tristan, et puis ils se battent, mais Tristan sait pas que c'est Marc, et donc ils se blessent mutuellement. Donc avant même que qu'Iseult entre en jeu dans l'histoire, il y a une rivalité amoureuse entre eux. En général, Marc est quand même présenté comme beaucoup plus un... Enfin, dans les versions originelles de Thomas et de Beroul, il est quand même un peu différent sur les versions, mais il reste globalement... s'il a une caractéristique, c'est qu'il est justement un peu trop confiant en Tristan. Ouais. Et c'est ce qui explique le fait que Tristan puisse continuer à coucher avec Iseult sous son nez pendant la plupart du récit, c'est qu'il est un peu bébête. Non, mais il est pas méchant, quoi. Il a beaucoup d'affection pour Tristan, qui est son héritier. Là, Marc est un enfoiré de première. Yes, c'est non, vraiment il est, systématique. Il est maléfique, fourbe, il tue des gens sans raison. Mais du coup, en fait, il a encore plus d'énergie... Enfin, ça fait bizarre, mais il a encore plus d'énergie du cocu, quoi. Ouais. Parce qu'il est vraiment très conscient de ça, puis il est très... Ça le travaille, quoi, clairement. C'est l'énergie « my wife's boyfriend » au plus haut degré, quoi. On a beaucoup moins ce conflit, où justement le conflit de l'histoire de Tristan de base, c'est qu'il a quand même la loyauté pour son oncle, il s'entend bien avec, et puis il a des devoirs envers son oncle. Là, par contre, on comprend régulièrement que il y a rien à espérer de la relation entre Marc et Tristan. Ils se font pas d'illusions, ils s'aiment pas, ils s'apprécient pas. Et Marc avait tué un de ses frères. Donc dès le départ, on sait que Marc devient vraiment le méchant. Et c'est quelque chose qui va aussi marquer la pause vulgate et beaucoup de textes après, où Marc va, à la fin du roman d'ailleurs, il va assiéger la cour d'Arthur. Donc il devient vraiment un antagoniste de la table ronde, en fait. Puis il y a plus régulièrement Lancelot, Palamède, qui viennent le menacer et qui lui disent, si tu tiens pas à carreau, on va te trucider. Il a un rôle beaucoup plus de baron mineur. On est dans un conflit baronial avec Arthur un conflit peut-être pas plus que baronial quand même, mais c'est un seigneur d'Arthur. Il est présenté dans une relation plus étroite qu'il l'était dans les romans originaux de Tristan en vers, mais il est quand même c'est vraiment un enfoiré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi qu'il a ce côté beaucoup plus le problème principal des romans de Tristan à la base, c'est que Tristan est un peu l'héritier, puis les barons de Marc n'aiment pas Tristan. Alors que là, on a l'impression qu'il y a un baron de Marc qui n'aime pas Tristan, mais on a plutôt l'impression qu'en fait le conflit, c'est plutôt... Enfin, Tristan n'a pas grand-chose à faire de la Cornouaille, il a Léonois pour lui, en théorie d'ailleurs, il passe jamais de temps. C'est pas très expliqué, est-ce qu'il règne sur le Léonois ou pas, c'est pas vraiment clair. Tout le monde s'en fiche un petit peu. Tout le monde s'en fiche jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dit « je veux tuer Tristan pour m'emparer du Léonois », puis on est là « mais il a le Léonois Et puis en général, il n'y a pas vraiment cette histoire de géopolitique de Tristan en fait, c'est beaucoup moins présent dans le roman de Tristan en prose. Alors que ça se concentre beaucoup plus sur justement, Tristan veut avoir des exploits de façon chevaleresque, puis en même temps il est très très horny pour Iseult. Il faut aussi rajouter, justement, la Cornouaille, on a dit, il y a ce rapport presque, je dis presque raciste, mais disons très très dépréciatif pour la Cornouaille, mais géographiquement c'est pas très clair quelle unité ou quel rapport ça entretient avec l'ogre, en fait. C'est presque comme si c'était un pays complètement à part. Genre, des fois, on entend... C'est à moitié ça, puis à moitié, ils sont dedans. Le problème, c'est que c'est clairement la Cornouaille insulaire. Ça ne va pas être la Cornouaille bretonne, parce que la petite Bretagne, c'est Hoël d'Armorique. C'est Hoël d'Armorique. Qui en est le roi. Mais le Léonois aussi est un peu une question compliquée, parce que le Léonois, ça dépend... C'est à moitié une terre légendaire. La vision du Léonois est peut-être influencée aussi par le fait qu'il y a une province du Léon en Bretagne continentale. Il semble que l'idée, c'est que ce soit un royaume qui soit depuis passé sous les flots, en fait, un peu comme la ville d'Is. Certains pensent que le Léonois, ça pouvait être envisagé comme des terres qui étaient à l'ouest encore de la Cornouaille, là où il y a les îles Scilly maintenant. Les îles, quoi, c'est Scarling en français, les îles Scilly, qui sont le point le plus à l'ouest de la Bretagne insulaire. Et ça aurait été les ruines de ce royaume qui auraient été depuis en passé sous les flots, en fait, tellement personne n'en a rien foutu. Ouais. Un autre ajout énorme de ce roman qui va être assez populaire pour la suite, c'est le personnage de Palamède. Normalement, on devrait dire probablement Palamides ou Palamedes. Le S final se prononcerait probablement, mais on va dire Palamède parce que voilà. C'est un ajout complexe, c'est un sarrasin. C'est mentionné quelques fois, il s'appelle Atlantis pas dessus, mais il n'est pas chrétien, mais il finira par se convertir pour accéder à la quête du Graal. Chez Mallory, il se convertit beaucoup plus tôt. Dans le Tristan en prose, c'est vraiment au moment de rejoindre la quête du Graal, ils disent « Bon, écoute, il faut quand même que tu sois chrétien pour faire ça, là. On était copains avec toi, puis tu pouvais... » Donc, il y a cette idée qu'il est chevaleresque, malgré le fait qu'il n'est pas chrétien, donc c'est assez, ça impressionne des gens régulièrement. Mais c'est le rival amoureux par excellence. Il est très chevaleresque, donc il a ce rapport avec Tristan de rivalité, mais où il s'honore mutuellement régulièrement. Il convoite aussi Iseult, donc il tombe amoureux d'Iseult dès qu'il la voit, mais... Il sait que c'est vraiment la figure tragique de l'amoureux, parce qu'il sait que son amour ne sera jamais vraiment satisfait, parce qu'Iseult est lié à Tristan. Et il est presque plus la figure de l'amoureux que Tristan, parce que Tristan, on l'a vu, il convolait avec la femme de Ségurad. Au départ, il aimait pas Iseult. Et d'ailleurs, c'est lors d'un tournoi en Irlande, la première mention de l'intérêt que Tristan peut porter à Iseult, c'est qu'il est en Irlande en train de se faire guérir. Et il voit que Palamède essaye d'impressionner Iseult lors du tournoi, et il se dit... Par jalousie, il commence à se dire « j'ai envie de le surpasser pour impressionner Iseult ». Donc il y a un côté très... finalement ironique là-dedans, ironique et puis un peu viriliste, où justement il se dit c'est parce qu'il essaie d'impressionner Iseult que je vais essayer de l'impressionner aussi puis avoir son affection avant le filtre. Il y a beaucoup d'ironie dramatique en fait dans le récit du Tristan prose, notamment le fait que tout le monde tombe amoureux d'Iseult à peu près tous les quatre matins. Elle a beaucoup de prétendants. Ouais, il y a aussi Caerdyn, le beau-frère de Tristan, le frère d'Iseult au Blanchemain, finira par mourir parce qu'il d'amour pour Iseult. Tout le monde tombe amoureux d'Iseult, mais Tristan ironiquement n'est amoureux d'Iseult surtout à cause du filtre en fait. Jusque là, même l'intérêt qu'il présente pour Iseult face à la rivalité avec Palamède, c'est très secondaire finalement. Ça n'a pas l'air du tout d'être présenté comme quelque chose de très fort. Il se dit quand il est sur le bateau avec Iseult, ça serait... Et si je la gardais pour moi, il me dit non, mieux vaut quand même bien m'entendre avec Marc. Puis bon, de toute façon, elle est sympa, mais il préfère genre jouer aux échecs, puis de viser gaiement. Mais il y a clairement, il a Marc en tête avant elle. Et puis, alors que Marc est quand même déjà un gros connard, on l'a déjà vu. Bah, en fait, il envoie Tristan en Irlande pour le tuer. Parce qu'il sait que. Il sait qu'il est cherché parce qu'il a tué le Morholt. Et à la base, il lui dit il y a ces barons qui viennent dire viens te marier. Puis il se dit ah, bon plan, va me chercher Iseult en Irlande, parce qu'il sait qu'en Irlande, il a été condamné à mort et qu'il a pu s'échapper que... C'est pas du tout le coup du cheveu doré qu'il reconnaît, quoi, effectivement. Ou du fait que tu m'as vanté la beauté d'Iseult. L'histoire se finit, en fait, enfin, Tristan est banni de Cornouailles parce que leur histoire est découverte, donc toute la légende standard se passe, sont condamnés à mort, ils s'échappent, sont affrés, ils sont vaguement réconciliés, donc ils arrivent à faire que Marc se réconcilie avec Iseult, mais Tristan est banni. Et il a une espèce de speech du pont du bateau qui l'emmène au royaume de l'ogre. Il fait un speech où il rappelle à la Cornouaille, voyez tout ce que j'ai fait pour vous, j'ai battu le Morholt, j'ai mis fin aux tribus. Après quelques aventures et quiproquos où il est un peu incognito, puis tous les chevaliers lui courent après, il rejoint la table ronde et il y excelle lors de divers tournois, deux grands tournois, le tournoi des châteaux des Pucelles et le tournoi de Loveserp ou Loveserp, qui deviendra Loveserp, je crois, Lovenerp chez Mallory. Et Marc entend parler de tous ses exploits, il se rend en Cornouaille incognito. Il y a une partie très comique où les chevaliers de la table ronde se foutent de la gueule de Marc, se battent contre lui, et il y a des passages assez drôles, on va en parler, c'est probablement des passages les plus intéressants. Mais il remporte un duel judiciaire, il avait tué quelqu'un, puis donc il est confronté à ça, il doit se battre en duel pour ça, mais il réussit à gagner, et il rentre chez lui avec Tristan, parce qu'on lui fait promettre de mettre fin au conflit entre eux, puis de rétablir la paix entre eux. Donc Tristan peut repartir en Cornouaille. Mais les conflits avec Marc et Tristan escaladent de nouveau. C'est raconté très différemment, c'est une partie, suivant les manuscrits, ça va être très très différent. Mais leur affrontement devient beaucoup plus violent. Donc là, il y a clairement de nouveau des affrontements ouverts. Tristan se fait emprisonner, libéré par Perceval de manière pas toujours très cohérente. Donc là, souvent c'est Perceval, mais c'est pas toujours Perceval. Il y a plusieurs captivités, plusieurs emprisonnements, puis il y a même des remaniements tardifs. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Mais Tristan finit par s'enfuir avec Iseu et ils se disent qu'ils ont meilleur temps d'aller vivre leur vie dans le royaume de l'ogre. Et ils vont à la Joyeuse Garde sous la protection de Lancelot. S'ensuit la quête du Graal, qui a une dimension beaucoup plus mondaine. C'est-à-dire que vous vous rappelez la quête du Graal dans le Lancelot Graal, c'est vraiment, quand les chevaliers prêtent serment de faire la quête, ils disent vraiment, on va tous se retrouver à la table du Graal et on va avoir ces mets merveilleux et on va être acceptés là-dedans. Puis c'est vraiment, on va réussir ou on va mourir. Et donc c'est vraiment une quête à mort et puis les gens se lancent là-dedans jusqu'à ce que la quête soit finie. Là par contre, les chevaliers qui prêtent serment, ils prêtent serment de conduire la quête pendant 1 an et 4 jours. Alors, c'est un engagement long, mais ça reste un engagement où c'est on va faire la quête pendant une durée limitée. Il n'y a plus l'idée de quête ultime et puis on meurt si on n'y arrive pas. Galahad n'est plus vraiment cet être de perfection surnaturelle, ultra-mondaine. Régulièrement, il se fait battre. C'est juste un très bon chevalier, mais il n'y a plus cette idée que... il perd un peu sa dimension christique, quoi. La quête se passe de manière très similaire. Beaucoup de changements. Le Palamède est introduit dans la quête, Tristan aussi. Mais finalement... Marc réussit à enlever Iseu et il envahit le royaume de l'ogre, il assiège Arthur à Camelot. Galahad et d'autres chevaliers parviennent à confronter Marc et à le repousser en fait, mais il ramène tout de même Iseu en Cornouailles. Tristan est bien sûr extrêmement affligé par ça. Il essaye de les poursuivre, mais il est repéré par André. André, c'est le neveu du roi Marc qui existait déjà dans les poèmes avant, mais qui est vraiment le personnage un peu Tristan maléfique en fait. Et lui aussi, il convoite le royaume de Léonois, puis il essaye de faire repérer Tristan et Iseu. Marc blesse Tristan avec une lance que Morgane lui avait fait transmettre. En fait, Tristan avait tué un amant de Morgane avec sa propre lance, et puis Morgane avait prophétisé que cette lance serait celle qui tuerait Tristan. Et puis effectivement, Marc le blesse. Alors que Tristan est en train d'agoniser, Marc permet à Tristan de voir Iseu une dernière fois. Il la prend dans ses bras et il la serre si fort contre lui qu'elle en meurt. Il l'étouffe, il l'étrangle. Il y a certains résumés qui oublient ça et qui disent juste les deux amants meurent dans les bras l'un de l'autre. Oui, mais Tristan tue Iseu en la serrant, qui ressemble à la mort, à la mort de Lucain le bouteiller dans La mort le roi Arthur, où Arthur s'était effondré ou avait serré Lucain jusqu'à le tuer parce qu'il était tellement affligé qu'il le serrait. Puis du coup, quand il se réveille, il a un cadavre dans les bras, puis donc c'est encore plus triste. Mais donc, bouche contre bouche et puis bras dans les bras, Tristan et Iseu meurent. Marc autorise qu'ils soient enterrés ensemble, une espèce de pseudo, pas rédemption, mais disons une touche au personnage de Marc. La quête est conclue globalement comme dans le Lancelot Graal. Palamède est tué par Gauvain et Agravain, donc Gauvain et compagnie ne sont pas vus de manière très positive. Donc il y a vraiment une espèce de guerre entre eux, et notamment une guerre entre eux et les fils de Pélinor, donc Perceval et ses frères. Il y a beaucoup de rivalité entre les deux familles, parce qu'il y a aussi une histoire où la Morac, par exemple, dans tout le roman, couche avec la mère de Gauvain et Gaëriette, etc. Et c'est aussi une rivalité qui s'ajoute à ça. Il y a beaucoup, beaucoup de rivalité entre les deux lignées. Mais donc ça met fin à la quête. Il y a des fins un peu particulières après qui ont influencé la post-vulgate, où Marc va ravager le royaume de l'ogre, ou bien une version particulière où Gouvernail fait saisir Marc, elle fait faire prisonnier, et donc il le met dans une cage au sommet d'une tour. C'est une version très très minoritaire mais qui existe, où il fait mettre Marc dans une tour dans une cage et il a la vue sur la tombe de Tristan et Iseu, et ils le nourrissent avec des mets très riches, et basiquement Marc meurt d'obésité en fait. Donc il le gave jusqu'à ce qu'il meure pendant qu'il regarde. C'est une version assez bizarre, mais qui existe aussi. Peut-être un mot sur le style du roman. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur, il arrange des duos de chevaliers qui ont des réactions différentes aux mêmes aventures. Donc vous allez avoir Dinadan, qui est un peu le blagueur. Donc lui, c'est vraiment un farceur. Vous avez Queux, qui va être le méchant. Vous allez avoir les bons chevaliers. Mais disons, c'est pas comme beaucoup de ces textes où les chevaliers sont un peu interchangeables. Là, ils ont vraiment tous une personnalité. Et les chevaliers qui sont assez sceptiques sur la chevalerie, par exemple, aussi. Ouais. Comme même Brun ou quelqu'un comme Caedin, par exemple, sont pas forcément toujours... Dinadan aussi est assez sceptique. Ils sont pas toujours tous très... positif sur la chevalerie, ils ont un côté très très pratique en fait. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a les chevaliers qui veulent généralement par deux, puis les équipes changent au fil du roman, donc vous avez des équipes différentes, puis vous voyez des réactions différentes, ou même c'est assez intéressant ce côté-là en fait, où vous avez vraiment une psychologie, puis vraiment des personnages qui sont mémorables, contrairement au Lancelot propre, où je trouve que c'est très difficile à suivre parce que toutes les demoiselles, tous les chevaliers, il y a beaucoup de choses interchangeables. Là, par contre, j'ai trouvé presque plus facile à suivre grâce à ce genre de choses, en fait. Il y a beaucoup plus de personnalités individuelles, effectivement. C'est aussi finalement ironiquement aidé par toutes les interpolations, en fait. Ouais. Et un des côtés assez intéressants du roman, c'est qu'il n'hésite pas à interpoler un récit complètement Alors, qui est clair, typiquement, il y a un moment où, à peu près vers le premier tiers du roman, vers la fin du premier tiers du roman, avant, donc, juste après le mariage de Tristan avec Iso Blanchemain, et puis l'épisode, l'arrivée dans le territoire un peu inédit, il y a toute une interpolation d'un récit du chevalier de la côte mal taillée, en fait, ouais. d'un chevalier qui arrive à la cour du roi Arthur sur le modèle le Perceval, bel inconnu, puis il va partir vers des aventures. Il a beaucoup d'aventures avec Lancelot, ouais. Et ça, c'est clairement une interpolation. Alors, il y a un poème notamment du chevalier à la côte mal taillée qui existe indépendamment, puis on l'a déjà mentionné, en fait, il apparaît régulièrement dans ses listes de chevaliers. Faudra qu'on en reparle d'ailleurs une fois, faudra qu'on fasse ça avec le lait du corps aussi, parce que l'épisode du lait du corps est aussi interpellé à un moment. Mais typiquement, l'auteur n'a pas peur d'interpoler des récits parfois un peu différents, mais qui ont l'avantage d'insérer des personnalités fortes et des récits assez différents. Alors qu'on pourrait se dire qu'il va simplement interpoler des récits tout à fait interchangeables et tout à fait identiques. Non, là, au contraire, c'est vraiment, ça donne vraiment une espèce de personnalité et ça rend le truc intéressant à lire, même si c'est des épisodes qu'on a parfois vus longtemps. Même les épisodes de la interpolée de la quête des Saint Graal passent pas trop mal, en fait, ouais. Parce que, ça, ironiquement, c'est pas très différent de ce qu'on a déjà lu, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça s'ajoute au bagage que les chevaliers ont développé dans les parties inédites, en fait. On n'aura pas forcément le temps de revenir là-dessus. Je pense que l'exception, c'est vraiment les tournois, qui, à mon avis, sont les passages les plus laborieux, j'ai trouvé. On va vraiment vous les résumer en deux secondes. Ils sont assez longs. Une chose que j'aime beaucoup aussi dans le Tristan en prose, c'est que c'est très Kaamelott compatible. Il y a des passages qui sont vraiment très drôles et très... justement, tous ces personnages sceptiques ou ces personnages blagueurs, ils donnent des situations qui sont vraiment comiques. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est au Dinadan, où en fait Tristan apprend qu'il y a une embuscade qui a été mise en place par Morgain, où il y a 30 chevaliers qui attendent Lancelot pour le tuer. Donc Tristan se dit, bon, on va aller déjouer ce piège pour sauver Lancelot, parce que c'est un bon chevalier. Et ils disent, bon, on y va. Et puis en chemin, il y a un vieux chevalier qui voit Tristan et qui le prend pour Lancelot, probablement parce qu'il est beau gosse, puis il dit, faites attention, messire, il répète, Morgain a mis en place un piège, donc une deuxième personne qui les avertit, Morgain a mis en place un piège avec 30 chevaliers qui vous attendent. Et puis là, il y a Dinadan qui accompagne Tristan qui fait quoi? Ah, 30 chevaliers? Ah non, mais moi je croyais que c'était 3 chevaliers. Ah non, mais je viens pas, du coup. Juste, j'avais mal entendu. Et du coup, Tristan doit menacer Dinadan pour qu'il vienne. Puis donc il y a des passages très, bon, comme j'ai dit, Kaamelott compatibles. Il y a toujours ce côté un peu palmarès des meilleurs chevaliers. Donc à l'instant T, on va vous dire, Tristan était le meilleur chevalier sauf Lancelot, ou Tristan était le meilleur chevalier sauf Galad, ou il était meilleur que... on vous le rappelle en permanence, mais ils sont pas non plus invincibles. Ils passent leur temps à se faire renverser. D'ailleurs, il y a un épisode où il y a un vieux chevalier qui renverse tout le monde, qui renverse Lancelot, Galad et Tristan, donc les meilleurs chevaliers du monde. Et puis il y a même un passage où je sais plus si c'est que ou Dinadan qui disent... basiquement ils se font renverser, puis ils disent ah non mais vous nous avez renversé, puis le chevalier qui les a renversés veut pas, je crois que c'est Tristan, veut pas continuer le combat à terre à l'épée parce qu'il dit bah c'est pas la peine, je vous ai renversé, mais ils disent non mais on sait très bien que ça arrive qu'un bon chevalier se fasse renverser par un mauvais parce qu'il a de la chance, donc ça veut rien dire, ouais ça veut rien dire de gagner au combat et c'est assez intéressant parce que il y a en fait le prologue mentionne que il dit du temps où j'étais chevalier, l'auteur se présente comme un chevalier, puis je me demande si c'est pas une touche de réalisme justement de ou une touche d'expérience avec les vrais tournois, du fait que non, personne n'est jamais invincible en tournoi, en fait c'est peut-être une touche de réalisme. Un autre truc qui est moitié littéraire puis peut-être moitié réaliste, c'est que tout ce qui se passe en forêt a lieu auprès d'une fontaine. Quand il y a l'abandon d'un bébé à la naissance, quand il y a la mort du père de Tristan, quand il y a des chevaliers qui font escale dans la forêt, quand il y a Caédin qui se lamente parce qu'Iso ne l'aime pas, quand il y a Palamède qui se lamente parce qu'Iso ne l'aime pas, quand il y a Marc qui se balade dans la forêt et qui rencontre les autres cocus d'Iso, ça se passe auprès d'une fontaine. Ménard, dans une de ses introductions, parle même de poétique de la fontaine, parce que c'est vraiment, vraiment toutes les scènes en forêt, on est, quand on dort en forêt, c'est auprès d'une fontaine. Et je me demandais si c'était pas aussi une touche de, peut-être d'un souvenir de la vie chevaleresque où effectivement, si tu veux t'arrêter en forêt, auprès d'une source ou d'une fontaine, c'est le meilleur calcul. Après, c'est clairement aussi un motif littéraire. Il y a le style en général est plutôt agréable à lire, même dans le vieux français. Bon, c'est un peu laborieux si vous essayez de le lire en vieux français, effectivement, mais il a un assez beau style, je trouve. C'est pas du tout quelque chose de laborieux à lire. Il fait des belles images, il utilise des figures de style assez intéressantes. C'est pas du tout quelque chose de brutal et simple, quoi. Parfois, certains passages du Lancelot Graal, je trouvais vraiment très très pénible. Là, bon, en même temps, j'ai pas aussi autant essayé de lire celui-ci parce que il est beaucoup trop long, mais les passages que j'en ai lus, en tout cas, j'en garde des bons souvenirs, donc c'est assez agréable. Je sais pas comment ça. Toi, tu as lu des traductions. Je sais pas comment les traductions. J'ai lu en tout cas tout le premier tome de la traduction qui est publié aux éditions Alain Carcis, dont on va reparler. Puis effectivement, je trouve le style ça va. Effectivement, il y a des passages où avoir le résumé en tête avant de le lire, ça peut être intéressant parce que ça vous évite d'être un peu perdu. Mais j'ai trouvé ça plus facile à lire que le Lancelot en prose personnellement. Donc on parlera peut-être de bouts individuels qui nous ont marqué plus tard. Mais faut préciser pour l'instant que le récit tel qu'il est présenté, tel qu'on le connaît dans ses nombreux manuscrits, parce qu'il y a beaucoup de variantes. On reviendra dessus dans un moment, mais il y a eu non seulement beaucoup de variantes, beaucoup d'éditions, de versions résumées ou altérées, où on ajoute d'autres récits, et il y a eu beaucoup de succès de ces thèmes qui semblent avoir introduit, en fait, notamment le succès du Palamède, enfin en tout cas du roman qu'on va appeler, on en parlera une fois peut-être sans doute, qui s'appelle Guiron le Courtois maintenant, surtout, mais qui raconte les aventures non seulement de Palamède, mais aussi surtout de Méliadus, en fait, le père de Tristan. Oui, en fait, le texte a été très vite intégré. En fait, il a eu plus, si on compte, il a eu plus de 80 manuscrits, plus de 80 manuscrits. Donc, techniquement, c'est pas plus que le Lancelot-Graal, mais parce que le Lancelot-Graal, c'est 5 œuvres différentes. Donc, effectivement, le Lancelot-Graal, il est beaucoup plus dispersé. Tandis que là, vous avez 80 manuscrits du Tristan en prose, qui est une œuvre seule. Alors, plus ou moins complet. Hein, plus ou moins complet. Il manque une partie ou l'autre. Mais disons, vous avez un succès monumental au Moyen-Âge, presque plus probablement que Lancelot propre, et ça se voit dans la suite que le truc a eu. Notamment, il a été repris, il y a une autre suite qui s'appelle justement Guiron le Courtois, où on l'appelle le Palamède, probablement à cause d'une erreur, parce que Palamède n'est pas vraiment un personnage. En fait, c'est un prequel, c'est un prologue qui se passe à l'époque du roi Uther Pendragon. Et donc, il parle de Méliadus, le père de Tristan, qui parle du père, qui parle de Lac, le père d'Erec, qui parle de Uther Pendragon. Il s'appelle Guiron le Courtois, il a été édité en 2015, et puis la deuxième partie, on l'appelle généralement Méliadus, parce qu'il y a deux parties, assez complexes aussi. Il y a eu une suite qui s'appelle Isaïe le Triste, au 15e siècle, donc assez tardive, qui parle du fils de Tristan et Iseu, qui s'appelle Isaïe. Alors on sait pas trop quand il est né, mais voilà, il est né. Il épouse une sarrasine convertie et il a avec elle un fils qui s'appelle ironiquement Marc l'exilé, parce qu'il vit pas en Cornouailles. Mais donc vous avez une espèce de génération d'après. Il a vraiment marqué la plupart des compilations qu'on a vues après. Rusticien de Pise a fait une compilation qu'il appelle le roman du roi Artus, qu'on appelle la compilation de Rusticien de Pise. Vous le connaissez peut-être parce que c'est lui aussi qui a consigné l'histoire de Marco Polo. Donc il est un Italien qui écrit en français, qui est assez important. Et il y a une confusion vraiment parce que entre le Tristan en prose et la compilation de Rusticien, parce que beaucoup de gens les confondent, parce que c'est vraiment les mêmes histoires. Mais donc il a compilé cette histoire là-dedans. Ça a aussi été intégré dans les compilations de Jean Vaillant de Poitiers autour de 1391, à la fin du XIVe siècle, ou même dans celle de Michel Gonneau, qui lui est à la fin du XVe siècle. Donc ça a vraiment influencé tout ça. Beaucoup de traductions en italien, le Tristano Ricardiano, le Tristano... La Tavola Rotonda. La Tavola Ritonda et le Tristano Panchaticchiano, pardon, qui sont donc des versions... altérer l'histoire. On en reparlera probablement quand on fera probablement un épisode sur les variations italiennes de cette légende, mais vraiment beaucoup d'influence. Et après ça, encore des traductions espagnoles très tardives. Alors, la légende arthurienne, on n'a pas encore parlé beaucoup en Espagne, on a parlé un peu dans le cas de Geoffrey, où ça a eu beaucoup de succès là-bas, mais la légende arthurienne en Espagne a eu un succès assez tardif, donc vraiment au 15e, 16e siècle même, vous avez vraiment un florissement de ces traductions qui vont vraiment embrayer immédiatement sur le Don Quixote de Cervantes, en fait. C'est probablement justement que ce contexte tardif explique aussi comment Cervantes peut écrire un roman de chevalerie à ce moment-là, alors qu'en France, c'est un peu mort. C'est aussi peut-être le... Mais même en dehors de ça, en France, il y a quand même beaucoup d'éditions... Il y a beaucoup d'éditions imprimées. Imprimées au XVIe siècle, au XVe siècle. Il y a eu une grande vogue de ces romans de chevalerie, ce qui explique aussi peut-être un peu le contexte de tournois très fort. Ouais. Au XVIe siècle, par exemple, il y a beaucoup encore de tournois. On est contre une mentalité très chevaleresque. Je veux dire, Henri Demeure d'un accident de tournoi en France. Ouais, mais justement, on commence à avoir soit des héros actuels, genre Bayard, ou on commence à avoir aussi un truc un peu très... une vague, disons, classique qui fait que ça passe au second plan. Disons, ce que je voulais dire, c'est qu'en France, on a beaucoup moins d'œuvres originales, alors qu'en Espagne, on va vraiment avoir une tentative de créer ou de revivifier ça qu'on ne voit pas en qui France. Qui n'avait pas été tellement présent avant. Mais il y a aussi et ça explique aussi peut-être finalement le succès relativement tardif, explique peut-être aussi l'intérêt relativement moindre qu'ils ont connu à des époques plus modernes, parce que on s'intéresse plutôt aux trucs un peu plus anciens. On s'intéresse vraiment jusqu'au, disons, 13e siècle, puis après ce qui vient après le 13e siècle en français, c'est quand même beaucoup moins. On étudie plus des trucs qui émergent à partir de là que des trucs, des continuations, des reprises. Donc on préfère toujours s'intéresser à Chrétien plutôt qu'à la 15e version en prose, avec ses continuations spécifiques qui n'est connue que par un manuscrit, quoi. Et d'ailleurs, je viens de finir un truc que j'avais commencé il y a 2 ans, une espèce de chronologie visuelle de la légende arthurienne. Donc si vous voulez jeter un œil sur à quoi ressemble ce développement, parce que. Il y a encore des œuvres qui sont créées, beaucoup, et beaucoup reprises dans d'autres langues que le français, mais en français, ça meurt un peu. On connaît, alors pour la datation, c'est un peu un problème, mais on sait par exemple qu'une lettre de l'empereur Frédéric II mentionne le Palamède dans une lettre de 1240. Alors il dit le roman de Palamède dans une lettre en latin de 1240, ce qui veut dire que 1240, est-ce que c'est le Tristan en prose? Probablement pas. La plupart des gens pensent que c'est Guiron le Courtois parce qu'il est toujours appelé Palamède dans la traduction manuscrite, ce qui est un peu absurde, mais voilà, c'est comme ça. Donc, dès 1240, on sait que sous une forme ou une autre, ça doit exister. Donc, c'est vraiment en même temps, juste après Lancelot Graal, année 1230, il doit être en train d'être composé. Et donc, voilà, énorme succès, énorme traduction. Ça va un petit peu tomber en déshérence. Donc, on va vous parler un peu de la, comment dire, de l'histoire de l'éditorial de ce texte, avant de vous parler des versions et de comment est-ce que vous pouvez le lire. Au départ, au 15e, 16e et même au 18e siècle, on a, au 17e, 18e siècle, on a vraiment beaucoup d'éditions imprimées, de gens qui connaissent cette histoire. Et même justement au 18e, on a le Comte de Tressan qui en fait un résumé en 1782. Mais le Tristan en prose a été un peu oublié. Et donc dans les grandes éditions du 19e siècle, on ne le voit pas. Pourquoi ? Il a été probablement un peu déprécié. Alors, je vous ai parlé avant du prologue de l'histoire, qui a un peu rien à voir. Ben, c'était l'opinion, notamment, de Gaston Paris, qui nous dit que... Il y a un certain prologue de Lusdega au début, mais il nous dit que les manuscrits du Tristan en prose ayant ce prologue le font suivre d'une introduction, aussi ennuyeuse que longue et inutile, sur les ancêtres de Tristan, farcie de réminiscences mythologiques et de fiction d'une monotone absurdité. Donc, il était vu comme un remix absurde et puis un peu de mauvaise qualité d'histoire qu'on connaissait déjà. Genre, on connaît l'histoire de Tristan et Iseult, on connaît l'histoire de la quête du Graal, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait les mélanger ensemble ? Et donc, toutes les interactions intéressantes qui sont là-dedans n'étaient pas forcément intéressantes. Puis la tradition manuscrite est très complexe, donc personne ne s'est vraiment lancé là-dedans. Mais Gaston Paris, malgré son commentaire un peu dépréciatif, a supervisé le travail d'un érudit norvégien à Paris, Leseth, qui a pu analyser tous les manuscrits qui étaient à Paris à la Bibliothèque nationale, et il en a publié un synopsis qui reste une référence. Donc aujourd'hui encore, sa division en paragraphe, enfin pas en paragraphe, mais en alinéa, sa numérotation de l'œuvre est encore utilisée, on l'a utilisé dans notre document annexe là-dessus. Et qui pendant longtemps, il n'y a pas d'édition, donc c'est le seul livre, si vous voulez connaître ça sans aller dans une bibliothèque trouver un manuscrit, c'était ça pour le connaître. C'est un peu dans la même veine que le résumé de Potvin, de la continuation de Gerbert de Montreuil, dont vous avez parlé. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'avait pas fait une édition, mais il a fait une espèce de... Il a sorti quelques extraits, et puis il a fait un résumé de l'œuvre, et puis pendant longtemps, c'était le seul truc qu'il y avait, parce qu'on n'avait pas d'édition, quoi. Oui, il fait un résumé d'un style assez particulier, parce qu'il cite quand même beaucoup le texte, il va aller directement citer dans le texte un tour de phrase, ou un paragraphe, parfois. Et du coup, c'est un peu particulier, parce que le résumé est du coup très résumé, il n'y a pas beaucoup de... Typiquement, il ne passe pas typiquement sur le... Les dialogues, par exemple, sont racontés, ils sont rarement cités directement, mais ça permet d'avoir une idée assez détaillée du récit, mais ça reste quand même assez long. Le volume qu'on a, bah, ça fait, donc, c'est maniable en un volume, c'est déjà l'avantage principal de ça. Ça fait un volume de quoi, 400-500 pages à peu 500 près. Pages quand même, c'est basiquement comme lire une œuvre. Voilà, mais ça a l'avantage d'être relativement compact. Par contre, c'est compliqué parce qu'il trace toutes les versions parallèles. On va revenir sur l'histoire des versions parce que il faut d'abord qu'on présente un peu le consensus historique dessus, mais il y a grosso modo deux versions en fait qui vont être reconnues à partir de Leseth. Une version que Leseth appelle la version courte, qu'il estime plus ancienne, et une version plus longue, plus complète, qu'il estime être plus tardive. Et cette division en deux versions va continuer. Aujourd'hui, on la reconnaît encore aujourd'hui. Mais elle est particulière parce que tout le début du roman est identique dans les deux versions, en fait. Ouais, et... Donc, ça, au début, c'est assez simple à lire Leseth, mais à partir du moment où ça diverge un peu, bah, parfois, il va dans des versions parallèles, où il raconte des récits. Donc, ouais, ça fait un peu le livre dont vous êtes le héros. Vous êtes pour voir la suite de cette version-là, allez voir au passage 104. Entre-temps, telle version raconte des événements. Puis, certaines versions, la version 1 raconte des événements que la version 2 ne raconte pas, la version 2 raconte des événements que l'autre ne raconte pas non plus. Et parfois, elles se font référence aux deux. Donc, c'est possible qu'il y ait une version unique au début, puis qu'il y ait eu des divergences dans les deux cas. C'est probable, même si on n'a pas vraiment de moyens de le prouver. Mais c'est vrai que ça fait très livre dont vous êtes le héros. Puis effectivement, vous avez des langues de texte, des bandes de texte qui se chevauchent et qui continuent d'une page à l'autre, mais pas entre elles. Et ça peut devenir un peu confus à un moment. D'autant mais qu'il ajoute en plus des extraits de bah, du Rusticien de Pise, d'autres versions. Il compare aux versions italiennes aussi. Donc il a vraiment. Mais c'est vraiment un livre qu'on vous recommande si vous voulez connaître cette histoire. Ça reste encore aujourd'hui. Il est accessible gratuitement en livre sur archive.org. Donc vous pouvez le trouver en bibliothèque bien sûr ou dans une réédition. Il y a une réimpression Slatkin dans les années 70, mais vous le trouvez en ligne gratuitement. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des titres dans les marges, quelque chose qu'on ne fait plus vraiment dans les livres aujourd'hui, mais c'est-à-dire que vous avez le résumé, un fil continu de texte du résumé, puis dans la marge, on vous dit « Combat de Palamède contre Tristan » ou bien « Retour à la Joyeuse Garde ». Vous avez d'un coup d'œil, vous pouvez voir où on en est dans l'histoire, et puis donc c'est plus facile à manier que beaucoup de choses plus récentes. Mais donc pendant longtemps, et quand je dis longtemps, ça veut dire pendant plus de... Pendant un siècle à peu près. Pendant à peu près un siècle, pendant... En non, tout... non jusqu'aux années 60. Jusqu'aux années 60, personne s'était attaqué à cette tradition. Donc Clauzet avait dit, vous avez vu, c'est vachement compliqué, puis lui aussi, il a dit toutes les versions un peu mineures, et il avait fait que les manuscrits de Paris, donc il faut se dire, il y en a un peu partout dans le monde. Il y avait des versions quand même partielles. Ouais, il y avait plein de petites éditions de passage. Des fragments, des trucs comme ça. Jusqu'à ce que René Curtis, une érudite anglaise, consacre sa thèse de doctorat, je crois que c'est sa thèse de doctorat à l'Université de Londres, à éditer la première partie, en fait, du... Mais vraiment la toute première partie, je crois. Les 80, elle a pris les 80 premiers feuillets d'après tous les manuscrits qu'elle avait. Elle a pris les 80, les 80 premiers feuillets des manuscrits qu'elle a pu consulter pour faire une classification des manuscrits qui, aujourd'hui, est absolument plus acceptée. Mais, basiquement... C'était une première étape absolument nécessaire pour commencer ça, et puis c'est un peu ridicule de prétendre qu'on pouvait faire mieux à l'époque, à mon avis. Mais disons, ça a été une catastrophe éditoriale, cette première édition de René Curtis. Enfin, catastrophe éditoriale. Le premier paraît à Munich, chez Max Huber, en 1963. Le deuxième, à Brill, chez Brill, donc à Leiden, en Hollande. Et donc 10 ans plus tard, en 1973, 73, et le troisième tome... En 1985-1985, soit 22 ans après le premier, chez D.S. Brewer à Londres. Et là, dans la série Arthur and Studies. Et là, les trois volumes ont été réédités à Londres, donc c'est pratique. Mais typiquement, si vous êtes dans votre bibliothèque, vous êtes là, chaque tome a été publié chez un éditeur différent. Et ça couvre vraiment que le début du texte. Donc, basiquement, un cinquième du texte, à peu près. Ça va, en fait, depuis. Ça couvre à peu près les parties essentielles, en fait, de la matière de, Tristan. C'est-à-dire, ça va. On dépasse largement le mariage avec Iseult au Blanchemin. Ça va jusqu'à peu près. Juste avant le récit de la mort de Caedine dans la version... Le début de la folie de Tristan. Le début de la folie de Tristan, en fait. Ouais. Tristan, la première séparation entre les amants, en fait. Ouais. Et c'est ce qui semble avoir le plus intéressé Curtis, en fait. Curtis est très clairement une spécialiste de la légende de Tristan. Et elle se voit comme ça, en fait. Elle se voit comme intéressée par Tristan, surtout. Alors, elle raconte tout le récit, par exemple, de la côte maltaillée, qui occupe le plus gros de son troisième volume. Mais c'est clair que ce qui l'intéresse le plus, c'est Tristan. Et elle a pendant longtemps bossé sur un quatrième volume, que, encore dans les années 90, quand elle a publié une traduction un peu abrégée qui est assez complète de ses trois premiers volumes, qu'elle a achevé par des passages qu'elle dit venir de son quatrième volume, mais qu'elle abrège, mais sauvagement. Pour vous donner une idée, disons le 90% de son texte, c'est ces trois volumes traduits avec des grosses abréviations quand c'est pas Tristan qui est en jeu. Et puis, en 10 pages, elle résume toute la fin de l'œuvre. Toute la fin de l'œuvre. Donc tout ce qu'on vous a parlé de la quête du Graal, les aventures des tournois, le temps de Tristan à la Josgard, c'est vraiment 10 pages. Et après, elle revient un peu plus détaillée sur la mort de Tristan et Iseult. Mais c'est clair qu'elle s'intéresse surtout à la version de Tristan et aux divergences avec Beroul, Thomas, et c'est ça qui l'intéresse le plus, en fait. Donc les épisodes de la fin, c'est Marc dans le laurier, puis la mort des amants. Elle mentionne justement ce quatrième tome non publié, puis elle précise, c'est une traduction en anglais, elle précise qu'il y a alors une seule édition du Tristan en prose, la sienne, et aucune traduction en dehors de celle qu'elle est en train de publier, donc on est en 1994. Sauf que... C'est faux. C'est pas complètement vrai, parce qu'en 1987, 2 ans après le troisième volume de Curtis, il y a Philippe Ménard qui avait commencé à diriger l'édition du texte qui manquait, donc il a assemblé une espèce de team d'Avengers de l'édition de texte médiévaux, et qui paraîtra en 9 volumes de 1987 à 1997. Ça a commencé où le texte de Curtis s'est arrêté, petite divergence d'ailleurs, parce qu'ils utilisent un manuscrit différent. Ils se concentrent sur la version longue, qu'on appelle V2, V point puis 2 en chiffre romain, ou Vulgate, parce que c'est la plus courante. Généralement, c'est le standard, donc c'est celle-là dont on va vous parler, on va pas tant vous parler des autres. Et en parallèle, ils publient une traduction de chaque tome. Alors, faut préciser que Curtis, elle, parlait de la différence, mais vu que la partie qu'elle a éditée commune aux deux versions, elle n'avait pas à se poser la question. En fait. Les trois premiers volumes de Ménard sont jusqu'au milieu du troisième volume, on est dans la partie commune, en fait. Donc, le premier est traduit, la catastrophe éditoriale continue, première traduction est publiée chez Champion, et le reste a été publié aux Presses Universitaires du Sud, mais quand même distribué par Champion, et ils sont relativement introuvables, donc on les trouve en bibliothèque si vous voulez, mais si vous essayez de les acheter en ligne, ils coûtent genre 400 euros le volume. Déjà, parce qu'en plus, ça fait, donc vous avez déjà 9 volumes d'édition chez Draw, donc ouais. Bon, ça c'est relativement trouvable parce que bon, Draw garde assez bien le contrôle de ses... Je suis passé chez eux, puis genre je voulais acheter le tome 5 et il était épuisé, donc bon, ils vont le réimprimer probablement. Il est réimprimé, mais disons, ça se trouve encore. Mais si vous voulez lire en traduction française, vous avez que à partir du volume, l'équivalent du quatrième volume en fait. Donc ouais. Ménard prend la suite de Curtis. Et vous avez que les versions françaises, et c'est vraiment des versions assez, des fascicules assez courts, en fait, finalement, parce que les éditions sont des volumes assez épais, mais là, ça fait, quand vous mettez ça en prose française moderne, ça fait, c'est beaucoup plus court, il n'y a pas les notes, il n'y a pas les variantes. Donc, vous avez une version beaucoup plus courte, mais vous en avez 9 volumes qui sont quasiment introuvables et qui sont quand même relativement longs à lire. Donc, c'est impossible de lire intégralement en français aujourd'hui, en fait. Jusqu'à... Vous pouvez éventuellement. Alors, attends, jusque-là, vous pouvez encore lire en anglais le début chez Curtis, puis après, à partir du volume 4, bah, vous pouvez vous dire, bon, bah, je lis la traduction moderne. Mais, il y a eu une petite différence, c'est celle des éditions Anarcharsis dont vous a parlé déjà plus tôt cette année, qui ont commencé à éditer une traduction du Tristan en prose. Et on était assez dubitatif, mais on va en parler dans un instant, mais basiquement, la traduction Anarcharsis couvre exactement les 3 volumes de Curtis. Donc maintenant, oui, techniquement, vous pouvez lire ça, puis après lire les 9 volumes de la traduction de Ménard, si vous arrivez à les trouver. Mais donc c'est techniquement possible de le lire en traduction française maintenant. Peut-être avant qu'on finisse de parler sur Ménard a été très critique du travail de Curtis, en tout cas dans le début de sa première introduction. Il est extrêmement sceptique par rapport à ce qu'a fait Curtis. Il dit que le manuscrit de Curtis c'est pas terrible. Elle s'est basée sur un manuscrit qui est conservé à Carpentras, qu'elle estime être le meilleur parce qu'elle s'intéresse surtout au début du texte. Elle a voulu étudier en fait les 80 premiers feuillets de chaque manuscrit, donc elle s'est penchée sur un manuscrit qui était le plus adapté pour elle. Alors que Ménard se fie sur un manuscrit complet, parce que le manuscrit de Curtis après se termine bien avant, il n'est pas complet, mais pour ce qui l'intéressait, il l'était. Et Ménard, lui, a pris un manuscrit qui est, lui, complet, un manuscrit viennois, mais ce qu'il omet de dire, c'est que le début de son manuscrit, il est lourdement abrégé, et donc il a beau critiquer Curtis pour avoir pris un manuscrit qui n'est pas terrible, le sien non plus n'aurait pas permis à Curtis de faire ce qu'elle a fait, en fait. Il n'y a vraiment pas de manuscrit parfait, en fait. C'est quelque chose qui m'a frappé en lisant les notes de Ménard, justement, c'est qu'il essayait de proposer une autre, et puis... On a peut-être cette habitude de tailler un peu le prédécesseur. C'est peut-être, tu me disais, c'est peut-être pour ça que justement Curtis parle pas de son édition, parce qu'il parle super mal de sa propre édition à elle. Ou alors peut-être une autre possibilité, c'est que je sais même pas si Curtis est encore, je sais même pas s'il est encore en vie. Peut-être aussi que The Romance of Tristan a mis extrêmement longtemps à être publié. Donc c'est possible aussi que ça soit frais, qu'elle ait commencé à le faire dans les années 80, juste après avoir publié Puis quelqu'un l'a sorti de son tiroir et puis a pas vraiment remis le truc à jour, c'est possible aussi, mais elle était encore en vie quand son roman s'est sorti, donc c'est aussi possible qu'elle ait simplement pas du tout le même intérêt que Ménard pour le reste de son œuvre. Mais je pense que le fait que Ménard était extrêmement critique avec elle, avec son travail, a pas dû aider à faire de son sentiment. Je pense que c'était un peu illégitime comme critique, parce que d'autant que Ménard était bien content d'avoir 3 volumes de Curtis déjà là pour prendre la suite, au lieu de se dire on va devoir éditer tout depuis le début. Il a quand même pris la décision de recommencer assez tardivement dans le texte, finalement. Il a pas du tout. Non, c'est une très bonne édition si on prend en compte. C'est pas une édition parfaite, mais est-ce que ça peut exister? Ça, c'est une autre question. Après, maintenant, l'avantage, c'est que le tout est édité. C'est pas une édition critique la plus performante du monde, parce que les deux se basent sur un seul manuscrit. Il y a pas énormément de. Bon, il corrige aussi quand même. Il corrige quand même relativement, mais c'est pas une édition critique aussi complète qu'elle est la version par Lancelot. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'une édition critique du Tristan en prose est juste pas possible, en fait. Ben, c'est aussi parce qu'il y a tellement de manuscrits différents. Typiquement, le Z, par exemple, se base sur un double manuscrit de la BNF pour faire son résumé. 756-757, et le problème, c'est que 757 appartient justement, comme on l'a dit, à cette première tradition, ce qu'ils pensent être la tradition la plus ancienne, la version courte du Tristan, et ils complètent le reste par d'autres manuscrits et des bouts. Mais la version, c'est déjà la question, par quel bout tu prends? Est-ce que tu prends cette version longue, cette version vulgate qui est beaucoup plus commune dans les manuscrits, mais qui est vue pendant longtemps, qui a pendant longtemps été vue comme plus tardive, et la version première, disons, qui a aussi été édité d'ailleurs sous Philippe Ménard. Ouais, la version courte, alors une fois qu'ils ont fini la version longue, la Vulgate, ils ont édité la partie propre à la version courte en 5 volumes, cette fois de 1997 à 2007. Donc les deux versions ont été éditées. On va parler des autres versions, peut-être pas majeures, mais plus tardives, qui n'ont pas encore été vraiment éditées. Version 3 et 4. Mais disons, je comprends pas vraiment, c'est-à-dire que si ça reprend au volume 3 de sa version longue, je comprends pas vraiment en quoi elle est plus courte, parce que j'ai l'impression qu'elle fait à peu près la même taille. Non, c'est juste qu'elle est plus courte parce qu'elle abrège beaucoup d'événements, elle est plus courte, non pas tellement dans les événements qu'elle contient, mais il faut dire aussi que la version telle qu'ils l'ont publiée, elle a été publiée chez Champion, alors que la première version vient de chez Drault. Chez Champion, le texte est quand même beaucoup plus gros, il y a plus de marge, c'est du papier plus épais. Non, j'ai de la peine à me rendre compte, mais... Je sais pas, je pense que c'est aussi que la version 757... Plus de... Disons, elle dérive moins, en fait. Elle existe complètement que dans le manuscrit 757, justement. Oui, c'est ça. C'est aussi le truc un peu particulier, c'est qu'elle a... La raison pour laquelle elle n'a pas connu le succès éditorial, c'est qu'elle était bien pratique pour le Z, qui s'en servit comme version de référence, puis qu'après, elle a ajouté les extraits qui ne s'y trouvaient pas. Mais, en fait, elle ne représente pas une traduction écrite extrêmement... fournie, en fait. On n'a pas beaucoup lu la version 757 telle qu'elle est présentée dans ce manuscrit. Elle a des particularités aussi, parce que c'est là où il y a le plus de relations avec la post-vulgate, notamment. Pendant longtemps, on a pu penser que la post-vulgate avait été influencée par le Tristan en prose. Ouais. Aujourd'hui, on sait que c'est peut-être pas le cas directement. Le débat est encore en cours. Mais c'est vraiment cette version longue qui a connu beaucoup plus de succès, ouais. Et qui contient à peu près tous les mêmes événements, en fait. C'est juste qu'il y a des bouts vraiment très différents. Mais donc ce que la version courte coupe beaucoup, c'est la quête du Graal, en fait. Il se concentre vraiment sur les épisodes qui concernent Tristan. Ce qui laisse penser justement qu'elle n'est pas si vieille. Donc il y avait cette idée de base chez Curtis, Curtis discute beaucoup ça, mais disons... C'est Lezette en tout cas. Chez Lezette en tout cas, que la version courte est plus simple et que la version longue, c'est une version élaborée. Maintenant, on doute un peu. On pense qu'aucune des deux versions est vraiment originale parce qu'elle ne peut pas vraiment être dans un état primitif. Mais disons, la version... Ce qui est clair, c'est qu'il y a clairement eu une tentative probablement de prendre la version longue qui devait être là avant... Peut-être pas complètement sous cette forme, puis d'enlever les passages qui concernaient pas Tristan plutôt que d'être la version primitive. Mais il devait y avoir avant. Une version commune simple sans la quête du Graal. Une version commune simple qui n'avait pas la quête du Graal et qui se concentrait vraiment plus sur Tristan et Iseu. La référence en termes de publication, je dirais, si vous voulez en savoir plus sur le Tristan en prose, son histoire, ses versions, ses manuscrits et ses relations avec les autres œuvres arthuriennes, parce qu'on va pas avoir le temps de passer beaucoup de temps sur ça, c'est le bouquin d'Emmanuel Baumgartner, qui est publié en 75 chez Drow, le Tristan en prose, essai d'interprétation d'un roman médiéval. Ménard le cite beaucoup dans son édition, parce que c'est elle qui a fait probablement le travail le plus complet. C'est le travail de référence sur le Tristan en prose, encore aujourd'hui. Elle a un résumé extrêmement simple, mais en 10 pages de toute l'aventure, mais alors évidemment elle peut pas parler de tout, mais qui est suffisamment clair. Elle explique toutes les versions telles qu'on les connaît, elle les classe, elle compare, elle explique d'où viennent les sources, elle explique les parallèles avec d'autres récits arthuriens, elle a un tableau, elle a tout, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Non, mais ça, il a un tableau d'annexe où, par exemple, elle fait une concordance des événements du Tristan avec quand ils font référence aux événements du Lancelot. Donc, vous pouvez vous apercevoir que le Tristan et le Lancelot sont vraiment dans une temporalité assez similaire, par exemple. Donc, c'est vraiment un livre très, très complet. Que je recommande vraiment si vous êtes intéressé, si vous intéressez au Tristan en prose, parce que c'est la façon probablement la plus simple de l'aborder. Vous lisez ça et puis la version de Curtis pour avoir une idée générale ou alors vous lisez les trois volumes que je crois qu'Anarchésis veut publier 3-4 volumes. Comment ils vont 5 volumes. 5 volumes. Oulala. Justement, je vais parler de cette dernière rebondissement dans l'histoire éditoriale de ce texte qui cette fois-ci s'éloigne un peu des spécialistes pour arriver dans une maison d'édition grand public et puis une traductrice qui, je crois, n'est pas vraiment médiéviste. Elle est docteur d'état en droit et passionnée de littérature médiévale, donc une édition qui a été traduite par Isabelle Dégage, qui est fondée sur un seul manuscrit daté du 15e siècle conservé à Vienne. Il y a Le Monde des Livres qui avait dit que... le texte avait été édité ils disent voilà l'attrition Anacharsis du texte qui avait été édité par Philippe Ménard. C'est pas complètement vrai parce que basiquement Philippe Ménard s'est appuyé sur un manuscrit qui était très proche, qui était le manuscrit de Vienne 2542, qui était son manuscrit de base, tandis que Isabelle Dégage a pris le manuscrit de Vienne 2537, ils sont pas exactement le même, c'est-à-dire que celui qui a été pris par Isabelle Dégage date d'autour de 1410, assez tardif, presque, déjà on est dans ce qu'on appellerait du moyen français, l'état de la langue n'était pas satisfaisant pour Ménard, et puis le 2537 date plutôt d'autour de 1300, donc il a été privilégié parce qu'on est plus proche en termes de variantes orthographiques, etc. Et aussi un autre gros problème, c'est que le manuscrit 2537, qui a été choisi par Isabelle Dégage, interpole la quête vulgate de façon plus complète que les autres. C'est-à-dire qu'il y a deux passages de une fois deux pages, une fois six pages, une fois une autre demi-page, je crois, qui viennent directement de la quête vulgate, qui sont insérés dedans. Puis ça va être un problème parce qu'ils ont choisi de faire une édition où ils donnent pas de notes, donc ça, vous le saurez pas quand vous le lirez. Mais du coup, j'ai lu le premier tome... Le filtre qui fait un peu plus de 600 pages, 660 pages. Donc si vous avez 5 tomes comme ça, vous aurez, je pense, 3000 et quelques pages de texte. Je me réjouis de le lire. Beaucoup de choses sont critiquables dans cette édition, mais je pense aussi que quand on est dans une pénurie totale d'éditions, c'est ridicule de se plaindre que oh, la transcription est pas bonne. C'est pas grave. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait absolument pas de notes, je trouve. Après, c'est relativement facile de revenir au livre original, en fait. C'est assez facile. Mais disons, c'est clair que... Si vous avez accès à Ménard, si vous vous intéressez à ça, de toute façon, vous avez probablement conscience des problèmes qui viennent avec ça. Peut-être pas, mais à mon avis, c'est pas si grave que ça. Ou peut-être vous lisez ça d'une main, et puis le Z de l'autre, puis ouais. Vous avez la référence dans toutes les éditions, parce que la plupart des éditions, justement, font référence à le Z d'une façon ou d'une autre. Il y a, en 2008, Damien de Carnet disait que rien n'a autant nui à ce texte à l'époque moderne et sous la plume de ses critiques que de manquer d'une édition critique qui permette de l'embrasser raisonnablement. Alors, et il disait qu'avec la fin de la publication de la version courte, c'était maintenant chose faite, basiquement. Il n'y a pas tout qui est publié, mais disons, vous avez assez pour l'étudier. Puis bon, pour les spécialistes, le texte se lit quand même, si vous lisez un peu le vieux français, c'est pas chrétien, quoi. Ça se lit relativement facilement, ouais. Il y a toujours des glossaires à la fin des éditions, que ce soit Ménard, que ce soit Curtis, je crois. Puis vous avez toujours un résumé, une analyse dans les volumes de Curtis, Ménard et la version courte. Donc vous avez toujours accès finalement à une version du texte plus ou moins résumée qui peut vous aider à vous y retrouver, quoi. Mais disons, il y a des petits problèmes. Typiquement, elle traduit toujours le nom de Tintagel, elle traduit Tintaïol parce que c'est écrit avec un Y dans la traduction manuscrite comme chez Curtis. Mais Ménard, par exemple, dit oh, c'est n'importe quoi, c'est stupide, c'est Tintagel avec un J en fait. C'est probablement ça qui est traduit. Je sais pas si Ménard a complètement raison. Je sais pas s'il y a une très bonne raison d'avoir gardé Tintaïol, mais c'est pour ça qu'on a des notes de bas de page, en fait. C'est pour ça que... Ce serait intéressant d'avoir ça, une justification de ça, ou une autre, ça développée dans l'introduction, typiquement. Parce qu'il y a ce côté un peu... J'ai pas envie de dire... Ils ont dit, ouais, on veut présenter le texte de façon littéraire, puis je comprends vraiment l'idée, ils veulent vraiment le mettre en avant comme un roman, quoi. Et ils veulent pas une édition académique, ils veulent pas l'encombrer. C'est plus une modernisation du texte en moyen français, en fait. C'est une modernisation. Comme tu le décris. Mais je veux dire... C'est dire voilà, on veut laisser le texte parler par lui-même, c'est un peu un snobisme, et pour moi c'est pas une bonne idée. C'est un texte de 3000 pages qui a 700-800 ans, bien sûr qu'il a besoin de... Alors, l'introduction, ils ont une préface de Mika Birman, et ils ont pris justement des écrivains pour donner la préface de chaque volume. Donc là le premier c'est Mika Birman, et il dit ce Tristan en prose a besoin d'une préface comme un poisson a besoin d'une bicyclette. Puis je suis non, bien sûr qu'il a besoin d'une préface, c'est un texte super complexe, d'une traduction unique. C'est prendre un peu les gens pour les cons, dire non, c'est mieux de rien avoir comme commentaire. Il y a un peu ce snobisme, typiquement dans la revue du magazine littéraire, ils parlent pendant deux colonnes des péripéties des ancêtres de Tristan, puis ils disent oh, le nom de Tristan n'apparaît qu'à la page 88, oh, ce texte fabuleux. Puis j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de snobisme où t'es obligé de te tomber à la renverse sur la beauté de ce texte, et puis sur son... Puis je veux dire, moi je l'aime beaucoup par rapport aux autres textes qu'on lit, mais je pense qu'il faut aussi être honnête sur que c'est un texte qui est très limité, et que non, c'est pas un texte qui est facile d'accès du tout, et dire on veut laisser le texte parler par lui-même, à mon avis, c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise idée de dire. C'est facile à lire ou c'est un peu prendre les gens pour des yeux. Vous avez pas mis un appareil critique parce que ce serait compliqué, puis peut-être bah voilà, vous avez pas le budget ou pas la pas accès au monde académique de la même façon que pouvait avoir Ménard. Mais je pense que ce serait quand même un peu disons, j'ai une autre transcription bizarre que j'ai relevée, c'est Girflet d'eau qui a été traduit Girflet d'apostrophe comme si c'était Girflet d'Ormesson. Puis je trouve ça assez drôle, alors que c'est probablement Girflet le fils, généralement c'est le fils de d'eau. Alors c'est les fils d'eau en fait. Les fils d'eau, puis on traduit fils de d'eau, fils de deux, fils de doux. Ça dépend un peu de la tradition, mais je pense que... C'est pas Girflet le fils d'eau. Je sais pas, c'est... Il vient pas d'un roman érotique français des années 60. Mais c'est marrant, c'est très marrant, mais je pense que c'est peut-être juste une coquille, quoi, mais c'est pour ça, généralement, qu'on a des notes de bas de page, justement. Cela dit, typiquement, le Tintaïol, c'est plus controversé, par exemple, beaucoup de versions. Alors, c'est clair que ça reflète probablement un J, et ça devait se prononcer quelque chose comme Tintaïol, plus que comme Tintaïol. Avec un Y, mais enfin, c'est quand même une traduction écrite qui est assez présente, même. Et si c'est le cas dans le manuscrit en moyen français, ça m'étonnerait quand même que Tintaïol ait pas connu au moins ces deux prononciations avec Tintagel et Tintaïol. Ouais, disons, l'orthographe des noms, c'est pas quelque chose. Larman, par exemple, parle de Tintaïol. Après, ça c'est dans Caligula, et puis la version auton corrige en Tintagel ou Tintagel, plus probablement. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de pas. Disons, c'est pas quelque clair, et je pense que c'est pas forcément nécessaire de. Que le scepticisme de Ménard n'est pas forcément justifié. D'ailleurs, Curtis écrit Tintaïol ouais, dans toute son édition. Je sais pas. Disons, probablement, peut-être qu'il a raison, je sais pas. Mais disons, pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas mon cheval de bataille. C'est pas ça qui va condamner cette traduction. Je veux dire, j'attends avec impatience tous les autres volumes du Tristan, parce que ma foi, si personne veut publier une traduction, bah, je vais pas commencer à tracher ceux qui le font. On les remercie encore une fois de nous avoir envoyé le premier volume, puis on espère qu'ils vont nous envoyer les suivants. S'il vous plaît, on a été méchants, mais laissez. Non, mais c'est vrai que, j'espère vraiment qu'ils vont mener cette traduction au bout, puis qu'ils vont pas arrêter au tome 3 parce que ça leur rapporte pas d'argent. C'est ça que j'espère vraiment. Je serais curieux de voir si un jour on aura droit à une pléiade se basant sur Curtis et Ménard pour le texte, puis en traduisant les traductions qui existent déjà, puis ça serait intéressant d'avoir ça à disposition, quoi, comme on l'a pour le... Ouais. Parce que mine de rien, l'édition Pléiade est une des éditions les plus accessibles de, alors malgré son prix, au moins elle se trouve en bibliothèque du Lancelot Graal. Ça serait sympathique d'avoir le Tristan mis à l'honneur comme ça aussi. Un petit problème que j'ai avec cette traduction par contre, c'est qu'ils disent le texte n'a jamais été traduit. Puis effectivement, ce texte-là n'a jamais été traduit. De ce que je vois, c'est la première traduction dans une langue moderne de cette partie de l'œuvre. Mais du coup, les journalistes qui reprennent l'histoire ont un peu tendance à croire que le texte n'a jamais été édité du tout, ou que le texte n'a jamais été traduit du tout dans son entier, ce qui n'est pas vrai. Maintenant, il y a l'édition et les traductions dirigées par Ménard. D'ailleurs, on dit édition-traduction Ménard, mais en fait, ça concerne 14 personnes, donc c'est un petit peu... C'est lui qui a dirigé, même d'ailleurs, la version de champion de la version courte. C'est aussi Joël Blanchard. C'est lui qui a... Il est techniquement directeur de la collection des classiques français du Moyen-Âge, donc techniquement, c'est sous son égide, c'est lui qui a choisi les gens, et c'est... Ouais. Mais c'est... Disons, c'est pas aussi direct que, je crois, la version Draw, qu'il a beaucoup plus étroitement dirigé, il me semble. Ou la version Curtis qu'elle a fait dans un laboratoire pendant 22 ans. On va peut-être faire une petite pause musicale après cette heure de présentation, et on va revenir pour vous parler de la structure générale du texte, de ses variantes dont on vous a un peu abordé. Mais d'ici là, Laïs, est-ce que tu veux annoncer notre petite pause musicale, du coup ? Oui, je vous propose qu'on écoute une petite chanson de Stan Rogers, Oh No Not High, qui parle justement d'histoires qui vont un peu se dédoubler dans le kaléidoscope du Tristan en prose, c'est-à-dire des histoires de marins amoureux et de jeunes filles abandonnées. A Newfoundland sailor went walking on the strand. He spied a pretty fair young maid and took her by the hand. Oh, will you go to Newfoundland along with me, he cried. But the answer that she gave to him was, oh, no, not I. If I were to marry you, on me 'twould be the blame. Your friends and relations would scorn me to shame. If you were born of noble blood and me of low degree, do you think that I could marry you? It's all, no, not me. Six months being over and seven coming nine, this pretty fair young maiden, she began to look so shy. Her corsets would not meet and her apron would not tie. Made her think on all the times when she said, oh, no, not I. 8 months being over and nine coming on, this pretty fair young maiden, she brought forth a son. She wrote a letter to her love to come most speedily, but the answer that he gave to her, oh, no, not me. My pretty fair maid, the best thing you can do is take your child upon your back and the begging you may go. And it's when that you get tired, you can sit you down to cry and think on all the times when you said, oh no, not I. C'était Oh No Not I de Stan Rogers, et on reprend maintenant notre épisode monstrueux sur le Tristan en prose, mais on va cette fois-ci parler un peu plus en détail des différentes versions du texte, et on va vous raconter cette histoire, en fait, les parties un peu saillantes qui nous ont intéressés dans ce long récit. Alors d'abord, les versions On va dire qu'il y en a 4, qu'on résume généralement V1, V2, V3, V4 en écrivant le chiffre en chiffre romain avec un point entre deux. Faut faire attention d'ailleurs parce que dans son édition, Curtis utilise ses abréviations pour parler des manuscrits de Vienne, parce qu'il y a 3 manuscrits à Vienne, c'est... avec V3 qui est le manuscrit que Ménard utilise. Donc c'est un peu compliqué si vous comprenez. C'est un peu une vallée de larmes. Les versions 3 et 4 ont été établies telles qu'elles sont maintenant. En fait, j'ai l'impression que c'est Baumgartner qui vraiment les canonise en tant que version 3 et 4, en fait. Mais elle s'intéresse aussi à d'autres variantes qui sont... Les variantes 3 et 4, elle les appelle comme ça parce qu'elles existent dans plusieurs manuscrits. Elle parle aussi des versions... par exemple, il y a certaines versions spécifiques. Par exemple, le manuscrit BNF 758, le manuscrit 24400, qui a une continuation particulière, d'ailleurs, je crois. Qui a une continuation que Richard Traxler, qui a apparemment prêté serment d'éditer les parties les plus chiantes de toute la légende arthurienne, voulait éditer, puis ça s'est jamais fait. Je suis un peu triste pour lui, j'ai l'impression que ça se fait jamais, mais il a publié quelques articles dessus, notamment. Voilà, donc la référence pour les versions, on vous renvoie à Baumgartner. En gros, il y a ces 4 versions. Mais les versions 1 et 2 sont les principales. Donc, si vous voulez, vous avez probablement une version primitive, comme on l'a dit, autour de peut-être 1230, 1225, une version qui devait exister. Dans les mêmes eaux, vous avez la version longue, la Vulgate, qui commence à émerger, qui est une version longue qui raccorde Tristan à la quête du Graal, etc. La version courte, probablement un tout petit peu après, qui coupe beaucoup la quête du Graal, qui se concentre vraiment sur ce qui implique Tristan, ce qui donne un côté un peu presque plus comique, où vous êtes vraiment, on va voir... pendant que tout le monde est en train de faire la quête du Graal, on va voir ce que fait Tristan. Mais qui interpole beaucoup plus aussi de la quête de la post-Vulgate. Oui. Ou en tout cas, selon Baumgartner, qui pense qu'il y a plusieurs hypothèses possibles, Baumgartner est très définitif qu'elle pense clairement que c'est la post-Vulgate qui a inspiré. Elle émet l'hypothèse qu'il y a peut-être eu un document qui... une source commune. Une source commune entre la post-Vulgate telle qu'on l'a maintenant, qui est issue de... parce qu'on la connaît que par des fragments, en fait, la post-Vulgate qu'on a que maintenant. Et elle posite qu'il y a peut-être un manuscrit, un livre de base, en fait, qui comprend le matériel à la fois qui va servir à la rédaction de la post-Vulgate et du Tristan, parce que c'est possible qu'il n'y ait pas une relation directe. Mais ce qui est clair, c'est que le Tristan prédate la post-Vulgate dans sa version en prose générale. Et surtout, en fait, le plus évident qui tend à faire penser les gens maintenant que... on a clairement une version unique qui s'est séparée en 2, voire 3, 4 parties, mais qui était à la base unifiée, c'est le fait qu'en fait, toute la première partie du Tristan jusqu'au paragraphe 184 de l'analyse qu'en fait le Z est identique dans tous les manuscrits. Alors, il y a des manuscrits qui raccourcissent, mais la plupart des manuscrits des 2 versions, ou même des 4 versions, tiennent ça pour la même, en fait, à quelques variantes près. On est vraiment dans un tronc commun très très fort sur cette première partie, qui est la partie, en gros, de l'édition de Curtis et des premiers volumes de Ménard. Et donc, du coup, il y a un avantage particulier là-dedans, c'est qu'on sait qu'on a cette version de référence de base qui semble indiquer que cette version-là soit matériellement la plus vieille, la partie la plus vieille. Et d'ailleurs, elle a servi notamment à Bédier, qui a essayé de repérer dedans les parties anciennes, dont il s'en est servi pour faire sa version du roman de modernisée, en fait, du roman de Tristan et Iseult, en fait. Il y a... donc ça, c'est les 2 versions principales. La version 3 est une combinaison de ces 2 versions. Elle n'a pas été éditée. La seule partie qui a été éditée, c'est les 2 captivités de Tristan qui ont été éditées dans les années 70 par Joël Blanchard. Justement, il y a 2 passages qui peuvent être un peu redondants. Puis souvent, les traductions, ça devient un peu incohérent. Mais il y a des passages où, comme je vous ai dit, le conflit contre le roi Marc escalade. Et puis ça, c'est une des variantes où Tristan est fait prisonnier 2 fois, qui est éditée par Joël Blanchard. On ne va pas trop en parler. Il y a aussi la version 4 qui inaugure, je crois, les questions du tournoi de Sorelois et qui a 2-3 épisodes particuliers, mais qui est beaucoup plus tardive. La version 4, on sait que c'est vraiment un ajout tardif, un remaniement tardif de celle-ci, qui aurait été fait autour à la fin du 14e ou début du 15e. Donc on est dans quelque chose de plus... de vraiment un peu plus tardif que les débuts du roman, qui reste intéressant. Mais, donc oui, il y a le tournoi de Sorelois et l'histoire d'Alexandre l'Orphelin, qui viennent apparemment les 2 des prophéties de Merlin en prose, je crois, du moins c'est ce qu'on pense. Et la captivité de Tristan et son échappatoire, son escapade, sont racontées de nouveau différemment. Donc comme je vous ai dit, ce passage-là est un des plus, pas les plus confus, mais les plus variés. Mais ces deux-là, version 3, version 4, et même la version courte, on va pas vraiment vous parler, on vous mentionnera 2-3 fois si dans la version courte il y a un truc vraiment différent, parce que c'est intéressant, mais on va vraiment se concentrer sur la Vulgate, la version la plus commune, ce sera déjà pas mal. Faut préciser aussi que l'histoire des manuscrits est donc compliquée, il y a quelques manuscrits de la première rédaction qui sont, la plupart sont incomplets, le seul manuscrit vraiment complet de cette deuxième partie, c'est le manuscrit 756-757 de la BNF. Le manuscrit français 756-757, qui est bien pratique parce que le manuscrit, en fait, il semble assez clairement indiquer que la première partie du manuscrit s'arrête vraiment à la fin de la partie commune, et la partie inédite commence dans le manuscrit 757, en fait. Ouais, donc ils ont vraiment coupé. Donc c'est là que se fait la distinction entre 183-184 de Lezette. Et il y a beaucoup, beaucoup de confusion autour de ça. Alors on vous renvoie souvent aux pages Arlima pour avoir une idée des listes des manuscrits. Pour le Tristan prose, ça sert absolument à rien, parce que la page Arlima est horrible pour ce qui est la liste des manuscrits. Elle confond tout. Typiquement, le manuscrit 756-757 est mis comme sous la seconde rédaction, alors qu'il est clairement de la première rédaction. C'est même l'archétype de la première rédaction. Et c'est vraiment... Je vous déconseille vraiment d'utiliser la page Arlima pour ça. Référez-vous vraiment à une édition moderne ou au bouquin de Baumgartner, parce que c'est vraiment le plus complet, le plus correct, parce que la version Arlima est très, très confuse. Même si elle est pratique, parce qu'elle vous donne une liste d'absolument toutes les éditions, la plupart des éditions et des traductions, en tout cas. Donc voilà, la structure générale, c'est les aventures de Tristan jusqu'à... L'adjonction se fait où exactement, Laïs, entre la différence des deux versions se fait à des... on est aux aventures de Tristan et Dinadan, hein, quand la divergence se fait. Je crois que c'est à partir de là que ça commence à émerger vraiment. Puis quoi, l'édition de Ménard commence, en fait. L'édition de Ménard, tu veux dire l'édition... La version courte. Donc du coup, ces deux versions-là sont effectivement les principales, et elles ont tous les deux des intérêts différents. On reparlera peut-être de la version de 157 une fois qu'on aura parlé de la post-vulgate, d'ailleurs ça pourrait être intéressant de... On pourrait peut-être revenir dessus à l'occasion. Comme ressource sur le Tristan en prose, on vous conseille, le résumé analyse de Lecette, qui est vraiment une référence. Si vous voulez lire ces 500 pages, ça vous prend à peu près la place d'un livre, et puis vous aurez une très très bonne idée de l'histoire, des passages un peu difficiles à lire dans la transition entre les deux versions. Faites bien attention à lire à la suite, puis à tenir compte de ses notes, parce que c'est parfois assez compliqué de repérer où il va à la suite d'un truc. Il utilise des polices juste légèrement différentes, ou une petite taille pour signaler que c'est pas une variante, ou... Si vous avez sous la main les volumes de Curtis et de Ménard, au début ils ont toujours un résumé, ce qui d'ailleurs est une partie assez intéressante des versions académiques, justement, c'est que vous avez un résumé, une analyse, un sommaire des thèmes, etc. Donc si vous lisez juste leurs... Si vous n'arrivez pas à lire le vieux français, vous pouvez juste lire leurs introductions, vous aurez déjà une très bonne idée de ce qui se passe là-dedans. Il y a aussi le Wikia. Wikia, c'est un site de wiki, donc des encyclopédies collaboratives, qui est généralement orienté pour les fandoms et puis les trucs de fiction. Il y en a un qui s'appelle Quandam et Futurus. D'ailleurs, on aurait dû prendre ça comme titre juste au lieu de Rex Quandam, Rex Futurus. Ils nous ont battu là-dessus. Ils ont un assez bon article prose Tristan qui se repose beaucoup sur Baumgartner, ainsi que c'est en anglais, ainsi que des tableaux récapitulatifs sur le Tristan en prose, la post-vulgate, la quête du Saint Graal, un tableau qui compare, disons, 15 versions différentes. C'est vraiment éclairant de voir, cet épisode est là, cet épisode est pas là. C'est aussi une manière très synoptique de voir tout ça. Un peu pléonasme de dire manière synoptique de voir tout ça, mais très intéressant. Je les ai rassemblés sur une page HTML tous ensemble, ces tableaux, dont vous aurez le lien d'ailleurs dans notre document annexe. Il n'est pas toujours très fourni. Là, en l'occurrence, il y a 30 pages et on a fait un résumé. Donc, c'est un résumé de résumé de résumé de l'histoire, mais du coup, on va pas parler de tout. Et si ça vous intéresse, vous pouvez commencer par là, par lire ce document qu'on vous mettra en lien. Ça vous renvoie toujours au paragraphe dans les éditions correspondantes, notamment donc le Z pour. Pour avoir la version complète, puis partant de là vous pouvez assez facilement retrouver dans Curtis et Ménard suivant comment, donc ça devrait vous suffire. Mais voilà, donc vous avez vu que c'était une version comme une histoire éditoriale, une histoire manuscrite très compliquée, ouais. Même si l'avantage particulier par rapport par exemple au Lancelot Graal, c'est que vous avez une seule édition, quoi. Vous n'avez pas à vous dire, bon bah voilà, soit vous voulez lire la traduction, et dans ce cas vous lisez soit Anacharsis soit Curtis, puis les versions de Champion et des éditions universitaires du Sud, soit vous lisez l'original, puis dans ce cas vous avez Curtis Ménard. Vous n'avez pas à vous poser beaucoup de questions, disons. Et encore une chose qu'il faut mentionner, qu'on n'a pas fait sur l'histoire de ces versions, c'est que le texte lui-même a des prologues et des postfaces, en fait, qui sur des gens qui se revendiquent être les auteurs. Dans le prologue, il s'appelle un certain Luce Delgat, Luce de Gat, qui se dit venir d'Angleterre. Il s'excuse pour la qualité de son français, d'ailleurs. Il dit oh, je suis. Il vient de Salisbury, enfin près de Salisbury. Près de Salisbury, de ce qu'il dit. Bien sûr, il prétend qu'il traduit un truc. Du latin, je crois. Ouais, comme d'habitude. Mais, disons, comme le dit Curtis, Curtis dit ainsi en 1963, je vois ainsi les étapes de la composition du Tristan en prose. Un auteur qui s'appelle dans le prologue Luce de Gat commence à écrire un roman en prose de Tristan. Les scènes principales qui rattache le Tristan en prose à la légende traditionnelle sont probablement de la main de Luce. Il abandonne le roman, peut-être à cause de sa mort, sans l'avoir achevé. Un deuxième auteur, qui s'appelle Élie de Boron, continue le livre. Il écrit au moins deux tiers de ce que nous appelons aujourd'hui le Tristan en prose. Élie, entre guillemets, s'intéresse moins à la légende de Tristan qu'aux aventures de la table ronde. Le roman se termine sur un épilogue du pseudo-Élie. C'est cette deuxième partie arthurienne que les scribes ont amplifiée, de sorte que quelques manuscrits ont une version beaucoup plus longue que d'autres. Donc elle avait cette idée qu'il y avait une version courte, plus cohérente, puis qui a après été étendue. c'est pas vraiment celle qu'on a aujourd'hui. Puis au départ, quand vous en avez parlé parfois de deux versions du Tristan en prose, ce que les gens imaginent, c'est ça. Une de Luce de Gat qui a été ensuite étendue par un type qui s'appelle Élie Boron, probablement par référence à Robert de Boron, c'est probablement un pseudo. L'idée de Baumgartner, c'est que Luce Delga est responsable pour la version, enfin l'auteur qui se revendique comme étant Luce Delga, parce que c'est pas forcément son nom réel, ou Lucas Delga d'ailleurs, ça, certains l'appellent Lucas, est responsable pour la première version complète, mais sans les interpolations, sans la quête du Graal, la version qui a servi de base après à l'écriture du, de ce qu'on appelle aujourd'hui Guiron le Curtois, l'édition primitive en fait, si vous voulez, et qu'ensuite Élie Boron, sans doute par allusion au fait que Robert de Boron. Enfin, le problème, c'est que Baumgartner parle en fait de la post-Vulgate, ce qu'on réfère comme la post-Vulgate, comme du livre du pseudo Robert de Boron. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il est revendiqué en fait. L'auteur se revendique être un Robert de Boron qui dit qu'il a un assistant qui s'appelle Élie Boron. Et justement, ce qu'elle pense, c'est que l'auteur de la rédaction ultérieure qui combine avec les récits du Graal et qui ajoute cette postface a essayé d'utiliser ça pour ajouter du crédit à son œuvre et a pris ce nom-là. D'autant que la version la version du manuscrit 757 s'inspire beaucoup de la post-Vulgate, donc c'est effectivement possible, mais il semble aujourd'hui assez clair que ces deux auteurs, même s'ils ne sont pas réels sous ce nom-là, reflètent peut-être effectivement une édition de temps, mais au lieu de la version de Curtis, disons, garde à l'esprit qu'il y a probablement une version finie d'abord, qui a ensuite été... étendu. Je pense que l'idée que ce soit un premier auteur qui l'ait commencé et puis un deuxième auteur qui l'ait fini, c'est un côté très Perceval en fait. Je pense que c'est aussi le modèle de Chrétien de Troyes qui est en tête d'absolument tout le monde pour une œuvre aussi compliquée. Puis on a vite tendance à s'imaginer, ah tiens, c'est comme les continuations de Perceval. Il est mort, la plume à la main. Voilà, c'est ça, et ça a été repris. Le côté un peu romantique comme ça, c'est plus probablement pas le cas en fait, parce que en général, les gens finissent quand même leur récit au Moyen-Âge. C'est pas si courant que ça, les récits incomplets comme ça. Donc voilà, pour l'histoire des variantes, on fait pas tellement référence à Luce et à Élie, je pense, parce que c'est assez secondaire en fait. On peut pas leur attribuer de caractère particulier. Certaines gens vont voir des idées assez différentes, mais en fait, ça reste assez homogène finalement. Ceci étant dit, on va aborder l'animal. Enfin, aborder l'animal. Donc, commençons par ce fameux prologue que Gaston Paris aimait pas du tout. Il a été un peu revalorisé dans les années 70. Il y a des gens qui prétendent au contraire qu'il est très... Je suis pas très convaincu des interprétations qui essaient de le lier au reste du roman. C'est vraiment un prologue à part qui imite un peu le style de certaines histoires du Graal ou qui parle de la conversion de la Bretagne, mais voilà, c'est pas très... Avec un côté... Pour moi, il y a un côté extrêmement Jeffrey, en fait, dedans. C'est le plus évident que je vois, c'est vraiment l'influence, le mélange de roi historique et de pseudo-roi, le côté un peu d'histoire de famille dramatique, la forte influence classique aussi. Ça me fait pencher du côté de ces récits un peu de ces chroniques de Bretagne. Très forte influence classique, très forte référence à Rome, ce qui était déjà le cas dans la légende de Tristan Isu avec les références à la légende de Thésée, puis les voiles noires qui aboutissent à la mort de Tristan parce qu'il pense que Isu ne vient pas le voir. Le mensonge sur les voiles noires parce qu'elle vient vraiment. En l'occurrence, ça commence avec le frère de Joseph d'Arimathie, Brun, qui a 12 enfants. Un d'entre eux veut pas se marier, mais il épouse cette fille du roi de Babylone qui vient chez l'Inde. Lorsque Sador est absent pour une partie de chasse et son frère qui viole sa femme, elle lui révèle après qu'il la menace, donc il doit lui dire je vais te tabasser, genre elle est en train de pleurer, puis là je vais te tabasser si tu ne me. Donc elle est vraiment chez l'Inde, elle est pas très bien traitée. Il tue Nabuzardan et il s'enfuit avec Chelande par la mer. Alors ils sont pris dans un orage sur le bateau et l'équipage du bateau fait une espèce de rituel magique parce qu'ils pensent qu'il y a un criminel qui est sur le bateau et que c'est ça qui cause l'orage et ils voient que c'est Nabuzardan. Donc un thème cette fois-ci plus biblique avec l'histoire de... Enfin un motif qu'on trouve aussi dans l'histoire de Jonas. Il est balancé à la mer, Chelande... Non, c'est Sador qui est balancé à la mer. C'est pas Nabuzardan qui est balancé à la mer. Non, c'est pas Nabuzardan, c'est Sador qui est avec sa femme Chelland. Oui, c'est ça. Les gens pensent que Sador est responsable, en fait, parce que c'est lui qui a tué Nabuzardan, en fait. Donc il révèle par magie qu'il a commis un meurtre. Chelland arrive en Cornouailles, où il est marié de force au roi païen Tanor, ou Canor, je vais l'appeler Tanor, je pense. Elle accouche d'un fils, Apollo, qui est donc le fils qu'elle a... C'est un peu trop tôt, donc c'est un fils qu'elle tient de Sador, dont on prophétise à Canor qu'il le tuera. Alors Canor l'abandonne près d'une fontaine, tout se passe auprès d'une fontaine, mais il est suivi par une dame Madule qui sauvera l'enfant, elle l'élèvera avec son mari Nicoro. Donc là on est très dans un milieu très grec, hein. On a déjà des prophéties oedipiennes et compagnie. L'idée de la princesse babylonienne, comme on l'a dit, ça vient, c'est un motif qu'on trouve plus largement. Elle engendre ensuite avec Canor ou Tanor Sicoriades ou Sicoriade, qui donc sera l'héritier de Cornouailles. Pendant ce temps, Sador atterrit sur une île rocheuse avec un ermite. Les païens passent en bateau et lui donnent de la nourriture, mais ils veulent pas le prendre parce qu'il est chrétien. Alors ça, c'est un côté un peu... logiquement, il vient de la famille de Joseph d'Arimathie, donc il n'y a pas beaucoup de chrétiens pour le moment. Canor ramène un jour le roi Pélias de Léonois à son château, qui tombe instantanément amoureux de Chélinde et qui veut la conquérir. Au milieu de la nuit, il voit Canor et son chambellan au bord d'une fenêtre, il leur fonce dessus avec son épée, et puis Canor tombe par la fenêtre dans la rivière qui est à côté du château. Donc Canor est emporté par la rivière dans le Léonois, où il est secouru par deux pêcheurs. Pendant ce temps, Pélias se glisse dans le lit de Chélinde, qui ne se doute de rien, et il abuse d'elle pendant la nuit, enfin elle croit que c'est son mari, et il part à l'aube. Pensant que Canor est mort, il déclenche une guerre contre le Léonois. Il y a deux de ses chevaliers qui finissent par le trouver, puis donc il le fait mettre en prison. Donc le roi du Léonois a disparu, puis il profite de ça pour le ravager un peu. Pélias, qui est le frère de Canor, il ravage la Cornouaille. Pélias, qui est le frère de Canor, consulte un philosophe, qui a l'air d'être un peu magicien aussi, qui lui conseille de faire venir Sador de son île pour combattre Pélias devant Mérovée, donc Mérovée, le roi de Gaule, parce qu'ils sont tous les deux vassaux du roi de Gaule. Ça, c'est assez intéressant qu'il soit justement lié à la Gaule plutôt qu'à Uther Pendragon. C'est peut-être une confusion avec la présence d'un royaume de Cornouaille et d'un comté de Léonois, enfin de Léon en Bretagne insulaire, ça a peut-être joué là-dedans. Mais donc là, on est vraiment dans la préhistoire arthurienne. Et donc, il y a un combat qui se passe parce que basiquement, ce philosophe a une vision qu'il y avait un très bon combattant qui était sur cette île. On amène Sador qui réussit à battre Pélias, qui du coup est impressionné, qui est là, genre, waouh, il est très fort et il veut essayer de le retrouver. Mais du coup, Sador gagne et il gagne la libération de Canor. Donc Canor doit être libéré, il redevient roi. Qui est l'époux de sa femme. Qui est l'époux de sa femme maintenant. Et il ne le sait pas. Canor devine son identité, par contre, il reconnaît Sador. Et il sait, c'est le mari de ma femme. Il comprend que c'est le mari. Il le chasse de son royaume. Ciel, le mari de ma femme. Donc Sador, Sador erre alors que Pélias veut le retrouver pour le récompenser. Il s'endort auprès d'un temple de Vénus à la cité d'Albine, peut-être Albion, je sais pas, mais un temple de Vénus, donc un motif très, très, très antique. Et là, il y a un passage un peu bizarre. Il dort à ce moment-là. Il y a un certain Julius qui surprend sa femme et son amant, l'amant de sa femme. Et là, l'amant s'appelle Canaan et il les poignarde les deux avec un couteau avant de lancer le couteau à côté de Sador. Au matin, on l'accuse du double meurtre. Mais lui, il croit qu'on parle de son condamn contre Pélias. En fait, il se dit, on m'accuse d'actes que... On dit, tu as commis des actes terribles. Puis il pense que... Il se dit, ah bah, Pélias a dû mourir des suites de notre combat. Puis il m'accuse de ça. Ah, et puis du coup, il dit, j'avoue, je l'ai fait. Mais il sait pas qu'on parle du meurtre qui a eu lieu juste à côté de lui. On l'expose sur un perron pendant 3 jours, comme on fait avec les criminels. Luce, le fils de Pélias, tue le père de Canaan. Et donc fait prisonnier également. Parce qu'en fait, Pélias avait vu... Sador, puis il était désolé de pas pouvoir le libérer, donc Luce étant fâché contre Canaan, enfin il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire, puis il se fait capturer également. Pélias a le choix de libérer un des deux, soit son fils, soit Sador, puis donc il dit « Ah non, mais je suis conflictuel parce que Sador est un tel bon chevalier que je dois le libérer ». Il finit par choisir Sador plutôt que son propre fils, et alors qu'on mène Luce pour l'exécuter en le jetant d'un grand rocher, donc là on a des échos de la romantique, la roche tarpéienne où on jetait les traîtres, bon peut-être pas, en général c'était les traîtres, mais... Un géant, à ce moment-là, survient sur le cortège et le kidnappe et le marie à sa fille, la fille du géant, en le gardant prisonnier pour le divertir, en fait. Pélias n'arrive pas à oublier Chélinde et il obtient de Sador qu'il l'aide à la conquérir. Donc il dit « Je veux prendre la femme du roi Canor ». Et puis Pélias le fait sans reconnaître sa femme. Il parvient à le faire. Elle épouse Pélias suivant la loi païenne, mais ils finissent par se reconnaître. Et donc Sador demande à Pélias « Donne-moi une faveur ». Et puis il lui dit... Un vœu contraignant, puis il dit « Ok ». Et il dit « Rends-moi ma femme ». Et comme d'habitude, les vœux contraignants, ça marche extrêmement bien dans la genre. Give me my wife back. C'est un thème extrêmement récurrent hein, dans le Tristan en prose. Mais ça, c'est un terme assez courant de la légende arthurienne où « Sire, donnez-moi une faveur. Ah, je vois pas comment ça pourrait tourner mal. » Il y en a 4 ou 5 et c'est systématiquement « Sire, donnez-moi une faveur. » Et c'est toujours votre femme. C'est toujours votre femme. Ça arrive avec tout le monde, à peu près. Oh non, il y a un moment où il y a Palamède qui se fait avoir comme ça, puis il dit « Tu m'as habilement trompé. » Et je trouve ça extrêmement drôle. À mon avis, c'est le premier truc qui devrait expliquer au cours de chevalerie, c'est le problème du vœu contraignant. Si quelqu'un te demande de lui accorder n'importe quoi, il peut s'en servir pour t'entourlouper. Donc, Sador se barre avec sa femme, Pélias étant maintenant célibataire, il quitte le Léonois, mais il parvient malheureusement dans la forêt du géant qui avait enlevé Luce. Il menace de le décapiter s'il ne résolve pas ses énigmes, et donc là, il y a tout un passage où il a des énigmes en poésie, c'est un de ses premiers passages du Tristan en prose, où il y a des passages... parfois chanté, mais en tout cas en vers. Et ces énigmes, en fait, sont complètement absurdes. C'est vraiment genre c'est pire que les énigmes de Gollum. Il y a un passage très. Ça fait très Gollum, ce passage. Mais les énigmes sont. En fait, le géant parle de son passé de barbarie et d'inceste où il a tué ou violé des membres de sa famille. Et donc, ils sont là. Mais c'est absolument horrible ce que tu me racontes. Puis, genre, il parvient quand même à comprendre ce qu'il lui raconte. Puis, mais c'est absolument horrible, alors que c'est de manière absolument alambiquée. Certains prétendent que c'est lié au thème plus généraux du roman du Tristan. Je le vois pas vraiment, mais n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de cogiter là-dessus. Sador réussit à tout comprendre et à gagner ses énigmes, mais malgré ça, il le garde prisonnier, ce qui est un petit peu une arnaque quand même pour le divertir, parce qu'il dit « tu es tellement intelligent que je vais te garder avec moi ». Jusqu'au jour où Pélias chasse dans cette forêt et rencontre le géant, s'ensuit un duel d'énigmes où le perdant doit être décapité par l'autre. Le géant sèche, mais Sador lui donne la réponse s'il les laisse partir avec Chelinde, ce qu'il fait, et Pélias reste prisonnier à sa place. Oui, parce que du coup, forcément, même quand tu réussis à gagner, t'es prisonnier du géant. Il a retrouvé son fils au moins. Il a retrouvé son fils, mais du coup, les conditions n'étaient pas terribles. Genre, Pélias a résolu deux énigmes et il en a donné qu'une seule, mais s'il réussissait à résoudre la seule, il pouvait le garder. Sador et Chelinde arrivent dans le château de Teriadan l'Enchanteur, c'est le nom du château apparemment, et puis un vieux seigneur qui leur abandonne le château avant de mourir, et puis du coup il règne là-bas 15 ans. Apollo l'Aventureux, qui est donc le fils de Sador et Chelinde, mais il ne le sait pas, qui avait été abandonné, est armé chevalier par le roi Canor, qui ne soupçonne pas son ascendance. Nikoro raconte à Canor comment ils ont sauvé le bébé, alors que Canor avait essayé de le tuer. Canor tue Nikoro, mais Médule, la mère adoptive d'Apollo, lui révèle la réalité. Il dit « Je dois partir en quête de mon vrai père ». Et puis c'est très courant dans ces romans où ils sont là, genre « Mais qui est donc mon vrai père ?» Ils s'en foutent de leur famille adoptive, c'est assez frappant. Il arrive chez le géant, bat son énigme, lui on propose une autre à laquelle il échoue, et il lui tranche la tête. L'énigme en fait a un rapport vague avec l'histoire de Tristan, parce qu'il fait référence à un lion et à un léopard, ce qui est quelque chose qu'on avait aussi dans Lancelot Prose pour parler de Galad et Lancelot, mais là en l'occurrence ça parle de Tristan et de... Je crois que ça parle de Tristan et Marc, mais en tout cas il y a des parallèles effectivement un peu avec la suite, très léger. Ce que je trouve rigolo, c'est que le géant demande à Pélias à son tour si Pélias peut l'aider, sauf que Pélias il est un peu bête, il arrive pas, il est pas aussi bon que Sador, donc du coup il réussit pas, et du coup le géant se fait trancher la tête, et Pélias et Luce sont libérés en fait. Enfin, finalement Sador aurait mieux fait directement de pas dire au géant, de pas aider le géant, puis De pas aider le géant puis de le laisser décapiter, mais c'est un peu vache ce qu'il fait pour laisser Pélias prisonnier. Puis il y a probablement une idée de rancune justement où il veut se venger un peu de lui avoir piqué sa femme. Mais justement, les énigmes... Bon, je crois que Pélias est aussi... Pélias soupçonne la réponse, mais il le dit pas. C'est possible aussi. Et ensuite, donc pendant ce temps, Apollon est à l'âge d'être adoubé, donc il s'est écoulé 15 ans. Donc ça fait 15 ans que Pélias était retenu par le géant. Et pendant ce temps, Canor ravageait le Léonois. Donc guerre perpétuelle où il bousillait tout les là-bas. Les rois de Cornouailles sont souvent présentés comme des gros cons. Hein, c'est généralement le pôle maléfique des deux royaumes. Mais une fois de retour, la guerre reprend, et cette fois-ci, Pélias réussit à retourner la situation à son avantage, et Canor est en difficulté, il est obligé de demander de l'aide à Gonosor d'Irlande, qui accepte, mais en échange, la Cornouaille devra lui payer un tribut, ce qui est le tribut auquel Tristan va mettre fin des décennies plus tard. Pélias est tué pendant la guerre, Luce règne, et il fait tant merveille dans la guerre que Luce, c'est donc le fils que Pélias avait eu avec Chelinde, donc pendant la période où ils étaient mariés. Donc, Luce, un des fils de Chelinde règne, et il fait tant merveille que la Cornouaille doit demander la paix. Au début du mois de mai, les rois de Cornouaille et de Léonois se rendent au temple du bois Hercule, donc vous voyez que c'est très romanisé là, pour célébrer la fête de Vénus. Le roi Pélias. Ils ne sont pas christianisés encore. Ils sont pas encore chrétiens. Le roi Pélias est enterré là, à la frontière des deux royaumes. Et puis c'est là qu'il va y avoir une espèce de showdown de western où tout le monde se retrouve là, puis il va se massacrer. Sador laisse Chelinde chez un forestier, puis il y va. Il est blessé mortellement par Canor. Sur le retour, il croise Luce et Apollo. Et il prend Apollo pour Canor, parce qu'ils ont les mêmes armures. Il a été adoubé par Canor, donc ils ont le même type d'armure. Et il se fait tuer par celui-ci. Donc c'est le premier geste oedipien d'Apollo qui tue son propre père qu'il avait attaqué. Canor arrive. Luce veut le tuer pour mettre fin à la guerre entre les deux royaumes. Mais il se fait tuer par Canor, ce que j'ai trouvé assez anticlimatique, parce que tu penserais que le gentil gagnerait. Maintenant, il se fait buter. Et c'est là qu'Apollo, voyant son ami mort, tue le roi Canor. Il se retourne contre lui. Et c'est quand même significatif parce que c'est quand même lui qui l'avait adoubé. Il avait quand même un rapport de féodalité, disons de... On a déjà le premier indice que Tristan et Marc vont pas s'entendre très bien. Vont pas s'entendre. Donc il y a déjà l'idée que, voilà, Canor, qui était quand même quelqu'un qui m'avait adoubé, qui est mon suzerain, etc., que je devrais respecter, mais l'amitié qu'il avait pour Luce supplante ça et il le tue. On demande à Apollon... Donc là, Sador, Luce et Canor sont enterrés aux côtés de Pélias. Et donc il y a Sicoriade qui va régner en Cornouailles pendant que Apollon va régner en Léonois logiquement, et il va être prié de se... on va lui demander de se marier, en fait, on va leur demander comme Marc dans le motif assez récurrent du Tristan. On va lui demander de se marier, ils font venir les pucelles et les veuves, et puis ils choisissent Chelinde sans savoir que c'est sa propre mère, et ils vivent en paix longtemps. Parce qu'en fait c'est ça, c'est clairement le matchmaking, toutes les pucelles et les veuves du royaume lui sont présentées en fait, puis il doit choisir. Et évidemment, ils ne savent pas du tout qui est que Chelinde est sa mère. Ils restent en paix longtemps, mais un jour, Saint-Augustin vient leur expliquer leur péché. Schelind, il croit pas du tout, veut le faire mettre au bûcher, mais le feu s'éteint quand il essaie de le faire, et finalement, Schelind est frappé par la foudre, et le feu, son corps brûle de façon merveilleuse pendant longtemps, ce qui épate tout le monde, et ils disent, ah, c'est peut-être une punition divine. Saint-Augustin convertit le roi Apollon et une grande part du royaume. Sigurd, toujours roi de Cornouailles, recommence la guerre contre le Léonois, notamment à cause de cette conversion. Il se fait battre et fait exécuter un philosophe qui prie le dieu des merveilles, donc un philosophe qui est une espèce de sage un peu pré-chrétien, qui est une espèce de révélation naturelle du christianisme. Et peu après, ils voient un lion entrer dans une fontaine et en ressortir sans être mouillé. Il a une espèce de vision d'un lion qui entre dans une fontaine sans être mouillé, puis Saint-Augustin va lui expliquer que le lion, c'est Jésus. C'est Narnia avant le... Non, c'est... Donc oui, il lui explique que le lion c'est Jésus, et pendant ce temps, on nous dit l'Irlande est convertie par Joseph d'Arimathie. Saint Patrick d'entrée là-bas. C'est ça, Saint Patrick casse-toi. Et Saint Patrick il arrive, ils sont déjà tous chrétiens. Ils sont juste. Ce que je trouve ironique, c'est que finalement c'est, ouais, c'est ça, c'est ce côté vraiment très. On n'a que deux saints à disposition, puis ils peuvent convertir tout le monde. Mais donc on arrive au terme de ce prologue avec cette dernière génération. Il y a déjà un mariage, irlandais quand même qui se fait là. Apollo et Sigurd épousent tous les deux des filles du roi d'Irlande, Glorian et Joen. Donc il y a de nouveau un lien encore assez fort. C'est Joen ou Gwen? Moi j'ai Joen, mais effectivement. Les deux qui sont vaguement les deux qui sont donc du coup demi-frères. Épouse de sœur, donc c'est peut-être un mariage double. Ils ont des enfants double cousins. Mais Joen trompe Sigurd, donc c'est respectivement des bonnes et des mauvaises épouses. Hein. Gloriande est vraiment une épouse fidèle au possible, mais Joen n'est pas terrible. Elle trompe Sigurd et il la fait enfermer dans une tour. Une nuit, il la trouve au pied de la tour avec son amant, et donc il se méfie. Puis plus tard, il la surprend alors qu'elle en descend une corde pour qu'il monte. Alors, elle le persuade, elle lui dit « Bon, si tu veux surprendre mon amant, mets des vêtements de femme et tu descends la corde, comme ça, il va croire que c'est moi, puis tu pourras le surprendre. » Puis elle se dit « Ah, bonne idée, il prend son épée, il met une robe et il commence à descendre la corde, et puis à ce moment-là, Joen coupe la corde, il tombe de la tour et puis il meurt. » Et donc, il retrouve le roi au matin dans une robe mort. Donc, Apollo commence à se méfier de sa femme, alors que Gloriande est très fidèle, et il lui fait condamner une femme adultère au bûcher. Il lui dit oh, « Il faut que tu rendes un jugement, là, il y a une femme adultère, puis pour tester un peu, peut-être pour lui envoyer un message, genre tu vois ce qui arrive aux femmes adultères. » Mais la mère de cette femme veut se venger, et donc elle fait écrire une fausse lettre pour faire croire que Gloriande a un amant. Et donc, littéralement, le chevalier s'appelle amant. Hein. Ouais, mon bel amant, etc. Et elle se débrouille pour qu'il y ait une messagère absolument qui se fasse intercepter, et pour que Apollon trouve la lettre. Apollon pense à tuer sa femme, mais il y a un ami qui le détourne de ce projet. Glorian et Apollon ont un fils qui s'appelle Candace, et avec lui ils vont en Gaule voir le couronnement du roi Clodovex, qui a été converti par Saint-Rémy, donc c'est Clovis qui a été converti. Sauf que le problème, c'est que le fils de Clodovex convoite Glorian, il devient instantanément, il la convoite, il veut la violer et tout. Elle refuse, il tue Apollo. Il enlève Gloriande dans une tour, mais elle préfère se suicider en sautant de la tour plutôt que d'être abusée par lui. L'extrême inverse de Joen. Et Clodovex apprend tout et il fait mettre son fils à mort sur le bûcher, le fait cramer pour sa subversion. Il couronne Candace, roi de Cornouailles et de Léonois, parce que maintenant les deux rois de Cornouailles et de Léonois sont morts, et il lui donne sa fille Crésie en mariage. Donc ils ont 12 enfants de nouveau. Mais ils se rendent compte que se partager le royaume en 12, ce serait pas forcément pratique, ils sont pas si grands que ça. Et donc, il y a l'aîné qui va devenir roi de Cornouailles, et le cadet qui va devenir roi du Léonois, et puis tous ceux qui sont entre deux, les 10 autres, ils vont devenir des chevaliers errants, et puis faire des exploits, des trucs comme ça. Et c'est là qu'en fait le texte se raccorde avec la légende de Tristan plus habituelle en fait. On nous dit en fait, c'est là qu'on se dit, est-ce qu'on va nous parler du fait que les traumatismes qui se perpétuent de génération en génération, et puis de voir la continuité extrême du passé qui pèse sur l'histoire du roi Marc et Tristan, et en fait non, à ce moment-là ils disent, et puis à ce moment-là il y a plein de générations, et puis après il y a Marc et Tristan. Genre vraiment, c'était pas nécessaire de vous raconter tout ça, mais on l'a fait quand même. Le thème premier, effectivement, c'est une femme, des femmes dont tout le monde tombe amoureux et qui causent des conflits parce que des hommes se mettent à buter tout le monde autour. C'est un côté très guerre de Troie, hein, ouais. La belle Hélène qui se fait convoiter. Donc on est quelques générations plus tard, effectivement. Donc, le fils d'un des descendants de Chrysidas, appelé Félix, a deux enfants, Marc et Eliabel. Marc donc, devient roi de Cornouailles. Eliabel épouse Méliadus, donc un descendant du fils cadet de Candace. Et un jour, donc comme on l'a dit un peu dans le résumé au début, hein, Meliadus est ensorcelé par une fée qui l'aimait. Ça, c'est un motif qu'on va aussi retrouver avec le roi Arthur, qui est ensorcelé par une enchanteresse plus tard dans le roman. Eliabel est enceinte, elle va le chercher dans la forêt. La rencontre avec Merlin, tu l'as déjà décrite dans l'introduction. Elle accouche parce que Merlin lui dit qu'elle ne reverra jamais son mari. Et effectivement, ben, elle meurt, donc elle ne reverra jamais son mari. Elle chante en mourant un lait triste. Voilà. Et elle meurt, elle le nomme Tristan parce que, ben, tristesse. Voilà. Bah, c'est triste! Très original. Surviennent alors donc deux chevaliers qui sont des parents de Meliadus qui se disent « Ah tiens, on pourrait avoir le pouvoir pour nous si on le met à mort. » Mais ils promettent plutôt à la demoiselle de compagnie de laisser en vie le petit Tristan, à la demoiselle de compagnie de la reine, pour autant qu'il soit bien caché et que personne ne se doute qu'il devienne le roi. Donc ils vont être dénoncés par Merlin et il va révéler aux gens du Léonol le moyen de retrouver Meliadus qui est donc emprisonné par sa fée. Et Merlin va demander à Gorvenal de Gaulle, qui est donc le sidekick un peu, le mentor slash sidekick de Tristan, il va lui confier la garde de Tristan un peu. Donc c'est vraiment très parallèle avec l'origine d'Arthur finalement, hein, où qui se fait confier à Antor, Hector. Mais Gorvenal va vraiment être son sénéchal slash écuyer slash vraiment acolyte qu'il a. C'est un peu son Alfred de Batman en fait. C'est lui qui l'a élevé et puis c'est son fidèle acolyte qui l'aide jusqu'à une fidélité absolument absolue à lui en fait. Ouais, c'est pas du tout le modèle de Hector ou de Queux par exemple qui sont un peu plus secondaires. Donc le jour de la naissance de Tristan, on a une première idée de la personnalité de Marc qui se fait demander par des messagers d'Irlande le tribut donc du royaume de Cornouailles. Et en fait le jeune frère de Marc, Pernehan, se moque un peu de lui et lui enfin, Pernecan ou Pernechan, ouais, ça change un peu en fait. Et en fait Marc est décrit comme fourbe, leur donne lâchement le traité, alors que Bernard lui se dit ah, c'est pas bien de se laisser faire comme ça, et donc il se fait tuer par Marc en fait. Ça donne déjà une idée du genre de type qu'est Marc. Marc est en Cornouailles. Meliadus, lui, redevenu le roi de Léonois, épouse la fille du roi Hoël. Donc on a déjà un lien avec la Bretagne. On a déjà avec la Bretagne. C'est, d'ailleurs, donc du coup, il va épouser la sœur de la future épouse de son fils, ce qui est assez rigolo. La reine en question est Tristan. Elle le déteste, donc c'est vraiment la marâtre par excellence. À l'âge de 7 ans, il est déjà d'une beauté extraordinaire, tout le monde est en pamoison devant comment il est beau. Elle veut l'empoisonner pour que son enfant, elle, lui succède au trône, mais il y a une espèce de confusion, puis en fait, elle empoisonne son propre enfant au lieu de Tristan, et du coup, il meurt. Et elle est désespérée, mais elle continue d'essayer d'empoisonner Tristan, puis un jour, c'est le roi qui va boire le poison. Donc elle dit non, parce que du coup, c'est le roi. Il y a du poison. Et du coup, elle se révèle, et on lui fait tout avouer, on la condamne à mort, et Tristan, du coup, la fait gracier. Meliadus est assassiné par des chevaliers du comte de Norholt. Alors ça, je sais pas trop d'où ça vient, parce que le Norholt, on n'entend pas beaucoup parler. Enfin, ils reviennent de temps en temps, enfin, pour essayer de se faire assassiner. Gorvenal, qui se méfie un peu de la reine, parce qu'elle est toujours, elle a été graciée, hein, il décide d'aller à la cour du roi Pharamond de Gaulle, plutôt que de rester à la cour de Léonois. Et Tristan, qui a 12 ans, se distingue par son adresse, sa beauté, au point que la fille du roi Pharamond, Bélide, l'aime passionnément. Et elle demande à Gorvenal de le dire à Tristan. Alors, dans l'intervalle, le Morholt, qui est un chevalier de la Table Ronde en fait, le Morholt dans cette version, rend visite à la cour du roi de France, et puis il est frappé par la beauté de Tristan. Sauf que le fou du roi, le fou de Pharamond, lui dit prédit, cet enfant va te tuer. Cet enfant va te tuer. Alors le Morholt est un des meilleurs chevaliers du monde, donc il est pas trop inquiet, disons. Tristan, pendant ce temps, refuse l'amour de Belinde. Du coup, elle lui dit qu'elle va se tuer et elle le fait. Donc c'est pas terrible. Alors d'abord, elle l'accuse de l'avoir violé. Oui, bon. elle l'accuse de l'avoir violé. Donc c'est la femme de Potiphar. Elle accuse Tristan d'avoir voulu abuser d'elle. Et puis ensuite, le roi Pharamond se dit qu'il y a quelque chose qui est louche. Et puis il met Tristan à l'épreuve. Il met sa fille à l'épreuve en disant: est-ce que tu préfères que je tue Tristan qui est censé t'avoir abusé, ou bien ton cousin machin? Et puis elle hésite. Et puis du coup, il se rend compte que en fait, il a pas abusé. C'est un peu stupide, mais finalement, elle dit qu'elle va se suicider parce qu'elle a pas d'amour pour lui. C'est la première victime de l'amour. D'une morte de chagrin d'amour, puis il apprend par une lettre qu'elle en est fait, morte. Ouais, c'est ça. Il s'apprête à partir parce que Gorvenal se méfie un peu du. Gorvenal, c'est vraiment le type qui est le plus raisonnable de toute l'histoire. En fait, il sait très bien quel genre de situation il est en train de se foirer. Donc il dit mieux vaut aller partir en Cornouailles où on offrira nos services à Marc. Et du coup, sur le départ, c'est un écuyer qui apporte la lettre et puis qui confirme que Bélide s'est suicidé. Donc l'écuyer décide d'accompagner Tristan à partir de. Marc, donc, est assez content de voir le jeune homme, il le reçoit à sa cour. C'est pas qui il est. Il est élevé incognito. Il est élevé incognito pour l'instant. Jusqu'au jour où, alors que Tristan a 16 ans, le Morholt arrive d'Irlande pour réclamer le tribut. Aucun des chevaliers de marque ne veut le battre pour contester le tribut, sauf Tristan, bien sûr, qui demande au roi de l'armée chevalier. Et il révèle sa naissance seulement avant de se battre contre le Morholt, en fait, pour que le Morholt accepte, en fait. Oui, parce que le Morholt veut pas se battre contre n'importe qui, puis donc il dit ah, je suis le fils du roi Meliadus. Et ils se combattent sur l'île Sainte-Sanson, donc là vous connaissez le récit de Tristan et Iseult. D'ailleurs, j'aime bien ce récit, je crois que c'est exactement le même, mais où Tristan arrive dessus, puis il balance sa barque à la mer parce qu'il dit il y aura besoin qu'une seule barque, parce qu'il y a un seul de nous deux qui va quitter cette île. ce qui est assez rigolo, parce que c'est vraiment. C'est pas ce qui se passe, en fait. Il blesse le Morholt à mort, mais le Morholt se barre avec sa barque, et puis du coup il reste coincé à agoniser sur l'île jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Comme dans la version originale, il y a le fragment de l'épée qui reste fiché dans la tête du Morholt. Faut préciser aussi que c'est ça qui est intéressant, je trouve, que c'est le fait que Tristan veut que ce soit un duel à mort, alors que souvent les duels ne sont pas forcément à mort dans ce récit, il n'y a pas toujours des morts à la fin. Tristan est donc ramené en triomphe, mais évidemment il a été blessé par la lance empoisonnée du Morholt, on veut le guérir, puis un jour il ne veut pas mourir comme ça, il décide de se faire mettre dans un bateau à voile avec sa harpe et ses instruments. Il part vers l'Irlande où il arrive au château de Hosedoc où demeure le roi Anguin. Il y a beaucoup plus de noms dans cette version aussi, hein, c'est comme dans la version en prose de Lancelot. Il est attiré en fait par le son de l'harpe de Tristan qui est donc échoué en train de mourir dans sa barque et qui joue de l'harpe. Il promet à Tristan de le faire guérir par sa fille Iseult ou Iseult ou toutes les variantes que vous avez, je vais l'appeler Iseult, mais Curtis par Iseult effectivement. Mais Tristan a peur d'être reconnu parce qu'il sait que le Morholt est quand même le beau-frère du roi. Iseult veut le guérir dès qu'elle a appris comment qu'il est emprisonné. Il va lentement se reprendre de ses formes, mais il ne peut pas prendre les armes encore. Hein. Et 2 mois plus tard, il y a un tournoi devant le château des Landes où il va avec le roi Anguin. Et il rencontre notamment Gauvin et son écuyer qui est en fait l'ancien messager de Bélide. Donc il y a une espèce de mercato des écuyers entre les chevaliers. Et ce jeune homme qui a été donc au service de Tristan pendant un moment demande à Tristan de l'armée chevalier. Le vainqueur du tournoi, donc, où Tristan n'a pas pu combattre, c'est un chevalier qui porte 2 épées et un écu moiré, donc noir et blanc, hein, c'est ça Normalement, alors traditionnellement, son écu, ce sera un écu d'échiquier, en fait. Et c'est comme ça qu'il est décrit généralement, donc noir et blanc, un échiquier noir et blanc. C'est Palamède, donc le sarrasin. Le roi des 100 chevaliers proclame un nouveau tournoi pour dans 10 jours. Ils aiment beaucoup les tournois dans ce roman, vous allez vous en apercevoir. Le roi Anguin suit Palamède et lui demande de rester à son service tant qu'il sera en Irlande. On a de nouvelles idées que le roi des 100 chevaliers vient d'Irlande. Hein. Ouais. C'est quelque chose assez dont vous avez déjà parlé quand on parlait de la suite du Merlin. Palamède donc tombe amoureux d'Iseult dès qu'il la voit et du coup Tristan quand il voit Palamède tomber amoureux décide un peu bisque-bisquerage de tomber amoureux d'elle aussi en fait. Il décide ça comme ça ouais. C'est vraiment des particularités du roman et c'est quelque chose sur lequel Curtis met de l'emphase dans sa différence avec les versions d'ailleurs tout le monde met l'emphase sur les différences avec Bérou et Thomas. C'est vraiment le fait que Tristan n'est pas spécialement amoureux d'Iseult jusqu'à cet incident là en fait. Oh, puis aussi leur histoire ressort pas vraiment grandi. Tristan est vraiment montré comme étant amoureux d'autres femmes alors que par exemple Palamède ou Caédin sont beaucoup plus fidèles dans leur dévotion et puis surtout Tristan il tue Iseult en mourant, ce qui était probablement lu différemment au Moyen-Âge, mais et il est aussi assez inconsidéré d'Iseult à plein de moments, donc je trouve que l'histoire est beaucoup moins ironiquement beaucoup moins romantique à cause de ces adaptations. Bon, on va voir les récits des amours de Tristan avec, mais il y a vraiment effectivement cette idée un peu très très ironique du fait que l'amour éternel entre Tristan et Iseult c'est un peu c'est vraiment ça et en fait c'est ça que j'aime bien la phrase c'est ainsi entra en, donc elle parle de Palamède ainsi entra en orgueil et en bobant Tristan pour les amours madame Iseult il le regarde moutirement pour qu'il y ait bien avis qu'il y soit d'estourbement et encombrement de s'amour parce que Palamède pense que Tristan est amoureux en fait de voilà, ils sont vraiment très rivales. Il doit passer par cette rivalité masculine pour commencer à penser à Iseult. Parce qu'en fait, le texte dit tant regarde Palamède Iseult que Tristan s'en aperçoit et bien connaît à son semblant qu'il l'aime de tout son cœur. Tristan s'avouait mout avant regarder Iseult et mout les poulets ouais, mais son cœur n'y avait pas mis jusqu'à l'aimer grandement. Et en fait, c'est que vraiment parce que Palamède est tellement amoureux d'elle que il se met à l'aimer grandement. Il y a l'idée quand Tristan est en Gaule qu'en fait il est encore trop jeune pour être intéressé aux choses de l'amour aussi. Oui. C'est quelque chose qui revient justement où quand la princesse de Gaule se confie à Gouvernail, Gouvernail dit ouais mais vous savez quel âge il a, il est encore trop jeune pour ça. Donc il y a aussi le côté où il arrive à l'âge. Voilà. Et son corps change. Comme le dit le roman, en celle manière, en plus, mortel haine Tristan vers Palamède et Palamède vers Tristan. Ouais. Donc il y a une haine mortelle qui va les rendre rivaux, en fait. Je peux noter deux choses sur cet épisode où le séjour de Tristan en Irlande, il apprend que le château de la garde douloureuse a été conquise par un chevalier. Tiens, c'est qui ce beau gosse qui a fait ça? En fait, on apprend que on a vraiment le dépêche radio, breaking news, Lancelot a conquis la douloureuse garde qui s'appelle désormais la joyeuse garde. Donc, je trouve ça assez marrant qu'on ait ces échos du Lancelot. Les nouvelles pâtées. Les nouvelles pâtées. Lancelot, chevalier du lac. La douloureuse garde qui avait pris la vie de 32 chevaliers jusqu'ici est désormais accessible au tourisme. Voilà. La cour d'Arthur promet d'y visiter. Le syndicat d'initiative. un autre épisode qu'on retrouve, qui est complètement minoritaire, qu'on trouve que dans le manuscrit 103 de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi dans des éditions de la Renaissance. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que les éditions imprimées vont utiliser cette version-là, c'est que pendant qu'il est en Irlande, Tristan tue une espèce de serpent géant ou un dragon. Ça, c'est issu de la, par exemple, c'est issu de la version classique, mais du coup... qui n'est pas du tout présente dans la version classe. En prose normale. Donc du coup, par hasard, au hasard d'une conversation entre Branguin, donc la servante d'Iseuïse, Tristan apprend que celui des deux, donc de Palamède et Tristan, qu'elle préférerait, ce serait celui qui est le meilleur chevalier. Donc il décide d'aller au tournoi annoncé par le roi des 100 chevaliers pour vaincre Palamède, en fait, en incognito. Et il fait semblant d'être trop faible, et il va en secret au tournoi, il porte une armure blanche que Branguin lui a donnée. Il y a une espèce d'idée que Branguin est un peu amoureuse de Tristan, dans cette version aussi. Ouais. Et il va en fait remporter le prix du tournoi des 100 chevaliers, du roi des 100 chevaliers. Il renverse deux fois Palamède. Et Palamède se doute bien que c'est Tristan, donc il s'en va désespéré. Ah, il s'en va désespéré. Pire, il jette ses armes. J'avais dit qu'il y avait des règles d'engagement différentes pour les chevaliers de Cornouailles, parce qu'ils ont des boucliers différents, etc. Les chevaliers de la table ronde, apparemment, ils ont genre deux épées. Et puis s'ils se font battre par un autre chevalier, par un chevalier de la table ronde, ils disent c'est pas grave, je peux abandonner une épée. Parce que c'est un chevalier de la table ronde, donc il est tellement fort, c'est normal, je peux garder mon autre épée. Mais s'ils se font battre par un autre chevalier, ils abandonnent leurs deux épées, puis ils doivent retrouver des armes autrement avant de se remettre à combattre. Et s'ils se font battre par un chevalier de Cornouailles, ils jettent leurs armes, et ils peuvent même plus se battre avec leur bouclier. Donc Palamède abandonne son bouclier à ce moment-là, parce qu'il a été vaincu par un chevalier cornouaillais. Pendant ce temps, Tristan donc, s'en retourne vers le château d'Anguin. Il est arrêté donc, par la demoiselle de l'Aube, qui cherche le vainqueur de la douloureuse garde et qui pense que c'est Tristan. Et vers le départ, elle tombe du coup sur Palamède qui est en train de se désoler parce qu'il est vraiment triste, et elle s'en va vers le royaume de l'ogre avec Gauvin qui est à la recherche du chevalier en question, donc c'est Lancelot. Ça c'est vraiment typiquement Lancelot en prose. Branguin donc entend parler du chevalier aux armes blanches qui a remporté le prix, elle sait bien que c'est Tristan, elle le dit au roi, Tristan avoue que c'est lui mais il dit pas qui il est. Et un jour il y a l'épisode de Tristan qui prend son bain, l'écuyer qui tombe sur l'épée, il voit qu'elle est ébréchée, il voit le fragment de l'épée, donc il sait que c'est lui qui a tué le Morholt. La reine, donc la sœur du Morholt, veut aller tuer Tristan dans son bain. Ouais, elle prend une épée puis elle veut aller le buter. Elle prend l'épée même, l'épée de Tristan, puis elle va le tuer dans son bain. Mais le roi arrive et dit non, c'est moi qui vais venger le Morholt. Puis il réfléchit un petit peu, puis décide non, je vais t'épargner, mais tu ne remettras jamais le pied en Irlande. Et donc du coup, Tristan s'en va vers Tintagel, il retrouve le roi Marc. Un jour, arrive une belle dame à la cour, la femme de Segurades, mais on va dire Segurades. Voilà. Marc a une passion malheureuse pour elle, Tristan tombe aussi amoureux d'elle, il aime bien tomber amoureux des gens dans d'autres gens sont amoureux. Ce petit con là. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus intense qu'il veut, parce que du coup, il est vraiment très très... ça passe à l'action du coup. Ça passe à l'action, puis justement il y a un épisode nocturne où ils se battent. En fait, le roi Marc menace le nain de la femme de Segurades et lui dit tu vas m'introduire auprès d'elle en lui faisant croire que je suis Tristan, probablement dans le noir, et puis on va intercepter Tristan la nuit parce qu'il est dans les confidences de la dame et de Tristan, donc il est censé le retrouver la nuit pour l'amener vers la dame. Et puis ensuite ils se battent et ensuite Tristan bat avec Marc, il blesse Marc gravement. Il est aussi blessé. Vu qu'il est blessé à cause du tournoi, vous souvenez de la blessure qu'il a eue face au Morholt, en fait. Et sa blessure se rouvre quand il est chez la dame, du coup il saigne sur les draps, donc ça c'est l'épisode assez. Le motif du sang sur les draps. Le sang sur les draps. Les draps sont sachés de sang. Segurades voit que sa femme était avec quelqu'un d'autre. Il se lance à la poursuite de Tristan, il le blesse encore. Ouais. Et du coup, Marc pense que son coup a apporté. Marc est vraiment le plus cuqué de tous les il a même personnages de son roman. Il croit qu'il a blessé. Et donc, il y a une scène marrante où Tristan et Marc doivent les deux garder le lit parce qu'ils veulent pas que l'autre sache qu'il est malade et donc ils apparaissent pas en public. Du coup, il y a une nouvelle cour, à Noël, il y a une nouvelle cour plénière à la cour de Marc, et il y a un épisode où un chevalier rampe, Bliobéris, Donc on a déjà rencontré Bioberis plusieurs fois. Il lui fait promettre de laisser emmener la dame de son choix et il choisit la femme de Sigurdas. Puis Tristan le bat et puis la ramène. Voilà, en gros, en fait, l'épisode d'ailleurs, Tristan dit bon, je vais pas la poursuivre parce que mon oncle va penser que voilà. Et finalement, il y a une damoiselle qui arrive pour l'accompagner, pour l'agonir d'injures très damoiselle Oni dans Perceval. Enfin, ah ouais. Il le Oni parce que il est pas terrible. Et pendant ce temps, on passe à un épisode où. Enfin, elle arrive, elle accable la Tristan d'un jour, mais elle dit pas pourquoi c'est. En fait, Tristan la suit. Et pendant ce temps, pendant l'intervalle, on a un épisode où Audrey, donc on l'a parlé, hein, le cousin germain de Tristan, veut amener à la cour deux chevaliers errants qui sont Sagremor et Dodinel en fait, mais il se fait battre par Sagremor et il est vengé par Tristan qui met Sagremor à bas. Et puis, de nouveau, ils jettent leurs armes par terre quand ils ont été battus, ouais, parce qu'ils ont été battus par un chevalier de corne. Ouais. C'est le premier chevalier de table ronde que Lancelot va battre, en fait, hein, parce que Palamède n'est pas encore... Que Tristan va battre. Que Tristan va battre, pardon. Ouais. Et à la fin, d'ailleurs, du roman, c'est Sagremor qui amènera les armes de Tristan à la table ronde, après la mort de Tristan. Donc il y a une espèce de parallèle assez sympathique, là. Donc Tristan va passer la nuit chez une dame près du château où il a vu partir Bioberis avec la dame et la demoiselle injurieuse. Tristan attaque Bioberis. Bioberis apprend qui est en train de se battre contre lui. Il se laisse vaincu. Et on laisse le choix à la dame, donc la femme de Sigurdas, et puis elle choisit Bioberis. Donc c'est un petit côté là. Chevalier deux épées un peu. Le chevalier à l'épée. Le chevalier à l'épée, pardon, pas le chevalier. Oui, justement, on met la dame au milieu. Puis il y a aussi l'épisode. En fait, il y a aussi l'épisode des chiens avec les chiens de la dame qui sont plus fidèles que la dame elle-même. Donc du coup, Marc commence à avoir une sérieuse rivalité avec Tristan et décide de profiter du fait que ses parents lui demandent de se marier, de lui demander à amener la dame dont Tristan l'a parlé, Isolde la blonde, ou Isolde la blouée, suivant les orthographes. Tristan comprend que Marc veut le faire buter, donc il est quand même relativement malin. Il part avec Gorvenal et 60 chevaliers, donc il est quand même suffisamment bien équipé. Ils arrivent en fait non pas en Irlande mais en Grande-Bretagne. Ouais, il y a une tempête. C'est un truc que le Tristan Prospect fait quand il veut ralentir l'intrigue. C'est normalement Tristan et Isolde vont aller du point A au point B. Non, il y a une tempête qui les amène à une aventure qui n'existait pas avant. Donc ils renversent deux chevaliers dressés sur les côtes. Donc ils tombent sur Hector Desmar et Marc Hanor. Un autre narive arrive le lendemain, il amène le roi en Guin d'Irlande, c'est bien pratique. Le roi est quand même heureux de voir Tristan. Parce qu'il a en fait un duel judiciaire à la cour d'Arthur, en fait. Et puis, il doit se battre contre un certain Blanor qu'il a accusé de trahison. Et Tristan donc demande un don contraignant, de nouveau, pour après le combat. Arrive une damoiselle qui porte un écu fendu, qui se joindra contre une haute dame, se sera donné un chevalier, donc on comprend que c'est Guenièvre et Lancelot, en fait. C'est l'écu où il y aura l'image de Guenièvre et Lancelot, ou l'image d'Arthur et Guenièvre qui se déchirent. Donc elle s'en va à la cour vers la cour d'Arthur, donc c'est vraiment d'où une allusion, hein, une de ces allusions à Lancelot. Ils sont sur le point de partir pour Camelot, mais la demoiselle revient car un chevalier qui s'appelle Breud, sans pitié, lui a enlevé l'écu. Ouais. Tristan donc retrouve l'écu pour elle. On arrive à Camelot, le roi a lieu devant le roi Arthur, le roi Caradoc et le roi d'Écosse. Et il y a une longue bataille, Tristan est vainqueur, il épargne Blanor. Donc on l'a vu, c'est pas forcément le motif de toujours tuer son adversaire comme le Morold. La gloire de Tristan commence à se répandre dans le royaume de l'Ogre. C'est vraiment l'initiateur de la réputation de Tristan, malgré le fait qu'il soit un chevalier de Cornouailles. Et le roi Anguin demande à Tristan de venir avec lui en Irlande, où plus personne ne songe à lui reprocher la mort du Morold. On se dit finalement, bon, effectivement, il a tué le Morold, mais c'était un peu légitime. Et puis bon, il est bon chevalier, il nous a épargné des problèmes. Donc il demande la main d'Isolde pour son oncle et le roi lui accorde. Ils partent par les navires de Tristan avec Branguin, Gorvenal et tout le monde, et la reine donne à Branguin et Gorvenal un filtre d'amour pour qu'ils en fassent boire à Marc et Isolde la première nuit, et ils prennent le départ. Et c'est là que se termine en fait le premier volume de Curtis. Donc vous avez vu, on est vraiment au début de l'histoire et c'est déjà un volume sur les 12 volumes de l'édition longue. Je trouve que c'est un bon choix de finir sur ce moment de tension narrative où ils partent justement avec le filtre en mer. Voilà. Ça fait une bonne coupure. Donc on embraye sur la mer calme, il fait chaud. Vers midi, alors que Tristan joue aux échecs avec Isolde, il demande à boire, on leur apporte le filtre, malheureusement ils s'en aperçoivent trop tard, et Tristan et Isolde boivent le filtre et pensent qu'à se livrer au plaisir de l'amour. Et là on a, alors le filtre, contrairement aux versions, c'est chez Thomas c'est chez Beroul ou Thomas que le filtre perd de son effet, je sais jamais je confonds toujours les deux versions. Dans les versions originales il y a toujours une version, il y a une version où le filtre plus ou moins de son efficacité à un moment donné, soit c'est prévu soit c'est pas le cas, mais de toute façon ils sont toujours amoureux et ils parviennent quand même à se séparer. Là c'est relativement général, mais j'avais juste envie de vous lire un peu le passage où ils boivent, parce que je trouve que ça illustre assez bien le style en fait assez particulier du roman en prose, et il est très très beau en fait. Il a un côté vraiment très, je trouve magnifique personnellement. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de ce style un peu oui, particulier. Oui, j'aime beaucoup le passage. Il est assez, il amende vraiment ça comme une espèce de, comme une malédiction vraiment quoi. Il y a plus forcément l'idée. Il y a une idée assez négative finalement de. Donc voilà, on commente Gorvenal verse et Branguin lui donne. Et s'il qu'il est toué chose et grand talent, avoué de boire, boit la coupe toute pleine. Donc il boit vraiment. Tristan fait le. Tu sec. Chuck, chuck, chuck, chuck. C'est vraiment le bro, quoi. Et s'il qu'il est toué chose et grand talent, avoué de boire, boit la coupe toute pleine, et quid que ce soit bon vin. Et vin et souhait se sont failles, mais mout y avouait autre chose que le vin. Il y avait autre chose que le vin, dont il ne se plaigne garde. Et quand il a bu, il commande que l'on en douane le vin à Isolde, et l'on lui donne, et elle boit. Ah, Dieu, ce qu'elle boivre, comme il l'or fut plus ancius. Or on but, or sont entrés en la riotte que jamais ce ne faudra, tant comme il l'aime l'âme et corps. Ils sont entrés dans le riotte, le... La danse. La danse, hein, c'est l'origine du mot riot en anglais, l'émeute. L'amante dont ils danseront tant l'âme et le cœur. Or sont entrés en cette voie dont il leur conviendra souffrir angoisse et travail tout leur âge. Dieu, ce quel duel! Ils ont bu leur destruction et leur mort. Si je lis la traduction d'Isabelle Desgages, ça donne « Ah, Dieu, quel breuvage, comme il leur a été nuisible depuis. Les voilà qui ont bu, les voilà entrés dans la danse qui jamais ne finira tant qu'ils auront la vie au corps. Les voilà qui ont pénétré dans une fausse voie où ils souffriront douleur, angoisse, tourment, peine, honte, chagrin et fatigue toute leur vie. Ah, Dieu, quelle douleur! Ils ont bu leur destruction et leur mort. » Si boivre leur a été mousse douce, mais on que nul dolor ne fût si chèrement acheté comme ceste sera. Leur cuir leur change et si leur mue. Maintenant qu'ils ont bu, l'ilince regarde l'autre et sont aussi comme toutes esbahies. Or pensent à autre chose qu'ils ne pensent où est devant. Tristan se pense à Isolde et Isolde à Tristan. Tos et oblies li roi Mars. Tristan se demande autre chose fort que la mort d'Isolde. Ce breuvage leur a été très doux, mais aucune douleur ne fut si amèrement payée, si chèrement payée. Leurs sentiments changent et se transforment depuis qu'ils ont bu le filtre. L'un voit l'autre avec étonnement, car ils ont au cœur des sentiments qu'ils ignoraient avant. Tristan pense à Iseux, et Iseux à Tristan. Le roi Marc est oublié. Je ne vais pas vous faire toute la liste de la façon dont le prosateur décrit en fait leur amour l'un pour l'autre, mais c'est vraiment un passage que je trouve magnifique en fait par ça. Ses répétitions, sa structure assez claire, c'est. Il va d'un sens à l'autre, il vraiment ces figures de style assez. Assez nettes, qui sont très très puissantes, je trouve, en fait. Et c'est une très belle illustration de ce qu'on peut faire avec la prose. On a beaucoup tendance à se dire, ah oui, le beau roman médiéval, c'est le vers, parfaitement ciselé, avec des mots bien choisis. Mais là, ça montre l'efficacité brute que peut avoir la prose, en fait. Et c'est pas étonnant qu'il y ait eu autant de succès à lire ça, parce que ça se lit vraiment très bien, quoi. C'est très feuilletonesque, il faut dire. Il y a vraiment. Déjà, la structure du récit, mais même on a tendance à mettre ce côté vraiment. La beauté du texte pour le vers et le côté feuilletonnant, le côté aventureux de la prose, mais même la prose peut être très très belle au Moyen-Âge. Donc c'est vraiment une des parties les préférées du roman, je trouve, la façon dont tu décris ça. L'épisode qui suit juste après, c'est le château le château des pleurs, je crois, voilà, le château des pleurs. Ils sont aux îles lointaines, en fait, dont le seigneur est Gallo du Lancelot Graal, évidemment. Du Lancelot Graal. C'est un passage, on va passer un peu vite parce qu'il est assez long. Basiquement, c'est ce que j'ai dit avant, parfois, vous avez dans la légende traditionnelle, ils iraient juste d'Irlande en Cornouailles, et puis voilà, là non, il y a une tempête, et ils arrivent là, et on leur dit n'accostez pas ici parce que il y a une coutume bizarre, et la coutume, c'est qu'ils essaient de ils disent si vous avez un chevalier qui est plus preux que notre roi et une dame qui est plus belle que notre reine, eh ben on vous laisse la vie sauve, mais si c'est le cas, ben ça tombe bien parce qu'ils ont Tristan et Iseult qui sont le plus preux et puis la plus belle, mais une fois qu'ils ont fait ça, ils les gardent prisonniers pour être leur seigneur sur cette terre. Et du coup, ça pose problème, Gallo va venir mettre fin à la coutume, mais en prenant la place des seigneurs précédents, Tristan a été obligé de décapiter la mère de Gallo, parce que Iseult était plus belle qu'elle, suivant la coutume du lieu. Et du coup, Tristan fait un duel avec Gallo qui finit par l'épargner et ils peuvent finalement rentrer en Cornouailles. Donc une espèce d'irruption de Gallo, qui est un de mes personnages préférés, donc je me plains pas, mais qui est assez intéressante. Il vient abolir cette coutume, mais il y a un truc assez intéressant où il dit justement c'est pas de leur faute d'avoir perpétué cette coutume, c'est ceux qui l'ont instaurée. Puis en fait, il nous parle de ses ancêtres géants qui ont justement élaboré cette coutume à cause du conflit qu'ils avaient avec du temps du terre et compagnie. De nouveau, on nous parle des aventures de Gallo qui est en train de chercher Lancelot, hein, donc on est dans la temporalité du Lancelot Graal de nouveau. Et un détail que je trouve intéressant, c'est qu'à mon avis, l'épisode est intéressant parce qu'il permet à Tristan et les autres justement de se connaître intimement pendant 3 mois. Ils passent 3 mois en tant que seigneur de ce château, en fait, et ils vivent en commun. Ils ont tout le temps de donner libre cours à leur amour. C'est pas du tout dans une temporalité aussi ramassée que dans la version originale où ils sont tombés amoureux, puis paf, d'un coup, bah, c'est le mariage entre Marc et Isolde. Et ça ajoute quelque part, j'ai l'impression, à la légitimité du couple, en fait. Un élément récurrent de la version en prose, c'est qu'il n'y a absolument aucune honte à avoir. Le filtre, alors le filtre est très fort et évidemment ça joue un rôle, mais on n'est pas du tout dans une dynamique où ils savent que c'est mauvais, où il y a de la culpabilité interne. Absolument personne ne leur reproche leur amour dans ce roman, à part Marc et puis quelques personnes en Cornouailles, mais il y a vraiment très très peu, tout le monde prend pour argent comptant. Oui, c'est tout à fait légitime. Tout le monde est tellement fan de Tristan que voilà, exactement. Personne n'aime le roi Marc, vraiment. Au point que même quand Caedin apprend l'amour entre son beau-frère, hein, qui a épousé sa sœur, Iseult Blanchemain et Iseult, il dit ah ouais, d'accord, chouette, puis je vais t'accompagner pour retrouver ton aimé. Donc il y a vraiment pas du tout de... Même au point que Lancelot, quand il se fâche avec Tristan, c'est parce que Tristan a marié quelqu'un d'autre qu'Iseult. Bon, du point de vue de Lancelot, ça peut se comprendre, disons, mais c'est... Voilà. Au point que d'ailleurs, quand il y a des passages où on les engueule pour ça, il y a une passage dans la version, donc la rédaction, la version 1, donc la version du manuscrit 757, où ils se font engueuler parce qu'ils rencontrent le roi pêcheur à un moment donné. Puis ils se font engueuler par le roi pêcheur. Et c'est tellement peu caractéristique du roman qu'on a tendance à penser que bah, justement c'est un indice que à la base le roi pêcheur devait engueuler quelqu'un d'autre, c'est probablement Perceval, et que c'est simplement une transposition de l'événement qui est, où on a changé les noms, mais ça colle pas exactement. Ça colle pas tout à fait. Donc justement ça illustre bien ce passage un peu, permet de leur donner une certaine légitimité. Ils vivent mariés en fait pendant 3 mois. Ils ont déjà une vie de couple. Juste après ça, ils peuvent justement mettre fin à la coutume, ils repartent pour la Cornouaille. Le mariage de Marc et Iseult a quand même lieu. Tristan hésite notamment, il hésite un peu à se barrer avec, mais il se dit finalement non, je me suis déjà engagé. Comme dans la version traditionnelle, Branguin prend la place d'Iseult pendant la nuit de noces parce que Iseult a perdu sa virginité, donc il faut quand même faire illusion pendant une nuit. Branguin est presque tué par Iseult, notamment parce qu'elle se dit elle en sait trop, peut-être qu'elle va nous dénoncer, elle s'inquiète à ce sujet-là. Et du coup, Iseult envoie des serviteurs à elle attachés tuer Branguin dans la forêt. Les serviteurs n'ont pas envie de le faire, alors ils l'attachent juste à un arbre. Et puis finalement, elle est sauvée par Palamède. Palamède la ramène et il obtient une faveur en la ramenant, qui est de pouvoir kidnapper Iseult du roi Marc. Tristan court après Palamède et réussit à la libérer en la vainquant. On soupçonne l'amour de Tristan et Iseult. Tristan est banni, mais il devient une telle menace dans la campagne que Marc est obligé de faire la paix. Genre, les gens ont vraiment peur que Marc commence à avoir peur de se faire tuer par Tristan s'il sort. Enfin, les gens osent plus se balader. Il fait vraiment régner, c'est un gangster dans la campagne. Tristan est contraint par Marc à vaincre Lamora dans une joute, ce qu'il fait. Lamora, c'est un des très jeunes frères de Perceval. Il est vraiment vu comme une espèce de prodige. Il est vraiment très très jeune, mais vraiment très très fort. Lamora, pour se venger, envoie un corps magique à Tintagel où seuls les gens fidèles peuvent boire. Puis ça va créer un problème parce que tout le monde va commencer à ça va révéler l'infidélité d'Iseult, mais finalement les gens se disent bah vous savez, ce truc magique il est peut-être pas fiable, et puis ils arrivent à s'en tirer. J'aime beaucoup la justification que le fait que la Mora déclare que Iseult est moins belle que sa dame, la reine d'Orcanie, parce que il couche avec la mère de Gouin. Il couche avec la mère de Gouin, puis il est là quoi. Et c'est ça, il y a plusieurs personnes qui s'affrontent parce qu'ils refusent d'admettre ou qu'ils n'admettent pas que telle et telle est plus belle. Bon, ça se traîne en soi. Le corps est à la... Et c'est ça, parce que c'est intéressant, le corps est prévu à la base par Morgane pour la cour d'Arthur, mais c'est Lamora qui le détourne en fait sur la cour de Marc. Donc il prend. Donc c'est littéralement un motif qui était utilisé dans le Lancelot Graal et ramené ici de force. Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout une version reprise directe. On l'inclut dans la continuité en fait. C'est ça qui est assez caractéristique. On peut s'imaginer que le Tristan prose, c'est une version qui veut prendre la place en fait du Lancelot Graal, alors que pas du tout en fait. C'est vraiment une autre version. C'est vraiment une version parallèle si on veut. Tristan et Iseult sont presque pris en flagrant délit, mais Tristan arrive à s'échapper. Une deuxième fois, par contre, ils sont vraiment pris en flagrant délit cette fois-ci. Parce qu'il y a un épisode où Audrey fait mettre des faux autour du lit du lit d'Iseult, en fait. Et puis Iseult, Iseult se blesse, et puis elle dit quelqu'un a fait ça, puis Marc est là, genre, qui c'est qui a fait, puis Audrey a un peu l'air con parce qu'il a juste blessé Iseult. Mais il a quand même blessé Tristan, et puis il peut dire à Marc que Tristan est blessé, et donc du coup il lui fait interdire il décide de le faire prendre, et donc il interdit à tout le monde de rentrer sauf aux dames d'entrer dans la chambre de la reine, donc de nuit. Et du coup Bessie, qui est l'amie d'Audrey, devine que Tristan va essayer de rentrer en montant sur un arbre, donc à l'épisode de la montée dans l'arbre. Mais chaque fois c'est vraiment de plus en plus sanglant. Chaque fois que Tristan essaie de rentrer, il tue un chevalier et il reste quand même encore noyé. Il n'est pas exilé tout de suite. Finalement, il se fait surprendre. Il bute quand même quelques chevaliers pour réussir à s'échapper, mais il y arrive. Il se fait prendre une fois, alors que la façon finale où il se fait prendre, il se fait prendre parce qu'il s'est déguisé en femme en fait. Oui, il s'est fait déguiser en femme pour avoir le droit d'entrer. Ils passent quand même 3 jours ensemble avec lui déguisé en femme jusqu'à ce que Iseu avait été enfermé dans une tour, et puis justement c'est la seule manière qu'il avait pu de la trouver. Tristan parvient à s'échapper, Iseu reste prisonnière, ils sont condamnés, donc là c'est tous les épisodes avec les lépreux et compagnie où elle va être brûlée, puis après on va la donner aux lépreux. Finalement Tristan ils sont les deux censés être livrés au bûcher, puis en fait Gorvenal réussit à libérer Tristan avec des hommes. Et puis, donc il y a la chute de la chapelle, donc comme dans la version originale, tout le monde le croit mort. Iseu est livré aux lépreux, mais elle est délivrée par Gorvenal et puis par Tristan. Tout le monde pense que Tristan est mort, tombé d'une falaise, mais en fait, il y a l'épisode où justement, il le voit en train de chiller sur un rocher en contrebas. Et puis, il y a l'introduction aussi de Fergus, un ami de Tristan, qui explique d'où vient le nom Fergus dans Kaamelott, en fait, ce que je trouve aussi utile. Fergus, c'est l'assistant de Lancelot un peu bébête dans Kaamelott. Bah, c'est aussi un nom arthurien, finalement. Il y a deux, trois romans de Fergus, je sais pas s'ils sont directement liés, mais... Et c'est là que Tristan, donc après avoir délivré Iseu, va lui proposer d'aller vivre ensemble dans la forêt du Mont-Rouet, à la maison de la Sèche Demoiselle. Donc c'est un peu plus luxueux que dans la version, dans les versions courtoises et populaires. Puis donc ils vivent bien, il y a l'épisode où Marc peut les voir dans la forêt, et finalement Marc accepte de reprendre Iseu, puis le conflit escalade, et puis Tristan est blessé par une flèche empoisonnée, et Branguin lui dit de chercher la guérison d'Iseu au Blanchemain, la fille du roi Well de Bretagne, qui... pure coïncidence, s'appelle aussi Iseu et aussi une guérisseuse. Parce que ouais, entre-temps, Iseu a été emprisonné, a été du coup kidnappé par le roi Marc, et il a été emprisonné, quoi. Et donc du coup, il va partir en Bretagne, où il va se faire aimer de effectivement la fille du roi Well, après toute une aventure où il a aidé Caedan, le frère de Iseu au Blanchemain, et le fils d'Oel, à se battre contre le comte Agrippe. Il les aide à remporter une guerre territoriale à ce moment-là. Et du coup, ce passage-là marque finalement la fin du récit tristanien, entre guillemets, classique. Il a été beaucoup étendu, vous l'avez vu, les accidents ne se passent pas toujours dans le même sens, on attribue certains événements à d'autres, on les dédouble, on ajoute une autre relation avec cette dame avant la relation avec Iseu, et on décrit les événements de façon un peu différente. Mais grosso modo, on reste dans le moule tristanien, et c'est là que va intervenir le grand chambardement, si on veut, ce qui est l'intégration beaucoup plus stricte, si on veut, stricto sensu, de la matière de Bretagne. On l'avait un peu avec l'aventure du corps, on avait Gallo, mais c'est possible que ça, ce soit des ajouts justement qui soient intervenus après qu'on ait étendu. Parce que narrativement, comme j'ai dit, la plupart de ces trucs, ils sont vraiment, vous pouvez vraiment les enlever, puis le texte fonctionne tout aussi bien. La preuve, c'est que le truc du corps, ça permet d'ajouter des suspicions de la part de Marc, mais ils en sortent en disant « Ah, mais c'est qu'une fable, c'est pas réaliste, ça marche pas. » Donc c'est possible effectivement. J'ai bien aimé le passage où il dit justement, on sait que c'est un enchantement de Morgane, pourquoi est-ce qu'on ferait confiance à Morgane? Il y a le passage où quand même il doute que ce soit une manière fiable l'infidélité des gens. Donc c'est là que va commencer vraiment la divergence très forte en fait avec la matière de Tristan habituelle, et qu'on va intégrer vraiment la matière du Graal, la matière de Bretagne, la matière arthurienne à proprement parler dans le récit de façon extrême. Et je vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause musicale, parce que ça fait de nouveau déjà une heure qu'on vous a parlé depuis la dernière. Et on va vous laisser écouter justement une chanson. Pour une fois, on peut vous parler d'une chanson, on peut vous poser une chanson d'époque, puisqu'elle date exactement de l'époque où le Tristan en prose a été écrit. C'est une chanson de Thibaut IV de Champagne, aussi Thibaut Ier de Navarre, parce qu'il était roi de Navarre. Il a composé des chansons, notamment une chanson de croisade, qui s'appelle « Seigneur, sachez qui orne s'en ira ». Donc il demande au Seigneur de partir à la croisade, et ça illustre aussi bien la quête du Graal, qui va prendre une importance assez forte dans ce Tristan. L'interprétation que je vous propose est celle de l'ensemble Perceval, dirigé par Guy Robert. Ça pas de se lever. Qui aime Dieu et l'honneur de ce monde, qui sagement veut le tarieux à l'air. Et il m'enveut l'incendre des mourants, âme me sente ce nœud où je m'dille. Pour ne fait Dieu en sa vie et pour si peu perd la gloire du monde. Douce dame, reine couronnée, priez pour nous, Vierge bonne urée, et puis après. Manu peut me chever. Alors c'était Seigneur Sachier, une chanson de croisade de Thibaut de Champagne, à peu près contemporaine du Tristan en prose. C'était interprété par l'ensemble Perceval sous la direction de Guy Robert. On va donc embrayer avec la suite des aventures de Tristan à partir du moment où on commence à vraiment diverger avec le récit classique de Tristan, disons. On va être très rapide et synthétique parce que ça se ressemble beaucoup, c'est souvent des... C'est intéressant, mais ça reste quand même des épisodes que, dans des styles que vous avez déjà entendus, ça prend beaucoup de temps, ça peut parfois être laborieux. Parfois, ça n'a pas grand-chose à voir avec Tristan. Il y a un long aparté, par exemple, avec les aventures d'un chevalier qui s'appelle le chevalier de la côte motaillée, dans lequel Tristan n'intervient quasiment pas. On va essayer d'aller assez rapidement. On vous renvoie, bien sûr, c'est une des avantages avec ce récit, c'est que vous avez assez facilement le récit d'Elie Lerclezette, son résumé en tout cas, sous la main. Et notre résumé qu'on a fait également peut vous aider là-dessus. Donc, on vous renvoie à ça si jamais on saute une partie, si vous êtes un peu confus. Ça peut être une bonne idée de se rapporter à ça pour avoir le détail, disons, un peu plus avancé. Mais dans l'ensemble, on va se concentrer vraiment sur les grandes lignes pour essayer d'arriver à la mort des deux amants de façon la plus rapide possible. Et donc, après le mariage de Tristan avec Iseult Blanchemain, on a le désespoir d'Iseult la blonde qui apprend ça et qui envoie une lettre à Guenièvre. C'est un motif assez récurrent d'ailleurs parce que Guenièvre n'intervient pas terriblement beaucoup dans le récit. On parle d'elle, on lui a écrit des lettres, mais elle n'est pas directement impliquée dans le récit. Là, elle écrit une lettre à Guenièvre. Guenièvre lui la rassure. Et Tristan et Caédin vont s'en aller vers le royaume de Cornouailles parce que Tristan va avouer à Caédin qu'il est en fait amoureux d'une autre que sa sœur. Et Caédin, un peu curieux, va l'accompagner en fait dans cette aventure. Alors, je vais laisser Laïs résumer, parce que Laïs est meilleur en speedrun arthurien que moi. Oui, donc Caédin, étonnamment, le soutient. Iseult au Blanchemain sort complètement du récit. Hein. Elle n'intéressait pas beaucoup le Tristan en prose. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent à l'ogre et qu'ils voient Iseult, ils tombent immédiatement amoureux d'elle, d'Iseult la blonde. Et ça va lui être fatal parce qu'il va malheureusement pas pouvoir consommer cet amour. Tristan apprend que Lancelot le déteste. Et il sait pas pourquoi, parce qu'on n'a jamais interagi avant. J'ai juste appris qu'il avait libéré la douloureuse garde et tout ça. Et il devine que c'est parce qu'il semble avoir abandonné Iseult et puis avoir épousé une autre. Donc pour l'amoureux qu'est Lancelot, c'est terrible. Lamora, Tristan, Caédin et Séguradès, malgré le fait qu'on ait sa femme en partage, ils continuent à participer. Il y a une aventure où justement ils sont en bateau, puis ils arrivent dans le Val de Servage, qui est en fait où il y a un géant qui s'appelle, je crois, Nabon le Noir, qui maintient tout le monde en servitude, mais c'est un géant très courtois. Donc typiquement, il va se battre contre Lamora, mais il va lui faire « Ah, gardez-vous à gauche, gardez-vous à droite, regardez, je vous tape sur l'épaule. » Enfin, il va être très pédagogique quand il lui fout une raclée pour montrer qu'il est tellement fort que personne n'arrive à le vaincre, mais d'un autre côté, il est très courtois et il aime bien accumuler tous ses chevaliers qui sont égarés chez lui. C'est Lamora qui n'arrive pas à le vaincre, mais Tristan réussit à le tuer, à lui trancher la tête, puis il massacre tout le monde. Et on l'appelle plus la vallée de Servage, mais la franchise de Tristan. Parce que c'est lui qui a affranchi tout le monde. Début, on l'a dit, des aventures à la fin du volume 2 de Curtis, des aventures du garçon avec le manteau motaillé. Il faut peut-être juste mentionner, son manteau est motaillé parce qu'il est coupé de plein de bouts. En fait, c'est le vêtement dans lequel était son père quand il est mort. Quand il a été assassiné. Et puis, bien sûr, il veut venger ça, donc c'est un peu son intrigue. On va un peu passer dessus parce que c'est vraiment séparé de la plupart des autres intrigues, mais il revient régulièrement, il a quelques aventures avec Lancelot. Commence le troisième volume de l'édition de Curtis. Donc là, il y a des versions très différentes des aventures du chevalier à la côte montaillée suivant les manuscrits. Il finit par être emprisonné, il sera libéré plus tard. Basiquement, il accompagne une dame, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait vu dans Le Bel Inconnu. Il accompagne une dame qui dit « mais j'ai pas envie que ce soit lui qui m'accompagne, il est nul », puis il l'accompagne quand même. Et il finit par arriver à un château où ils disent « toutes les dames qui sont accompagnées par un chevalier, on les fait prisonnières ». Puis là « non mais je suis pas accompagné par lui, j'ai jamais été avec lui ». Puis là « non non, je suis avec elle, je la défendrai ». Et puis ils se font faire prisonnier. C'est un peu, voilà, un peu exagéré, un peu plus long. Et Tristan rencontre Branguin et ils partent avec Cahedin pour la Cornouaille, comme on l'a dit, où il va tomber amoureux. Il y a des aventures dans la forêt de Darnante. Je crois que tout le monde cherche en fait le roi Arthur, qui était ensorcelé par une enchanteresse qui a mis un anneau à son doigt. C'est un peu comme la fausse Guenièvre dans le Lancelot, en fait. Ouais. Ou ce qui est arrivé au père de Tristan, puis donc tout le monde le cherche et tout le monde. Il y a un moment où il y a juste un chevalier qui passe, puis qui défonce tout le monde sur le passage, puis ils sont là, oh c'est le roi Arthur, mais c'est lui qu'on cherche, puis ils se mettent tous à lui courir. Il y a un petit côté Benny Hill où tout le monde se court après. Puis tous les chevaliers sont là. Arthur, Tristan dans la forêt tombe de plus en plus sur des chevaliers qui sont arrivés de plus en plus tôt pour chercher Arthur en fait. Il y a Gauvin. Le vrai drame du volume 3 en fait, ça va être la folie de Tristan, c'est-à-dire que Cahedin est éperdument amoureux d'Iseult. Mais basiquement, il commence à dépérir parce que Iseult ne l'aime pas, donc il commence à mourir de chagrin. Alors Iseult écrit une lettre où elle essaye de le rejeter, mais gentiment. Elle essaye de le rejeter pour dire « mais vous êtes un bon chevalier, machin », et tout. Elle essaye d'être ambiguë. Mais je vous aime bien quand même. Voilà, je vous aime bien quand même. Elle essaye d'être ambiguë pour lui donner un petit peu d'espoir, juste pour qu'il meure pas. Tristan tombe sur la lettre, et puis il se dit « Iseult doit aimer Cahedin », et puis il fait un énorme drame. Il pète un câble, il devient fou et il s'en va. Là, Cahedin va finir par se barrer, parce qu'en fait, Iseult le chasse. Elle dit « c'est à cause de toi que Tristan s'est barré, et que la discorde a été semée entre nous. Tu peux partir, tu peux crever, je n'ai rien à foutre de toi ». Enfin, basiquement, elle le jette assez méchamment, et Cahedin s'en va. Marc revient à la cour, il était là, une fausse nouvelle débarque que Tristan est mort, donc la rumeur se répand que Tristan est mort, parce que personne ne sait où il est. C'est assez audacieux d'ailleurs, pendant 200-300 pages probablement, Tristan sort complètement du récit, et il pourrait tout à fait être mort, on le sait pas. C'est juste parce que bon, c'est le héros, donc on sait qu'il va pas mourir, mais basiquement les gens disent qu'il est mort, et on sait pas, le narrateur nous dit pas ce qui se passe, donc il y a vraiment une gestion du suspense. Iseult essaie de se suicider, je crois elle met une épée par terre, la pointe en haut, puis elle se jette dessus, mais elle en est empêchée par Marc, qui dit à son entourage, bon, surveillez-la un petit peu mieux. Et finalement, elle est encouragée par des informations selon lesquelles Tristan est en vie. Je supplie un chevalier qui se balade, puis apparemment, il a vu Tristan. Son information ne serait pas complètement fiable pour dire qu'il est vraiment en vie, mais il l'a vu. Et il l'annonce. Lancelot et le chevalier au manteau mal coupé continuent leurs aventures. J'entre de nouveau pas dans le détail. Puis, il y a toute une aventure dans la forêt, en fait, entre Cahedin, le Palamède et Marc, en fait, aussi, à ce moment-là. C'est ça. Il y a, en fait, tous les gens, à part Tristan, qui aiment Iseult, se retrouvent dans la forêt de nuit au bord d'une fontaine. Et puis, il y a Marc qui arrive et il se planque, puis ensuite Cahedin arrive, Marc le voit mais il veut pas se révéler, puis ensuite Palamède arrive, puis Palamède se lamente pour son amour pour Iseult, puis Cahedin vient discuter avec lui, puis finalement il voit que le roi Marc est planqué là. Parce qu'ils tousse en fait. Ils tousse, puis ils sont genre, mais il y a quelqu'un qui nous observe, et ils le sortent, et puis là, non, je dormais. Parce que tout le monde cherche Lancelot, tout le monde cherche Tristan en fait. Tout le monde cherche Tristan. Je dis tout le temps, tout le monde cherche Lancelot, mais c'est assez similaire aux quêtes de Lancelot. C'est aussi similaire, à Lancelot Graal, en fait. On parle souvent des quêtes de Tristan. Il se dévise là-dessus, puis il y a Cahedin qui a un monologue assez lamentable où il parle justement de ce que l'amour lui fait, puis il parle avec Palamède, puis en fait le fait qu'ils soient ensemble, ils se rendent compte et ils disent « mais nous sommes comme des fous qui montons sur une montagne et qui essayons d'attraper la lune, Iseult n'est pas pour nous, elle est amoureuse de Tristan, elle nous aimera jamais, il faudrait qu'on se résigne à ça », et donc il y a cette espèce de moment un peu illumineux. Avec Marc à côté qui fait un peu le contraste, où en fait lui par contre il va pas accepter ça, il va pas accepter l'amour fou entre Tristan, il va jamais l'accepter, il va toujours essayer de l'avoir pour lui, alors que Cahedin et Palamède, les deux à leur façon restent extrêmement courtois. Cahedin va mourir, c'est-à-dire qu'il va dépérir progressivement, il va revoir en fait le couronnement. Il va avoir l'anniversaire du mariage ou du couronnement de Marc. Du couronnement de Marc qui est dans le prochain volume, mais donc. En gros, Curtis s'arrête, elle, à la nouvelle que finalement Tristan est en vie après ses aventures donc de Cahedin, Palamède et Marc. Et elle, dans sa version traduite en anglais, donc qui a été publiée au Oxford World Classic en 94, je crois qu'on n'a pas dit exactement où elle avait été publiée. En fait, elle s'arrête quasiment là. En fait, elle s'occupe le plus gros jusque là. Puis à partir de là, après qu'elle a déjà coupé beaucoup, elle a coupé par exemple tout le prologue avec les aventures des ancêtres de Tristan. Elle résume beaucoup les parties entre deux, notamment le chevalier de la côte métaillée apparaît quasiment pas. Et à partir de là, elle revient dans le manuscrit, je crois 757, donc plusieurs manuscrits. Elle pioche des bouts qui étaient censés être son quatrième volume en fait, visiblement. Et elle condense énormément. Elle garde juste la mort de Cahedin. Elle résume en une page tout le reste du roman, les aventures de Tristan à la cour de roi Arthur, la quête du Graal, le temps à la joyeuse garde, qu'on va vous résumer dans quelques minutes, et elle revient juste pour dire la mort de Tristan et Iseult, en fait, et la bataille finale contre Marc, et c'est terminé là. Curtis semble vraiment avoir eu plus d'intérêt pour cette partie-là du récit, la peut-être que la preuve, c'est aussi qu'elle n'a pas fini sa traduction. Peut-être qu'elle a été pressée par le temps, peut-être qu'elle n'a pas la possibilité de le faire. Mais enfin, on garde l'image de Curtis comme quelqu'un qui s'est plutôt intéressé à cette partie-là de la légende de Tristan. Et du coup, ça nous amène au premier volume qui a été édité par Philippe Ménard. Il y a un peu de recoupement parce que les manuscrits ne présentent pas toujours les épisodes dans le même ordre. Donc là, les aventures du chevalier à la côte motaillée, ils sont chez Curtis, sont aussi chez Ménard, pas forcément dans le même ordre. Traduction Anacharsis, c'est autre chose, mais c'est pas extrêmement crucial parce que c'est un flux d'histoire qui est parallèle en fait à l'histoire centrale de Tristan Iseux, Caédin et Palamède. Lancelot se bat contre Néronéus à l'île du Pont du Géant. C'est un personnage que j'aime beaucoup, je le mentionne parce que le Néronéus de l'île au Pont du Géant, il avait fait un serment avec basiquement 12 autres énormes trous du cul. C'est-à-dire qu'ils ont tous fait le serment. Il y en a un qui avait promis d'embrasser Iseux de force, un autre qui avait promis de kidnapper des femmes, il y en a un qui a promis de tuer Gauvin. Lui, il a fait le vœu, pas très original, de défendre le pont contre les chevaliers. Donc, niveau, par rapport à la compagnie avec laquelle il était, c'est plutôt relativement moral de ce côté-là. Mais il était dans une clique apparemment de 12 monstres qui voulaient juste promis des actions maléfiques et qui voulaient les mener au bout. Et Lancelot libère le chevalier de la côte maltaillée qui avait tenté le même genre d'aventure et puis qui avait échoué. De nouveau une aventure du Détroit où le chevalier de la côte maltaillée essaye, il échoue, puis Lancelot réussit. Palamède et Caédin sont défiés par un inconnu, et Caédin est blessé par celui-ci, c'est Ségurades, qu'on avait déjà vu. Caédin est soigné dans l'abbaye de Gaune, qui est intéressante parce qu'en fait, on apprend que le roi Boort, père, donc le père de Boort, le jeune, avait fondé cette abbaye après avoir... Il était venu là en Cornouailles pour tuer un géant. Et venger son cousin Anchises, et puis il l'avait fondé là. Anchises, donc à nouveau, on est dans un nom très classique. Très classique. Hein, c'est là que va intervenir je vous rappelle, Tristan est porté disparu pour l'instant. Là intervient la mort de Caédin. Il y a une espèce d'anniversaire du couronnement de Marc en Cornouailles, et dans l'abbaye, et il voit Iseux à ce moment-là, et il tombe de nouveau. Ça ravive la flamme de son amour. Il y a une scène, justement, on l'a dit, de quiproquo la nuit où Lancelot, Caïdan et Palamède se croisent en forêt et s'embrouillent. Il y a beaucoup de ces modèles-là un peu, qui semblent un peu proches les uns des autres. Hein. C'est un peu comme on a vu avec Marc, mais cette fois-ci, c'est Lancelot, Caïdan et Palamède, et ils s'embrouillent. Palamède parce que Caïdan aime la même que lui, et puis Lancelot parce qu'on parle de lui, puis il mentionnait Lancelot comme un amant, etc. Bliobliéris bat Caïdan et Palamède, mais Lancelot intervient et met fin au combat. Bliobliéris, je sais pas si on l'a dit, mais il est du lignage de Ban, hein. C'est un chevalier qui est proche de Lancelot. Oui, c'est vrai. Il y a à nouveau un passage qui est qui est un flashback. On avait vu cette abbaye qui avait été construite par le roi Boort. Là, on est à l'épisode de la vergogne Uther. Donc c'est Uther qui avait été surpris au lit avec la femme d'Argan, un de ses chevaliers. Et donc en paiement de ça, il avait dû lui construire un château qui était ça pour sa honte, donc pour sa vergogne, la vergogne Uther, comme sera appelé le château. Hector Desmar avait kidnappé la femme d'Argan, et depuis Argan et ses descendants se battent à ce pont-là contre ses. Donc c'est assez classique. Oel se bat contre Caédin. Ils se reconnaissent pas, enfin ils se reconnaissent. Ils sont les deux au pont de la vergogne. De la vergogne. Ils battent les quatre fils de la vergogne Uther, ils abolissent la coutume. Caédin rentre en Bretagne. Et Iseux envoie un joueur de harpe en Bretagne pour voir si Tristan n'est pas en Petite-Bretagne, parce qu'elle se dit qu'elle a épousé Iseux Blanchemain, peut-être qu'il est là-bas. Et par l'intermédiaire de ce joueur de harpe, Caédin compose un lait, avoue Amour Inscanelui. Inscanelui, je sais plus comment le traduire, mais. D'amour pour Iseux, et Iseux lui répond de façon assez implacable, folie n'est pas vacelage, donc qui est un autre lait, donc par poésie interposée. C'est assez marrant le côté joueur de harpe jukebox, parce qu'il lui dit, mais tu connais les laits, puis oui, je connais tous les laits qui sont composés par les chevaliers de la table ronde et d'autres encore, puis il dit, puis il lui donne le lait, puis là, ok, je vais aller le répéter, puis il le connaît immédiatement pour toujours. Ça va revenir plus tard, notamment avec l'épisode du lait, voire 10 ans. Caédin meurt de chagrin, littéralement, de ça, mais il compose un dernier chant en mourant de si douce mort. Iseux apprend sa mort, elle est quand même triste, même si elle était absolument implacable, parce qu'elle voyait Caédin comme la raison pour laquelle Tristan était parti. Pendant ce temps, Tristan vit fou dans la forêt avec des bergers qui le maltraitent. C'est affreux, le traitement des fous dans les textes au Moyen-Âge et puis dans la société médiévale en général, c'est vraiment des souffres-douleurs. On les tabasse et puis ils sont marrants parce qu'ils ont des réactions marrantes. Et donc, Iseux est maltraité par ces bergers qui lui ont d'ailleurs rasé la tête. Ça va revenir plus tard quand Tristan revient. Il y a des gens qui disent « Il est si beau, mais sa coupe de cheveux, elle est quand même pas très... » parce qu'il lui avait justement ratiboisé tout ça. Il défend des bergers contre les outrages de Dagonet, qui est un autre fou. Donc il y a un passage assez intéressant sur la question de la folie, parce que Dagonet, c'est un chevalier qui est le bouffon d'Arthur, basiquement. Il est un peu dingo, un peu foufou, et pas complètement dément. Il a pas l'air d'être complètement... Ça a pas l'air d'avoir une dimension asociale pour lui, mais il a clairement pas prise avec la réalité, et du coup, on lui a donné des armes et une armure, et il se bat avec les gens pour rigoler, en fait. Il défie les gens où il les insulte, mais personne ne le considère comme un combattant sérieux. Et donc, Tristan... faut préciser que c'est Tristan est vraiment fou dans ce passage-là et ça semble être inspiré plutôt des folies de Lancelot en fait. Des folies de Lancelot. Par rapport, c'est l'idée que Tristan est fou, ça se retrouve dans les folies de Tristan qu'on avait mentionné déjà, mais ça c'est une innovation du récit. La folie de Tristan ici, elle est réelle. Elle est réelle et puis c'est pas juste un subterfuge pour voir Iseult, non, il est vraiment fou comme Lancelot ou comme Yvain, il a perdu la raison comme ça. Puis donc Dagenais persécute un peu les bergers, Tristan les défend puis ils disent waouh, ce fou est quand même vachement fort. Ils arrivent à Dagenais apporte à la cour de Marc ses nouvelles. Il dit j'ai rencontré un fou balèze et on pense que c'est Matan Lebrun. Donc là il y a une espèce d'histoire où on explique pourquoi Marc irait secourir Tristan. Il pense pas que c'est Tristan, il pense que c'est un autre type donc qui aurait perdu la raison. Tristan tue le géant Tholas de la montagne, donc un exploit supplémentaire malgré son état un peu où il a perdu pied. Marc se rend au point d'eau des bergers et c'est marrant parce qu'il y a un passage où justement il apprend les rumeurs des bergers sur lui et son mariage en disant ah ouais le roi Marc, tout le monde sait très bien que sa femme elle couche avec Tristan. Enfin les bergers sont plus au courant que lui apparemment, enfin tout le monde a l'air au courant de cette situation. Et il ramène Tristan toujours fou à Tintagel et personne ne le reconnaît dans son état à part Udenk, son chien. Donc on a de nouveau le motif du chien fidèle de Tristan qui... on avait déjà eu le problème où le chien avait été entraîné pour pas révéler la position de Tristan quand ils étaient dans la forêt à ne pas aboyer. Bah là, en l'occurrence, il reconnaît Tristan et du coup, c'est comme ça que Marc reconnaît. Ah ben, c'est Tristan. Il est guéri par Iseult. De nouveau, on utilise ses talents de guérisseuse. Puis est emprisonné et Marc lui fait jurer de quitter la Cornouaille, ce qui termine le premier volume édité par Ménard. C'est vraiment aussi la fin du récit tel que du récit de Tristan, disons, dans l'orbite de la Cornouaille encore. Mm-hmm. Parce qu'à partir de là, ça va vraiment être le départ pour la quête et pour l'ogre, en fait. Si, le volume 2, je vais vraiment le résumer assez facilement, parce qu'il va être un peu... les titres de Ménard sont toujours... nous donnent le début du texte jusqu'à la fin à peu près, du bannissement de Tristan au royaume de Cornouailles à la fin du tournoi du château des Pucelles. Donc si vous connaissez à peu près l'histoire, vous voyez quelle portion du texte ça couvre. Basiquement, le départ de Tristan depuis son bateau, et du haut du bateau, il fait une espèce de discours où il rappelle aux gens « voilà tout ce que j'ai fait pour la Cornouaille ». Il arrive à l'ogre, il proclame sa vengeance, donc un petit passage où il dit « un jour je reviendrai, je me vengerai, Marc, gare à tes fesses ». Le message arrive en Cornouailles, ce qui fait peur à Marc. Et Marc se dit qu'il aurait dû, il aurait dû écouter André ou Audrey et tuer Tristan. Et puis Iseult entend ça, et puis ça leur donne courage que peut-être un jour il va revenir. Tristan va se battre contre Dinadan, Bohort, Hector. Il abat Dinadan. Il refuse de se battre contre Tristan à cause de la forme de son écu, parce qu'il a un écu de Cornouailles, justement. Et du coup, ils disent « mais vous n'êtes pas un vrai chevalier, c'est tous des trouillards, ça ne vaut pas la peine qu'on se batte contre vous ». Et il y a toute une histoire en fait où c'est essentiellement le but c'est d'amener Lancelot à la cour d'Arthur. Tristan. Et mais chaque fois c'est les parallèles sont tellement forts que et Lancelot mène en fait les aventures pour chercher Tristan pour le coup. En l'occurrence. Et puis aussi il y a des moments où on confond Tristan et Lancelot parce que je crois que les deux sont très beaux et tout. Il y a un passage par exemple où par solidarité avec Tristan les chevaliers d'Arthur vont porter des écus pendant 6 mois, ils vont porter des écus identiques à lui donc pour faire croire qu'ils sont de Cornouailles. Pour faire croire qu'ils sont de Cornouailles. Du coup ils se disent ah oui on est avec toi putain. Solidarité et Tristan. Je crois que c'est pour se foutre de sa gueule et du coup il est pas content. Bref, il y a tout un long récit vraiment où ça se termine par vraiment ce tournoi des pucelles qui va vraiment marquer de nouveau une aventure où Tristan va être reconnu de la part de tous les gens qui sont au tournoi. C'est là qu'il va vraiment se mettre en colère contre les gens de la lignée de Ban qui portent les écus de Cornouailles parce qu'ils pensent que c'est pour se moquer. Ouais, il y en a un peu plus d'ailleurs. On a dit Bliobliris et compagnie. Il y a un peu plus de gens qui sont dans la lignée de Ban. On commence par il y a Pélinor, il y a. Bon, Pélinor, il n'est pas de la lignée de Ban. Oui, mais enfin, je veux dire, il y a des aventures avec à peu près tous les chevaliers. Il y a Bohort qui arrive, il y a Gaëriette, il y a Palamède, il y a Pélinor justement. Et il y a un combat notamment avec Sagremoré que. Il y a plusieurs pièges tendus par Morgane aussi. Alors c'est justement le début des affrontements avec les chevaliers, il y a le coup justement où il réussit à battre Bohort et puis Hector, et puis il essaie d'insister pour échanger leurs écus, mais Bohort, comme la coutume le veut, il fait mine de jeter ses armes par terre, et puis du coup l'écu que Tristan prend, je crois c'est vermeil avec deux couronnes d'or, mais avec la forme de l'écu de Cornouailles. On sait pas exactement que c'est, mais probablement qu'il a une forme un peu différente. Morgane fait justement un piège où il y a 30 chevaliers qui attendent Lancelot pour le tuer, mais parce que Lancelot avait perturbé ses amours avec d'autres chevaliers, puis on croit que Tristan est Lancelot, et puis justement il y a ce quiproquo où Dinadan vient avec lui, puis quand un vieux réitère l'histoire, il dit « mais j'avais mal entendu, je croyais qu'il n'y avait que 3 chevaliers et pas 30 », et puis du coup il veut partir, mais sous la menace il l'amène, ils parviennent à laisser 10 chevaliers blessés ou tués, puis 20 autres qui s'enfuient, qui retournent à Morgane qui est furieuse. Morgane a vraiment maintenant ce rôle de l'enchanteresse méchante qui a des plans machiavéliques pour tuer les chevaliers de la table ronde dans son château maléfique, avec ses servants maléfiques. Elle prend vraiment, on l'a déjà vu dans dès le Lancelot Graal, mais là c'est vraiment marqué, j'ai trouvé. Donc finalement, il y a le tournoi au château des Pucelles qui va se dérouler. Alors Tristan est un peu en colère parce que Palamède est du côté d'Arthur, alors même si Arthur lui demande d'être de son côté, enfin, il ne sait pas qui il est exactement, mais il lui demande d'être de son côté, il va quand même s'opposer à lui parce qu'il veut se battre contre Palamède. Et tout le tournoi va être sous l'angle Palamède qui est en colère, qui veut même se suicider parce que Tristan, il voit Tristan comme son rival qui continue à le battre. Vraiment, il y a tout ce récit qui vise surtout en fait à mettre Tristan sur une position où tout le monde va le reconnaître comme le meilleur chevalier. Et donc ça va être le volume 2, basiquement. Vous avez quelques aventures. Je prends juste deux autres choses, justement. C'était Gauvin qui, quand il rencontre Tristan, on dit Gauvin admire la beauté de son compagnon. Il trouve seulement que ses cheveux sont coupés de trop près, comme le relève le 7 au paragraphe 115 de son résumé. Et puis aussi, une autre chose qu'on peut relever, c'est que Palamède est un sarrasin, mais il implore régulièrement Dieu. Donc il y a cette espèce d'idée qu'il a une espèce de, peut-être pas de religion naturelle, mais il a une conscience de Dieu. Peut-être que l'auteur est peut-être un peu plus au courant de l'islam. De comment fonctionnent les musulmans, mais justement il dit à un moment, il se lamente: Dieu céleste, pourquoi m'oublies-tu ainsi, moi qui t'appelle nuit et jour? Pourtant je ne te blâme pas, si j'ai été déshonoré aujourd'hui ce n'est pas par toi mais par Tristan, après que Tristan l'ait battu. Donc puis on peut juste noter que à un moment il jette, c'est assez marrant parce qu'à un moment il jette son épée dans une fontaine de dépit après avoir été battu par Tristan, puis il veut suicider plus tard, mais il a jeté son épée dans la fontaine, alors il peut pas le faire. La fin du récit se termine vraiment avec la victoire du parti d'Arthur au tournoi du château des Pucelles, mais c'est bien Tristan qui s'est illustré le plus en fait. Et c'est donc là que va s'ouvrir la vraie quête pour Tristan. Tout le monde veut le trouver pour le ramener à la table ronde. Et ça va être le volume 3 en fait. Le volume 3 qui consiste en ça. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment assez court comme on peut le faire. Basiquement, c'est des quiproquos, puis Tristan ne veut pas être reconnu, mais c'est un peu artificiel parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour cet anonymat en fait. C'est ça qui est un peu dommage, qui est un peu artificiel dans ce volume-là, je trouve. Il y a des aventures de Marc, parce qu'à la cour du roi Marc, c'est l'anniversaire de la mort du Morhold, donc la libération du tribut. Et puis il y a Gaëriette qui passe là et qui reproche à Marc d'avoir chassé Tristan. Il dit: t'as chassé Tristan, puis t'as gardé ton autre neveu stupide, André. Alors que Yvain au Blanchemain a désarçonné André, c'est-à-dire que Marc a plus Tristan pour être preux en Cornouailles, donc il envoie André qui arrête pas de se faire battre. Et donc on lui dit: ben t'as pas bien fait. Marc court après Yvain au Blanchemain et là-bas, donc Marc est assez rancunier mais aussi un bon chevalier en fait, c'est un bon guerrier. Et en vadrouille, il héberge Queux, et là il se paye sa tête et il lui dit: si tu vas au lac aventureux de nuit, tu trouveras toujours un adversaire de plus que le nombre de gens que t'as pris jusqu'à 12. Donc si tu viens tout seul, il y aura 2 chevaliers, si tu vas à 2, il y aura 3 chevaliers, si tu vas à 4, il y aura 5 chevaliers. C'est un mensonge en fait, il raconte ça juste pour que Queux y aille la nuit et puis pour lui tendre une embuscade avec André. Il arrive à désarçonner Queux, mais il y a Gaëriette qui se planquait là. Gaëriette renverse Marc et parvient à lui enlever son aume, et puis Marc tombe par terre et s'écorche le visage, et avant de partir, ils lui font promettre de bien traiter les chevaliers errants et de ne pas se venger. Et autrement dit, ça en reste là, t'as pas le droit de nous... Et pendant ce temps, Queux a vaincu André. Et Marc doit garder la chambre 8 jours pour pas qu'on voie qu'il a le visage abîmé. La version longue nous dit que de nombreuses... Enfin, il y a deux, trois trucs. D'abord, Tristan a été fait prisonnier parce qu'un certain Darras, chez qui il était hébergé, a découvert qu'il a tué ses enfants lors du tournoi du château des Pucelles. Donc pendant le tournoi, pas de façon méchante ou quoi, mais il les a accidentellement tués, et donc il les emprisonne jusqu'à ce que Tristan tombe malade et que Darras le sorte de prison pour qu'il puisse se soigner. Et puis finalement, il permet à Dinadan et Palamède de repartir avec lui. Il y a un passage qui est de la version longue, nous dit: de nombreuses aventures sont omises, genre le narrateur nous dit: ici pourrais-je vous conter de nombreuses choses, mais nous le dit pas. Dans la version courte, il y a par contre des aventures en plus qui sont bizarres, qui sont très bizarres, et c'est ça qui laisse penser que c'était pas dans la version originale. Notamment, Tristan promet une faveur à une demoiselle, on vous a dit que ça se passait jamais bien, en l'occurrence c'est pas la faveur de piquer une femme, mais c'est qu'il apprend que la demoiselle en fait, elle souhaiterait être décapitée par Tristan plutôt que par ses ennemis, parce qu'en vrai il y a des gens qui veulent la tuer, puis elle dit: quitte à être tuée, je préfère que ce soit par Tristan. Tristan veut pas, il se bat pour la libérer, et puis il y a Osnin et Dinadan qui promettent de récupérer sa tête. Genre, Dinadan tombe amoureux d'une dame qui demande la tête de la dame que Tristan protège, et il se met à lui courir après. Donc c'est très... beaucoup de gens disent, ça correspond pas vraiment au caractère de Dinadan, quoi. Jusque là il était plutôt sympa, puis d'un seul coup il tombe amoureux d'une dame. En même temps, Dinadan est pas très bien défini, c'est le premier vrai roman où il a vraiment un grand rôle, il me semble. Oui, il est pas très défini, mais c'est vrai que ça a l'air d'aller à contre-temps. Pourquoi est-ce qu'il tuerait la femme que Tristan protège? Ça paraît un peu bizarre, mais disons c'est une interpolation, enfin ouais, c'est un passage qu'on a dans la version courte, pas la longue, ce qui laisse un peu soupçonner. Notamment, il mentionne un anneau qui lui a été donné par Iseu et qu'il protège des enchantements, comme l'anneau que Yvain avait, comme l'anneau que Lancelot avait, un anneau qui suffit de regarder pour se préserver des enchantements. Sauf que ce récit, on n'a jamais entendu parler de ça avant. C'est-à-dire que dans le début du récit, on n'a jamais eu un moment où Iseu lui donne cet anneau. Donc on a un épisode, encore une fois, ce passage-là a 2-3 épisodes où on n'a pas eu de prélude. Et il y a aussi un présage dans ce passage-là où on a un présage de la mort Arthur. D'abord le roi Arthur. Tristan et Lamora rencontrent le chevalier à la côte motaillée et ils trouvent une lance et une épée. Puis dessus c'est écrit par cette lance par lesquelles le père tuera le fils et le fils tuera le père et ça causera l'effondrement du royaume de l'ogre. Donc ça présage la mort de Mordred et Arthur. Mais seul le meilleur chevalier du monde peut les prendre. Elles seront prises par Galahad, mais aucun n'ose les toucher. Reprise de la version longue, Tristan est hébergé par Morgane, mais il le libère à condition qu'il porte un bouclier qui révèle l'adultère entre Lancelot et Guenièvre. Donc c'est ce bouclier fendu dont on avait parlé avant, où il y a un chevalier, une dame, et puis c'est censé montrer l'adultère de Lancelot et Guenièvre. Tristan tue Unson, l'amant de Morgane, avec sa propre lance, on l'avait dit, et puis Morgane prophétise que cette lance sera la cause de la mort de Tristan. Ils discutent chez un autre des prouesses de divers chevaliers, donc ils commencent à discuter qui est le meilleur chevalier, puis ils commencent à débattre un petit peu, et puis ils donnent la lance fatidique à une demoiselle de Morgane, donc Morgane a récupéré cette lance. Vient ensuite le tournoi de la Roche Dure, auquel Tristan apporte le bouclier qui montre l'adultère, mais Arthur ne comprend pas le bouclier. On lui dit « Arthur, c'est ta honte », puis Arthur piche pas, il est complètement oblivious à ça. Tristan, un épisode qui est présent dans la version courte, c'est que Tristan bat Gauvin et pardonne à Auguste, qui est le cousin du Morholt, qui avait en fait hébergé Tristan et qui voulait le tuer en le jetant dans une fosse. Et puis comme Tristan est magnanime et qu'il a sauvé Auguste, l'histoire commence à se répandre à travers Mordred qui la raconte à tout le monde, et on admire la courtoisie de Tristan, c'est pas dans la version longue. Ensuite, Tristan sauve Palamède et ils prennent rendez-vous au Perron Merlin pour se battre plus tard. J'en ai dit, on se retrouve au Perron Merlin qui a l'air d'être la pierre où Merlin est emprisonné probablement. L'idée c'est probablement que c'est là que Merlin est planqué, mais dans la version courte en fait on saute directement à leur combat au Perron Merlin, ce qui est pas très cohérent parce qu'en fait ce qui se passe là c'est qu'ils se donnent rendez-vous là et puis Palamède pourra pas y aller et puis en fait c'est Lancelot qui ira à sa place puis Tristan se battra contre lui parce qu'il croit que c'est Palamède, mais dans la version courte Tristan y va puis sans aucune raison se met à se battre avec Lancelot. Il y a un présage avec Lancelot qui est impliqué dans la, je crois que c'est dans la suite Vulgate, la suite post-Vulgate il me semble. Cette histoire de présage du combat au Perron Merlin, donc c'est ça qui fait que je crois que c'est Baumgartner qui relie ça du coup à la version post-Vulgate en fait. C'est possible, mais du coup, là, dans la version longue, c'est un peu plus cohérent parce que le truc est annoncé puis résolu. Et là, il y a une autre aventure qui, je pense, montre que ce texte n'est pas dans un état qui est très... Enfin, je vous laisse juger, mais disons, il y a une aventure sur un chevalier mystère. Un chevalier mystérieux. Et vraiment, je lisais ça et c'était vraiment un des trucs les plus prenants que j'ai trouvé. Il réveille un chevalier qui a un écu couvert de rouge. Genre, il a une espèce de housse dessus, donc on ne voit pas son écu. Il vainc Tristan et Palamède, donc c'est pas rien. Il bat quand même deux des plus grands chevaliers qu'on a vus. Palamède se souvient l'avoir vu auparavant accomplir de telles prouesses, donc on sait pas qui c'est, mais apparemment Palamède le connaît. Tristan le poursuit, il tue un chevalier car il servait Guenièvre, donc le chevalier a dit je suis un chevalier de Guenièvre, il l'a buté, il est pleuré par sa demoiselle, donc Tristan trouve la demoiselle en train de pleurer sur le corps de son ami. Bliobliéris lui prie de se nommer, le mec dit je vous donnerai pas mon nom. Bliobliéris lui propose un jeu, battons-nous et si je vous vainc, vous me donnerez votre nom. Et puis il lui répond basiquement, voilà un autre jeu, ou bien je vous fous par terre, ou bien vous me foutez la paix. Genre littéralement, voilà un autre jeu, ou bien je vous étends par terre, ou bien vous me laissez tranquille. Et c'est honnêtement, le ton du Tristan en prose est très drôle. Ce chevalier mystère abat Bliobliéris, il abat Gauvin, il dort avec queue et Dinadan chez quelqu'un qui l'interroge, et puis justement... Il se dit toujours l'ennemi de Guenièvre, qui d'après lui est coupable d'un grand péché, donc probablement c'est l'adultère avec Lancelot. Et puis Queux est furieux parce qu'il dit non, il défend la vertu de Guenièvre. Queux est vraiment montré comme un de ces chevaliers de Guenièvre, en fait, un peu comme le sont le lignage du roi Ban, en fait. Il est vraiment fidèle à Guenièvre. Ce qui était aussi dans le Lancelot propre, typiquement, pendant l'épisode de la fausse Guenièvre, quand il la défend contre Arthur. Mais du coup, le lendemain, il abat Queux qui est furieux, et Dinadan ne veut pas se battre, puis il fait « Vous voulez pas venger votre combat ?» Puis là « Non, non, je vois que ça sert à rien, que je suis clairement surclassé. » Et donc Dinadan ne va pas se battre. C'est ce que je disais sur le fait qu'il y a des réactions différentes de différents chevaliers, où Queux est vraiment énervé et insultant immédiatement, puis Dinadan est un peu plus... C'est marrant aussi qu'on voit la différence entre Dinadan et son frère, parce que le frère de Dinadan, c'est le chevalier à la côte motaillée, en fait. Mm-hmm. C'est Brunor, le deuxième, disons. Mais du coup, il est un peu plus un chevalier dans le moule du chevalier. Voilà, vertu, alors que Dinadan, voilà. Lui, c'est vraiment le. Tu sens que l'assassinat de son père lui a peut-être inculqué un peu de scepticisme et de cynisme comparé à son frère. Mais donc Tristan arrive, il entend ce qui s'est passé, mais c'est qui ce chevalier qui bat tout le monde? Il part après sa poursuite, mais après plusieurs jours de recherche, 5, 6 ou 8, ça dépend des manuscrits, basiquement pendant une semaine, il le cherche, il n'arrive plus à suivre ses traces et il renonce à le trouver. Il se repose quelques jours dans une maison de religion parce qu'il se dit. Bah, il faut que je me prépare pour mon duel avec Palamède. Et ce chevalier mystère n'est plus jamais mentionné, dans aucune version. Donc là, vous avez un épisode d'un chevalier qui sort de nulle part, qui a l'air de détester Guenièvre. Il n'y a pas de suspect dans le début du texte, ni dans la suite. On ne sait pas vraiment qui c'est. Et c'est jamais mentionné. Donc il y a des passages un peu comme ça où oui, c'est une œuvre très belle, bien écrite, machin, mais il y a plein de passages où effectivement on se dit, ouais, ils n'avaient pas forcément les yeux très proches de leurs notes, quoi. Ce qui nous amène au combat du Perron Merlin, enfin Tristan abat Dodinel et Sagremort qui lui redemandent un combat, mais il veut se préserver pour la bataille avec Palamède, donc ils disent, bon, on va te laisser tranquille. Palamède ne peut en fait pas être là parce qu'il est emprisonné au château de la Flège. Lancelot arrive à sa place par coïncidence. Tristan et Lancelot se battent, Tristan croise qu'il se bat contre Palamède, et finalement ils se reconnaissent et Tristan accepte d'accompagner Lancelot à la cour, ce qui est la fin du volume 3. Où Arthur le persuade de rester à la cour, il est fait chevalier de la table ronde car son nom est apparu sur le siège qui était précédemment occupé par le Morholt. Donc il y a l'idée qu'on peut pas juste intégrer n'importe quel pélo à la table ronde, les sièges ont le nom de leur propriétaire et il faut que... C'est comme l'Académie française, il faut tuer le prédécesseur pour pouvoir y accéder. Et donc le siège du Morholt que Tristan avait tué, son nom a disparu mais le nom de Tristan est apparu dessus et du coup il devient chevalier de la table ronde. C'est intéressant qu'il y ait la temporalité assez exacte du 10 ans et 2 mois. On a fêté l'anniversaire de la mort du Morholt justement, puis donc, on est deux mois. Et Tristan a donc 26 ans à ce moment là si vous vous souvenez du calcul. Exactement. Encore une fois, la temporalité du Lancelot du Tristan est relativement claire. Elle est comparée très... à d'autres romans. Elle est très intéressante. Vous vous souvenez, on avait parlé du Lancelot qui était compliqué, ouais. Temporellement. Alors justement, de chrétien. Temporellement, il fonctionne très bien en tant que tel, mais les références à la Vulgate posent énormément de problèmes. Typiquement, oui. La conception de Galahad, où en fait, basiquement, si vous lisez la plupart des manuscrits, on conçoit Galahad, et puis trois paragraphes après, il est là, puis il a 16 ans. Puis ça marche pas du tout. C'est pas du tout aussi bien amené que dans le Lancelot. Alors que pour les événements qui sont ses propres histoires, il est effectivement très cohérent. Bon, puis la continuité interne du Lancelot propre aussi, par rapport à la durée du Tristan est correcte. C'est après, quand on intervient dans la caisse, que ça devient compliqué. C'est ça devient un peu un problème. Ce qui peut laisser penser que le Tristan, à la base, était intégré plus ou moins au Lancelot. Pour moi, ça fait penser à l'idée qu'il a été conçu avec le Lancelot propre en tête, mais pas forcément avec l'idée d'y rajouter la quête derrière après. Et donc Tristan prête le serment de la table ronde. Ça revient régulièrement, cette idée de serment de la table ronde. Il y a l'idée que les chevaliers qui sont de la table ronde ne peuvent pas se battre à mort entre eux, par exemple. Ils n'ont pas le droit de s'affronter autrement que par jeu et par fête. Dans un tournoi, par exemple. Dans un tournoi. Mais donc, ils ne doivent pas combattre dans leurs membres. Et donc, plusieurs fois, ça revient que la question du serment de la table ronde, que notamment, je vous ai dit, Gauvin et Agravin vont tuer Palamède alors qu'il avait rejoint la table ronde, ce qui, par exemple, enfreint ce serment. Donc, il y a 2-3 moments qui sont pas directs, qui vont enfreindre ce serment-là. Le volume 4, c'est du départ du roi Marc vers le royaume de l'Ogre jusqu'à l'épisode du Lait voire 10 ans. Pour être très clair, c'est un passage assez comique. Marc se dit que Tristan lui serait utile en cas de guerre. Il a besoin d'avoir un chevalier aussi fort que lui. Et il a peur qu'il vienne avec Lancelot le détrôner, par exemple. Donc il envoie un valet à l'Ogre, mais ça fait que confirmer ses peurs, parce que tout le monde à l'Ogre parle d'à quel point Tristan est fort et beau et puissant. Et à quel point il pourrait déshériter Marc s'il le voulait. Donc il y a littéralement des gens qui sont là genre « Ah, ce Tristan, s'il voulait, il devrait aller casser la gueule au roi Marc et le tuer et prendre son trône. » Donc le roi Marc est complètement confirmé dans ses peurs. Lancelot et compagnie sont en train de faire la fête comme si le bon Dieu était descendu parmi eux, pour prendre le résumé de Le 7. Parce que Tristan les a rejoints. Parce que Tristan les émerveille totalement. Et il laisse André gouverner, Marc, et il va avec Berthelet, Armand, deux demoiselles et deux écuyers, incognito en l'ogre. En route, ils apprennent que Tristan est à la cour. Marc dit qu'il veut le tuer. Berthelet refuse. Marc lui fend la tête d'un coup d'épée et il le laisse mort. Les deux demoiselles, qui sont ses sœurs, commencent à se lamenter et Armand s'indigne et il le défie en duel et il lui dit... Enfin, Marc part avec les écuyers, mais les autres lui courent après et puis Armand le défie et lui dit dans 5 jours, on se retrouve à la cour d'Arthur et puis on se battra en duel parce que tu as tué Berthelet. Marc va donc avoir... toute une histoire de... Enfin, il mange chez un forestier, il s'arrête dans une fontaine dans la forêt de nuit. Il y a Lamora qui vient chanter son amour pour la reine d'Orcanique et donc la mère de Gauvin et compagnie. Et il lamente que Gaerier, son fils, s'oppose à leur union. Ben, plus tard, Gaerier tuera sa mère à cause de ça. Quand il voit Marc, il reconnaît l'accent de Cornouailles et lui demande des nouvelles de leur mauvais roi, Marc. J'aurais dit, ah, qu'est-ce qui se passe chez vous? Mais donc, il reconnaît l'accent de la Cornouaille. Marc rencontre Dinadan qui se moque de lui. Lamora débarque, ils se battent, Lamora gagne, qui est un très bon chevalier, et Dinadan fait croire à Marc que c'est que le plus mauvais des compagnons de la table ronde. Donc il dit, bah, c'est quand même ballot. Et donc Dinadan se paye un peu sa pomme, mais Lamora l'épargne, comme ils ne sont pas en conflit mortel. Marc comprend pas pourquoi Dinadan lui a dit que c'était que, il comprend pas la blague, il a pas l'air de trouver ça très drôle. Ils vivent différentes aventures, c'est assez comique où Marc se fait battre ou moquer par les chevaliers de la table ronde. Dinadan adore se payer la tête de Marc, il y a des passages qui sont vraiment drôles, où il voit 6 chevaliers de la table ronde qui vont dans la forêt, et il dit à Marc, « Oh, on a voyagé ensemble, mais il faut que je vous demande, si j'étais en péril de mort, est-ce que vous me défendriez? Parce qu'on arrive dans la forêt, et moi je vous défendrais. » Genre, il lui dit, « Voilà, maintenant on est potes, et il faut que tu me défendes, parce qu'on va dans la forêt, et puis il y a ces 6 types, ils veulent me tuer à mort parce que j'ai tué leur frère. » Absolument pas. Mais du coup, il essaie de terrifier Marc comme ça. Et honnêtement, c'est très drôle. Dinadan les rejoint, il est reconnu par Yvain, il retrouve Marc qui s'était enfui, ils organisent une joute entre Dagonet et Marc et ils font passer Dagonet pour Lancelot. Un chevalier triste et très songeur débarque, il bat tous les compagnons en remarquant « Oh, c'est pas Tristan, c'est pas Lancelot », puis il les défonce tous. Genre « Ah, si c'est pas Tristan, c'est pas Lancelot, je m'en fous », c'est bien sûr. Et il secourt Marc, mais il est complètement songeur. Genre Marc remarque « Ce type fait pas attention à moi, il est perdu dans ses pensées », puis c'est Palamède, bien sûr. Palamède envoie un des valets chercher des provisions à un château qui est pas loin, précisant qu'il veut pas qu'on vienne le trouver, parce qu'en fait, c'est le château de sa mère. Et du coup, sa mère voudrait venir voir son fils parce qu'elle le voit si rarement, elle aimerait avoir des nouvelles de lui, mais Palamède lui dit juste envie de provisions et puis rien d'autre. Et donc, à contre-cœur, elle suit ses ordres consciencieusement malgré le fait qu'elle aurait envie de voir Palamède, et elle lui envoie de la nourriture. Palamède mange en silence, très pensif, et il demande même pas à Marc qui il est, en fait, il s'en fout. Marc s'endort, Palamède se barre. Marc essaye de suivre Palamède, mais il a de la peine parce qu'il tourne en rond, littéralement. Il est vraiment en train de errer dans la forêt au hasard. Et il le trouve enfin quand il se lamente sous une roche. Puis il n'arrête pas de se lever et de s'asseoir. Donc il est vraiment agité, en train de lamenter son amour pour Iseu. Et puis aussi, il cherche Tristan, quoi. Armand et les demoiselles arrivent chez Arthur. Tristan les reconnaît parce qu'elles viennent de Cornouailles. Elles lui disent tout. Il en discute avec Lancelot qui se propose de réconcilier Marc avec Tristan. Marc refuse de prêter serment avant le duel. Il bat Armand en duel. Et il lui coupe la tête. Donc il y a vraiment cette idée régulièrement qu'en fait, non, il n'y a pas juste les gentils chevaliers qui gagnent les duels. Hein. Les méchants, ils peuvent tout aussi bien gagner et puis tuer des gens. Et Arthur est scandalisé parce qu'il est là. Waouh, c'est pas le plus vertueux qui a gagné. Mais en plus, Armand était du côté de Marc à la base. Ça Armand, c'était aussi un chevalier de Marc, mais avant qu'il tue Berthelet, ouais. C'est ça. Donc du coup, il y a le côté un peu. Ça ajoute au côté un peu dramatique, quoi, de la scène. Et là, il ordonne qu'on brûle les demoiselles en se barrant, mais il refuse de dire son nom et il part. Ça énerve Arthur, puis Arthur dit à Lancelot, va me choper ce type et puis ramène-le moi. Lancelot y arrive sans problème. Les demoiselles sont sauvées par Tristan Guerrier et Hector alors qu'elles allaient être brûlées. Je sais pas pourquoi les gens obéissent à Marc, mais en tout cas, voilà. Arthur se fâche contre Tristan. Gauvin vient les défendre. Il abat Hector, mais lui-même abattu par Guerriette. Lancelot débarque, il calme tout le monde, il ordonne qu'on laisse les demoiselles tranquilles, et Arthur ose pas protester. Donc là, il y a un peu l'idée où, justement, comme Marc avec Tristan, Arthur a un petit capitaine Lancelot qui... Le petit ami de ma femme. C'est le mari de ma femme. Et le roi Marc se constitue prisonnier, il est obligé de se nommer, il avoue avoir tué Berthelet, et Arthur ne comprend pas, parce que justement, théoriquement, le duel voudrait dire qu'il était innocent et qu'il n'avait pas tué Berthelet, mais il l'avoue, et Arthur comprend pas pourquoi le bon droit a pu être vaincu. Donc il y a une optique assez pessimiste, finalement, du Tristan en prose. Suivent des aventures de Dinadan, Palamède et Lamora que je vais complètement sauter. Ils sont chez les chevaliers de Morgane, ils arrivent à la roche aux ermites. Marc, ils essayent de rentrer en Cornouailles, mais Marc abandonne Tristan sur une roche. Puis le bateau échoue et tue tout le monde sauf Marc, Gouvernail et un écuyer de Tristan. Ils sont faits prisonniers par des chevaliers, puis ils vont ensuite être battus, libérés par Tristan en fait, qui avait été abandonné sur la roche. Perceval est armé chevalier à peu près à ce moment-là, mais dans les manuscrits, c'est assez incohérent. Perceval est armé chevalier 12 fois. Genre 12 fois, Perceval arrive à la cour et se fait adouber à différents moments de l'histoire. C'est jamais très... Enfin, ça dépend du manuscrit, mais disons, il n'y a pas de moment clair de quel moment ce serait le plus logique pour ça. Il y a tout aussi l'histoire de la Morac et de la mère de Gaëliette, oui. Et Gauvin, de la reine d'Orcanie, qui s'est insérée ici aussi, généralement. C'est ça. Parce que Perceval fait partie de la lignée de la Morac aussi. Lamora est le frère de Perceval avec Aglovale et il y en a peut-être encore un. Mais donc justement, Gaëriette surprend Lamora au lit avec sa mère. Il y a pas mal de scènes. Cette scène est souvent illustrée relativement dans les manuscrits. Et il sait que Lamora n'a point fait violence à la reine. C'est donc à elle d'en porter la peine. Autrement dit, comme elle était d'accord, c'est sa faute. Et il la décapite en laissant Lamora partir. Gaëriette est quand même fort blâmée à la cour. Les gens ne sont pas forcément de son côté. Les frères de Gauvin veulent tuer Lamora. Mais Gauvin est aussi très énervé envers Gaëriette parce qu'il a tué leur mère, quoi. Il est pas, c'est pas juste ça. Mais effectivement, Lamora est fâchée. Chez Mallory, cet épisode est toujours là, mais il y a un ajout qui est assez intéressant, c'est que Lancelot avertit Arthur qui risque de perdre Tristan et Lamora à cause de cette querelle. Basiquement, il lui dit cette vendetta va dégénérer et tu vas perdre deux de tes meilleurs chevaliers. Et ben Lancelot a presque parfaitement raison. Il y a beaucoup de... Il y a un épisode de Bréus, le chevalier. On l'avait dit que c'est un chevalier sans pitié, lui c'est vraiment un méchant chevalier. Et Dinadan voit un type qui le fuit, mais il dit que ce serait dangereux de le défendre, ce qui suscite les moqueries d'Agravin et de Mordred quant à sa poltronnerie. Et ils prennent le fuyard sous leur protection, mais quand Bréus débarque, il les arsène facilement, puis il piétine Mordred plusieurs fois de son cheval jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Et après l'avoir prié sans succès, Dinadan arrive à le renverser, mais il s'enfuit. Donc là, on a quand même un cas où Dinadan est quand même extrêmement valeureux, un petit côté chevalier couard, quoi. Il veut pas forcément se battre, mais quand il est mis sous la pression, il est quand même extrêmement valeureux. Le fuyard s'appelle Dalam, et en fait Dinadan a tué son père, Agravain et Mordred veulent le défendre contre Dinadan, mais Dinadan réussit à les renverser, Mordred et Agravain, et le narrateur annonce qu'après la quête du Graal, Dinadan sera tué par Agravain et Mordred. Donc Agravain est vraiment pas sous un jour favorable, mais les autres frères de Gauvain, Mordred, bah, c'est logique parce qu'il est méchant, mais même Gauvain lui-même, Gaëriette, sont vraiment vus comme violents. Gauvain n'est pas très sympathique, effectivement, régulièrement meurtrier, il se fait moquer, il est... Bah, je crois qu'il y a Tristan, la première fois qu'on le voit, Tristan le voit en train de genre kidnapper une demoiselle, d'après soi-disant la coutume des chevaliers. Ça revient tout le temps, la coutume des chevaliers, si tu vois une demoiselle seule, t'as le droit de la kidnapper. C'est vraiment la différence quand même avec le Lancelot Graal, où il est encore relativement positif. Non, il est bien positif. Là, il est clairement présenté comme négatif, et c'est très intéressant, ça se passe sur vraiment une période de temps si courte, en fait. Peut-être que c'est la place que prend Tristan qui empêche justement Gauvain d'avoir la place qu'il doit avoir, mais c'est assez intéressant qu'il soit complètement négatif déjà dès cette version-là, qui est comme relativement bientôt après assez proche temporellement du Lancelot Graal. Il y a un espèce d'échange de lettres entre l'ogre et Tintagel, où Arthur, Guenièvre, Iseult s'écrivent. Ça énerve Marc, parce que personne l'aime et personne lui envoie des lettres. Notamment, Lancelot propose dans une lettre à Tristan de prendre Iseult à l'ogre, et Arthur menace Marc, s'il se comporte pas loyalement envers Tristan, ben tu vas voir ce qui va se passer. Marc écrit des lettres pour passer le goût à Arthur et Guenièvre de la correspondance. Il y fait allusion à l'adultère de Guenièvre, disant basiquement « on est les deux cocus, Arthur », et Arthur comprend toujours pas, il est toujours là, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Et pense que ça concerne Caradoc Brivra parce que sa femme le trompe avec Hector. Genre, Arthur qui la laisse, enfin, c'est terrible ce qui arrive à Caradoc quand on y pense. Du coup, Guenièvre est quand même furieuse, du coup, parce qu'elle voit la lettre. Ouais, puis elle comprend ce qui se passe, puis elle est assez fâchée. Donc, en plus, d'habitude, c'est Morgane qui essaie de les faire remarquer. Bah, là, Marc joue aussi un peu ce rôle où il essaie de semer la zizanie à la cour. Hein. Et il veut se venger. Et en fait, Dinadan va prendre l'initiative ici, il tombe sur la lettre, il est furieux aussi par amitié pour Tristan, et du coup, il compose un lait sur le cocufiage de Marc, et il demande à un barde d'aller le chanter à la cour de Cornouailles, ce qui est le lait voire disant, qui va causer beaucoup de problèmes, qu'il envoie notamment, je crois, Lancelot l'aide aussi, Lancelot l'informe aussi de ce qui s'est passé. Là, il y a le combat contre Elias de Cessoigne, donc c'est probablement Elias de Saxonie, le Saxon. Cessnar, c'est le mot gallois pour un Saxon, un Anglais encore aujourd'hui, donc les Cessnes, comme il l'appelle. Les Cessnes, c'est les Saxons, quoi, clairement. Il veut envahir la Cornouaille après avoir entendu que Marc maltraitait son neveu, donc littéralement, ça change la géopolitique du monde, il se voit, ce type est méchant avec Tristan. Et je pense aussi, c'est l'idée que Tristan est un chevalier valeureux, donc si Marc n'est pas de son côté, bah, c'est une proie facile, en fait. Et puis, justement, Tristan est chez Dinas, et le narrateur nous présage que c'est là qu'il mourra plus tard, c'est là qu'il sera tué. Les Cess n'attaquent donc, les barons de Marc lui conseillent de faire appel à Tristan, mais il est encore souffrant, donc il dit « je peux pas me battre », il avait des séquelles de quelques aventures. Marc tente une sortie, mais ils sont repoussés jusqu'à la porte de Tintagel, donc ça se passe mal, ils sont vraiment repoussés jusqu'à l'intérieur, ils font tomber la herse qui tue je sais plus combien de Saxons, et les Cess montent le siège devant, ils ravagent le pays, et des négociations de paix commencent, ce qui implique un tribut assez lourd. Tristan arrive, il les repousse, au point qu'Elion propose à la place un combat singulier contre Tristan, ce qu'il accepte sur prière de Marc. Marc doit vraiment le supplier. Tristan gagne et il épargne Elion. Et Marc fait enfermer les Cessnes dans le Val de la Porte, au milieu de la ville, et ils ne sortiront de là qu'après la mort de Marc. Donc il les enferme pendant plusieurs décennies, apparemment, de ce que je comprends. Il y a le Harpeur, envoyé par Dinadan, qui exécute le lait, voire disant. Marc veut se venger de Tristan parce qu'il pense que c'est de sa faute. Là, gloubi-boulga total, je serais pas capable de vous dire ce qui se passe exactement. Tous les manuscrits, en tout cas chez le Z, ça devient vraiment difficile à suivre. Il y a des passages du tournoi de Sorelois et des aventures d'Alexandre l'Orphelin, c'est la version 3, on vous a dit qu'on n'allait pas vous en parler. Mais du coup, le conflit entre Tristan et Marc va reprendre à cause de ça, ça c'est clair. Dans la version 4, qui a été reprise par Mallory notamment, des barons se rebellent parce qu'ils pensent que Marc a emprisonné Tristan, ce qu'il a fait généralement. Dans la version 1, Perceval combat Bohort pour récupérer l'écu de Lancelot, mais le perd, et il va ensuite chercher Tristan et le libérer. Et c'est dans toutes les versions que Perceval le libère, même si c'est pas toujours amené de la manière la plus cohérente. Différentes versions du conflit ultérieur, genre il y a une version où Tristan va voir Iseult dans le jardin, André les découvre, et puis Tristan attend Marc, Marc qui les attend dans un laurier avec un arc et des flèches et son épée pour les tuer, et puis Tristan voit Marc, mais il décide de pas l'attaquer, puis juste de lui faire peur en se tenant là avec ses armes. Et puis, ensuite, c'est la fin du volume 4, Tristan décide que c'est pas tenable et il part avec Iseult pour le royaume de l'ogre où ils espèrent que dans le volume 5, ils auront une meilleure vie à l'abri des complots de Marc. Le volume 5, intitulé « De l'arrivée des amants à la joyeuse garde jusqu'à la fin du tournoi de l'Ouvserp ». On va pouvoir le résumer assez facilement parce que le tournoi de l'Ouvserp, comme le tournoi des Trois Pucelles, c'est un de ces tournois qui prend énormément de place dans le texte, mais qui est pas si... Enfin, vous imaginez le contenu, des chevaliers qui se battent, puis Tristan est généralement... Tristan, Palamède, Palamède, Tristan, Lancelot, peut-être le lignage du roi Ban. À la fin, c'est Tristan et Lancelot qui gagnent ce tournoi-là. Mais donc là, incognito, Tristan se bat contre de nombreux chevaliers d'Arthur en route. Il dit à Lancelot qu'il a besoin d'un havre où il pourrait héberger Isseux, et ils partent à la joyeuse garde que Lancelot où Lancelot était hébergé, et où il avait vécu un temps quand il n'était pas non plus dans le Sorelois avec Galeot. Arthur apprend que le chevalier inconnu est Tristan, quelle surprise. Dans la longue version, il y a le tournoi à l'Ouvserp, près de la joyeuse garde, parce que justement, Arthur a envie de voir Tristan et Isseux. Et en fait, on a un petit côté un peu sur la vie quotidienne de Tristan et Iseu qui est assez banal en fait. Genre, Tristan part chasser et il revient raconter ses expériences de chasse à Iseu qui reste à la maison puis qui s'occupe. Enfin, c'est un petit côté très train-train quotidien comme ça. Un messager annonce le tournoi à Tristan. Il rencontre Breus, Palamède, Bliobliris, Erek et Perceval. Dinadan loge à la joyeuse garde et il parle un peu avec Iseu. Finalement, Tristan, Palamède, Guerrier et Dinadan vont prendre part au tournoi. Palamède veut venger la mort du roi de la Rouge Cité, ça c'est toute une autre histoire qu'on n'est pas vraiment entré dans les détails, mais il le fait. Des tentes sont montées à l'Ouvserp. Palamède gagne quelques victoires, il y a des jeux du soir, on apprend que Tristan est là. Le premier jour du tournoi, tous les compagnons sont pas dans le camp d'Arthur et Palamède remporte le prix. Et puis le deuxième jour, c'est Tristan qui fait mieux. Il se bat avec Palamède sans savoir que c'est lui. Lancelot se bat aussi et puis finalement c'est Tristan qui remporte le prix. Et le troisième jour, le dernier jour du tournoi, c'est Tristan et Lancelot qui reportent le prix ensemble. Et Palamède défie encore Tristan en tant que bon rival. Palamède a un petit côté Vegeta aussi. Genre, il est un peu plus... Tristan, c'est un peu le Goku. On parlait que c'est la version un peu animée. Il y a de ça. Hein. Il y a beaucoup de tournois, Il y a beaucoup de fillers, beaucoup de tournois. Puis il y a beaucoup de moments où justement Palamède n'arrête pas de raviver sa rivalité avec Tristan. Mais ça, c'est basiquement tout le volume 5. Donc Sasuke contre Naruto. Non, à part ça, sans ironie. Enfin, quoique. C'est plutôt Palamède qui est Naruto dans l'histoire. Ouais, ce serait peut-être plus Palamède qui est Naruto. Mais donc, le volume 6, c'est du séjour des amants à la joyeuse garde jusqu'aux premières aventures de la quest du Graal. Donc, comme vous l'imaginez, c'est le début de la quête. Palamède affronte son frère, Saphar, qui a un nom un peu plus oriental que lui, j'ai l'impression. Et il lui dispute une femme qu'il avait enlevée à Espinogres, qu'on avait déjà vu, je sais plus où, mais... Les noms, on ne parle pas trop, mais disons les stocks de noms de chevaliers sont constamment réutilisés comme ça, et ça permet un peu d'avoir une espèce de panoplie de personnages dans lesquels piocher, puis il y en a beaucoup qu'on a déjà vu par ailleurs, quoi. Ils sont les deux capturés à un château dont Palamède a tué le seigneur lors du tournoi de l'Ouvserp, donc ça revient régulièrement, on est hébergé par quelqu'un, puis en fait on les a butés pendant un tournoi, donc les tournois ont quand même des conséquences. Il est sauvé de sa prison par Lancelot, Tristan arrive juste après, un petit peu trop tard pour le libérer, et il est ramené à la joyeuse garde où il est tourmenté de voir Iseu. Revoir Iseu, ça le fout dans un cafard pas possible. Il chevauche seul en composant de la poésie comme d'habitude et en se lamentant dans la forêt, probablement vers des fontaines. Oui, justement, Tristan trouve Palamède qui se lamente au bord d'une fontaine et il le défie. Ah, si jamais j'ai retrouvé où Espinogres était, c'était dans la troisième continuation de Perceval. Oui, c'est juste. C'est le père de Partinal, l'ennemi du Graal. Espinogres. Et donc, voilà. On l'avait déjà dit en fait, tous ces noms en ES à la fin, Espinocre, Palamède, etc. Généralement, on les prononce pas aujourd'hui, mais probablement que dans la graphie médiévale, ça se prononçait vraiment Espinogres, Palamédès, etc. Donc, il hésite à attaquer Palamède au bord d'une fontaine, mais après avoir hésité, parce qu'il voit qu'il est désarmé, il planifie un combat 2 semaines après, mais il est blessé par une flèche avant, puis Palamède est content parce qu'il s'est dit « Ouf, j'allais me prendre une raclée, là ». De la part de Tristan, oui. Et la renommée de Tristan est à son comble, le roi Marc est inquiet, comme d'habitude, tout comme les chevaliers du lignage du roi Ban. Ils ont peur qu'il éclipse Lancelot, en fait, et ils se disent « On devrait le buter ». Parce que s'il devient plus fort que Lancelot, notre lignage va plus être aussi glorieux. Et Lancelot les engueule et il leur interdit en leur disant qu'il aime Tristan moult durement et que jamais plus il n'aurait son amour si ça arrive. Donc là, on voit que le lignage du roi Ban, contrairement au Lancelot Graal, où ils sont vraiment au cœur du récit, donc c'est un peu les héros, là ils sont vraiment, vraiment très négatifs. Lancelot est toujours un très bon personnage, mais tous ses frères sont un peu des tueurs et des traîtres, un peu comme ça. Il y a la réalité qui se rappelle à Tristan, puisque c'est le moment où Léonois veut le retour de celui qui est techniquement leur roi, hein, on a un peu oublié, mais... Ils veulent qu'il revienne parce que c'est techniquement leur roi, mais c'est vrai que c'est pas très... Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas lu les passages concernés, mais on parle pas vraiment de son lien à la royauté du Léonois alors qu'il est censé être le roi régnant. Est-ce que c'est que Marc règne dans l'interlude, comme ça a été souvent le cas dans l'histoire de la guerre de Cornouailles? Mais justement, il dit qu'il restera encore un été et un hiver à la joyeuse garde. Mais ses projets vont être interrompus par la quête du Graal. Il faut dire que ce passage d'ailleurs n'est pas dans la version courte. Et dans la Tavola Ritonda, Un petit truc à noter dans cette version italienne, Lancelot, Iseut et Guenièvre sont hébergés par la Dame du Lac. Genre, il se dit, il vaut mieux mettre Iseut à l'abri dans cette espèce de palais sous-marin. Là, il y a plein d'épisodes du Lancelot Graal qui sont interpellés, suivant les manuscrits plus ou moins interpellés. On a dit que celui qui était pris par les éditions Anacharsis avait beaucoup d'interpellations qu'il n'y a pas ailleurs. Mais là, c'est vraiment la quête du Graal, en fait. Je vais juste vous parler des additions. Donc, il y a un ermite qui annonce la quête à la cour, puis il y a une espèce de dédoublement. C'est-à-dire que l'ermite annonce la quête, il y a plein de trucs qui se passent, puis ensuite, il réannonce la quête après que Galahad ait été conçu, en fait. Donc, il y a une espèce de dédoublement de cet épisode de l'annonce. Et il y a plusieurs fois, Arthur convoque plusieurs Pentecôtes avant la quête du Graal. Il y a un peu de dédoublement de ce côté-là, qui montre peut-être justement une interpellation ou le fait qu'on ait ajouté des textes de façon pas très habile. Il y a aussi une réarrivée de Perceval, suivant comment, par exemple, qui était censé déjà avoir été fait roi, parce qu'il a déjà libéré Tristan. On avait dit, il a déjà libéré Tristan, puis il a déjà été adoubé, mais dans d'autres manuscrits, on a enlevé ça, et puis à la place, on met qu'il est adoubé maintenant. À Corbenic, il y a Bohort à Corbenic, la fille du roi Pélès se rend à la cour d'Arthur et elle trompe de nouveau Lancelot en couchant avec lui. Il y a l'épisode justement où Lancelot couche, conçoit Galahad. Hélène apprend à Bohort ce qui s'est passé. Agloval retourne chez sa mère et aide son petit frère Perceval à en partir, alors que théoriquement il est déjà parti. Perceval se bat contre Hector, ils se blessent mutuellement à mort mais ils sont soignés par le Graal, donc ça on l'avait déjà vu, dans la quête du Saint Graal, mais aussi dans les continuations de Perceval. Là il y a un passage qui est un peu plus intéressant, c'est celui de la folie de Lancelot. On l'avait déjà vu, vous savez, il se fait surprendre en train de coucher avec Hélène par Guenièvre et donc il part, il devient fou lui aussi. Il est reconnu par Hélène et soigné par le Graal quand il est arrivé à Corbenic. Là en l'occurrence il se retire à l'île de Joie où il prend l'identité de chevalier Mesfet. Mesfet, donc le chevalier coupable, et il se bat contre tout le monde jusqu'à ce que Perceval et Hector le retrouvent et le convainquent de revenir. Bohort et Lionel trouvent Hélin le Blanc, le fils de Bohort. Galahad se dit qu'il est temps de devenir chevalier. Donc là on a vraiment genre 16 ans qui sont passés, on n'a rien de temps quoi. La conception de Galahad, on saute vraiment la durée de sa conception alors qu'elle aurait pu être introduite beaucoup plus tôt. Le truc c'est que si la quête du Graal avait été intégrée dès le début dans le Tristan en prose, on pense que ce serait mieux intégré. De la même manière qu'on nous a dit pendant que Tristan était en Irlande, Lancelot a libéré la Joyeuse Garde, breaking news, ou quand on nous a annoncé des choses sur Gallo, quand on nous a annoncé des choses, on annonce vraiment bien, il y a vraiment une bonne jonction avec le Lancelot propre, mais la quête du Graal, on aurait pu nous mettre bien dans la chronologie de sorte que, Tristan avait 16 ans, Galahad est conçu, puis 16 ans plus tard, naturellement, on arriverait au début de la quête du Graal. Là, c'est pas le cas, on a vraiment des compressions temporelles qui sont un peu bizarres. On pourrait tout à fait imaginer, effectivement, qu'à la base, le Tristan se terminait avec la mort de Tristan avant les aventures du Graal, en fait. S'expliquer pourquoi Tristan n'intervient pas dans les aventures du Graal, mais par volonté de l'intégrer à cette version absolument héroïque et ce nouveau standard de chevalerie, doit faire un peu des raccourcis un peu bizarres, et d'où aussi les manuscrits qui accumulent les épisodes de la quête de façon extrêmement peu subtile, alors que c'est tout de suite, c'est en général quand même mieux intégré, mieux filé ensemble en fait avant. Donc la quête s'est lancée, on vous renvoie à notre épisode sur la quête du Saint Graal parce qu'elle est vraiment reprise, mais il y a quelques différences, notamment il y a un ermite qui cette fois-ci pour la deuxième fois va annoncer la quête du Graal, la Pentecôte du Graal justement, en chemin Arthur... Il y a un peu Tristan est un peu le retardataire de service en fait. Ouais. Il apparaît pas à la Pentecôte du Graal, par exemple, parce qu'il est en retard. Enfin, il apparaît, mais la première apparition, non. Il est retenu un peu en arrière, en fait. C'est ça. Il arrive parce qu'il veut joindre la quête du Graal, mais Iseut veut rester à la Joyeuse Garde. En chemin, il rencontre Palamède, qui ne l'agresse pas, et lui donne même un cheval frais, donc il y a cette espèce de fraternité entre rivaux. Et chez Mallory, c'est ici qu'après un duel avec Tristan, Palamède est baptisé. Comme ça, il peut vraiment faire la quête du Graal depuis le début. Ici, pas. Palamède va être baptisé un peu plus tard. Une addition, c'est que Baudemagu intervient à la cour d'Arthur pour pointer que ça va pas bien se passer parce que Tristan est pas là. Lancelot va dans un ermitage pour adouber Galahad. Un chevalier muni d'une harpe, ça c'est une autre addition, un chevalier muni d'une harpe vient chanter un lait qu'il compare au chant du cygne, littéralement, puis il se suicide quand un autre chevalier vient le confronter, disant qu'il préfère se tuer que d'être tué par son ennemi. C'est un petit peu, voilà, il explique un peu l'histoire, mais ça c'est une addition qui n'a pas vraiment de sens. Luquin, le bouteiller, malheureux naïf, veut manger, mais Arthur le corrige. Vous avez oublié la coutume, dit Arthur, je suis le roi des aventures, et Dieu me mit en cet honneur par aventure merveilleuse, ainsi comme savent tout devoir, tout m'ont fait en aller avant pour Dieu et pour aventure, tant que de moi sera parlé des merveilles de ma vie, tant comme le siècle durera, la coutume de ce jour savez-vous bien, m'encudez-vous donc austère, nous ne pouvons dîner le jour d'une si grande fête avant que quelque aventure soit arrivée. Oui, c'est une version développée en fait de l'aventure du siège périlleux en fait, qui s'amène à l'aventure, l'arrivée de Galahad. Heureusement, Galahad arrive, il accomplit l'épreuve du siège périlleux sans être engloutis par la terre, puis l'épée qui était sur le perron flotte pendant. Donc ça, de nouveau, on vous rend renvoie à la caisse d'Elsa. On déplore de nouveau, c'est dommage que Tristan soit pas là pour voir ça. C'est vraiment très... Ah tiens, bien sûr, il a toujours pas été là. Ça me fait vraiment penser à Scrubs, l'épisode où dans une saison de Scrubs, on apprend qu'il y a JD qui commence à tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Kim, mais elle a jamais été là dans la série, puis ils disent « Mais oui, elle a été là depuis le début, tu te rappelles pas ?» Puis ensuite, ils passent des flashbacks de la série, puis ils ajoutent cette actrice en écran vert mâle sur des scènes précédentes de la série. C'est comme ça qu'on se sent un petit peu quand on lit ces passages. Bon, ça a un côté assez agréable, parce que finalement, le fait qu'on pointe que Tristan est absent, c'est peut-être l'addition la moins visible, en fait. C'est relativement discret, c'est pas comme s'il est là et qu'il change les événements, justement. On pointe le fait qu'il soit absent. Mais donc, pour signaler qu'il doit être partie de la quête. Qu'il doit arriver. Donc, il arrive enfin, puis il peut finalement arriver. Après les vêpres, le Graal apparaît à la cour. 150 chevaliers dont le narrateur énumère les noms. D'ailleurs, là, c'est très drôle parce qu'il liste tous les noms. Il fait vraiment une liste de 150 noms. Genre, il a vraiment son stock de noms, donc ceux qu'on connaît, mais ceux qu'on connaît pas aussi. Un peu comme Chrétien dans Erec. Et c'est assez intéressant. Et il prête le serment de mener la quête à bout. Alors, je crois que ça dépend parce qu'il y a des manuscrits qui ont justement été interpellés de la quête du Graal, je crois, où c'est exactement la même chose, mais il y a aussi la version standard où je crois il prête serment de faire la quête pendant 1 an et 4 jours, et donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout on va faire la quête jusqu'à la mort, on va faire la quête, on va l'accomplir, oui on va y arriver jusqu'au bout, c'est on va le faire pendant 1 an et 4 jours, donc c'est long c'est vrai, mais ça reste limité dans le temps. Il y a plus cette idée de sacrifice ultime quoi, mais les gens sont quand même tristes. Galad soulève une tombe, bannit le démon qui séjournait, Melion et... enfin là on a vraiment des épisodes de la quête du Graal. Il y a des épisodes de la post-vulgate qui ont pas été de la quête post-vulgate qui ont pas été intégrés dans le Tristan en prose. Ensuite, il y a les fameux 7 frères qui représentent les 7 péchés capitaux. Tristan trouve Eli, fils d'Elion. Donc il avait battu Elion le Saxon, puis là il se bat contre lui. Devinez où il était, Eli, le fils d'Elion le Saxon. Alors il se lamentait auprès d'une fontaine dans la forêt. Et il chasse 2 chevaliers qui lui ont dit qu'ils n'étaient pas amoureux, parce qu'il dit « Les fontaines, la verdure et la joie ne sont pas pour les personnes qui n'aiment point. Leur place est dans les vieilles maisons délabrées. Les neiges, la pluie et le mauvais temps, voilà ce qui leur convient. » Donc il est amoureux. Amoureux de qui ? D'Iseu. Et puis Tristan lui interdit d'aimer Iseu ou Guenièvre et il le bat. Élie plaint qu'il n'y ait pas de témoin, mais 12 chevaliers dont Palamède arrive et ils disputent le combat à Tristan. Les chevaliers se saisissent d'Élie car il avait tué un de leurs parents, ils l'emmènent au château. Tristan leur court après et va libérer Élie, qui renonce à son amour pour Iseu et se présente, et ils vont loger ensemble avec Palamède. Et donc, là, on a quelques exploits de Galad. À une fontaine, Tristan affronte Galad dont l'écu est masqué, comme ça il ne le reconnaît pas. Le combat est très violent, mais il s'interrompt quand ils se reconnaissent. Palamède et Eli partent, mais Tristan, Galad et Dinadan vont loger chez Blanor. Galad est guéri après 8 jours, mais par contre Tristan doit rester. Tristan est beaucoup plus blessé que Galad, donc il y a quand même l'idée que Galad est assez un peu plus fort que Tristan quand il est en état de marche. Tristan envoie Dinadan donner des nouvelles à la joyeuse garde pour dire à Iseu, en fait je suis parti sur la quête du Graal, donc je vais rentrer un petit peu plus tard. Et Tristan sera en fait fait prisonnier, il va tomber malade, donc le volume s'achève sur une description de la bête glatissante. Ouais, la bête glatissante est apparue plus tôt, hein. Elle est dans les volumes de Curtis, il la croise dans la forêt où Arthur est retenu prisonnier, je crois. Y a des aventures avec le chevalier de la bête glatissante qui va après être attribué à Pélinor, en fait, chez Mallory. Ouais, mais c'est vrai que Palamède est lié à la bête glatissante, on l'avait déjà vu plusieurs fois, et puis en fait, c'est ça qui est astucieux dans le Tristan en prose, c'est que tout le monde cherche le Graal, mais avant d'être baptisé, Palamède ne peut pas chercher le Graal, donc la quête de la bête glatissante remplit cette fonction pour lui, avant qu'il puisse joindre la quête du Graal. Ce qui nous amène au volume 7 de l'Appel d'Iseu jusqu'au départ de Tristan de la Joyeuse Garde. Je suis pas complètement sûr ce que c'est l'Appel d'Iseu, même après avoir lu l'histoire. Je crois que quand elle demande à Tristan de revenir. Elle demande à Tristan de revenir, c'est ça. Bon, ouais, il n'y a pas qu'un seul appel du coup, mais. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Beaucoup de bastons entre différents personnages, dont Galad qui défait par exemple 40 chevaliers quand il est en embuscade. Il est capturé par Bréus sans pitié, qui est vraiment le méchant chevalier, on l'a dit. Tristan défend sa demoiselle contre Palamède, il est emprisonné par un chevalier dont il a tué le fils, encore une fois, sauvé par Palamède. Des batailles entre Galad, Tristan et Palamède sont interrompues par d'autres chevaliers. Tristan accompagne le chevalier du bouclier rouge qui lui est inconnu et qui doit se battre pour le compte de son frère. C'est pas le même que le chevalier rouge qu'on avait avant. Non, c'était pas un bouclier rouge, c'était un bouclier avec une housse rouge, là c'est un bouclier rouge. Le chevalier du bouclier rouge doit se battre contre Lancelot, puis il emprunte l'armure et les armes de Tristan pour son combat. Un autre chevalier se révèle coupable en cours de route et du coup le combat judiciaire est annulé. Le chevalier du bouclier rouge est en fait Brunor le Noir, et puis il rentre dans la Joyeuse Garde. Donc Brunor le Noir, c'est le chevalier de la côte mal taillée. Et en fait, dans la version courte, on rajoute des épisodes ici. Par exemple, Lancelot croit que Tristan avait l'intention de le combattre, parce qu'il a pris l'armure de Tristan, ce gars. Et il a aussi l'intention de tuer Tristan, mais en apprenant la vérité, il fait la paix avec lui. C'est aussi dans ce volume que s'intègre l'histoire d'Erec, d'ailleurs, que aussi dans la version courte. Hein. Oui, l'histoire d'Erec. y a plusieurs aventures qui sont vraiment... on parle beaucoup de la version courte, effectivement, elle n'est pas si courte que ça, en fait, comparée à la version... Je ne sais pas si elle est si courte que ça. Une autre innovation de la version courte, c'est qu'il y a une guerre entre l'Irlande et le nord du Pays de Galles. Et il y a Tristan et Lancelot qui s'illustrent là-bas, donc ils gagnent des batailles, des choses comme ça, dans la version courte, en tout cas. Puis d'autres aventures de Tristan, on passe un peu dessus. Ça, c'est pour le volume 7. Il ne se passe pas grand-chose dans celui-là. Beaucoup, beaucoup d'affrontements. Il y a aussi une chose, c'est justement... La seule chose qui avance un peu, c'est qu'en fait, Iseu lit la lettre que Tristan a envoyée dans le volume précédent. Et elle apprend qu'il ne va pas revenir de sitôt. Elle apprend qu'il ne va pas revenir de sitôt. Volume 8. Ça, c'est essentiellement de la quête, en fait. C'est essentiellement de la quête, de Galahad à la destruction du château de la lépreuse. Donc, vous vous rappelez la lépreuse qui avait été. Qui avait utilisé le sang de la. Je crois que c'est celle qui avait utilisé le sang de la sœur de Perceval pour se guérir et qui avait tué plein de vierges. Galahad rencontre Palamède, il y a une variante dans certains manuscrits de la voie de la repentance de Lancelot sur le côté de son adultère. Tristan est très peu impliqué dans cette version-là, en fait, puisque c'est essentiellement une reprise assez directe. On introduit par exemple Mordrain, on introduit des personnages qui n'ont pas vraiment été présentés parce qu'ils sont présentés seulement dans les versions du Lancelot Graal normalement. Là par exemple, Perceval intervient beaucoup plus dans l'histoire, il rencontre une recluse, une femme recluse qui est en fait une ermite qui est sa tante et qui le conseille. Il rencontre Mordrain et il se fait raconter son histoire, donc on a un petit flashback du Graal, ce qui était absent parce que même si le début du Tristan commençait avec la famille de Joseph d'Arimathie, on vous racontait pas l'histoire du Graal du tout en fait. Donc il connectait Tristan à cette famille, mais sans nous le raconter. Il y a quelques épisodes qui sont propres à la post-Vulgate. À ce moment-là, on les racontera peut-être en temps en heure, mais disons Perceval qui refuse d'adouber un écuyer, qui finit par les battre. Perceval résiste à la tentation d'une demoiselle démoniaque qui est le diable, vous connaissez cet épisode. Là, on a les aventures de Bort, vous vous rappelez, il est conseillé par un moine. Ils vont un pélican se sacrifier pour Septis, ce qui est une métaphore christique. Ils croient trouver le corps de Lionel, c'était en fait une illusion diabolique. Et donc ça, vous en souvenez. Vous vous en souvenez dans la quête du Saint Graal. Et puis finalement, il avait, juste avant ça, il avait sauvé une jeune fille au lieu de son frère Lionel. Et ça avait causé un conflit entre les deux, en fait. Lionel voulait le tuer, en fait. Puis finalement, Lionel est tellement en rage qu'il finit par tuer quelqu'un qui s'était interposé. Il avait tué Calogrenant qui était venu à son secours. Et puis dans la post-Vulgate, pas ici, mais dans la post-Vulgate, et peut-être dans certaines versions du Tristan en prose, vu qu'il y a des interpolations, mais il y a Lionel qui est sauvé en plus par un miracle supplémentaire avec Lionel. Pas dans la quest, il y a Elin Leblanc qui rencontre Galahad dans le Tristan en prose. Ça, c'est une innovation intéressante parce que Galahad, c'était le fils que Lancelot avait sans le vouloir, et puis Elin Leblanc, c'est le fils que Bort avait eu sans le vouloir en étant enchanté. Puis donc là, les deux se rencontrent. Le narrateur du Tristan en prose a quand même mis ensemble ces deux-là. Et là, c'est à partir de là, après la rencontre entre Gauvin, entre Elin et Galahad, puis après, il y a à nouveau un tournoi où Galahad bat Gauvin. Et là, en général, ça interpose dans la... Il y a des épisodes qui sont propres à la post-Vulgate qui n'apparaissent pas dans le Tristan. C'est là que... Il y a des épisodes propres. Une série d'épisodes qu'on vous racontera pas ici, mais qui témoignent bien du fait que la post-Vulgate, c'est quand même plus vaste que ce que le Tristan y rajoute, en fait. Voilà, ils ont pas tout repris. Là, en l'occurrence, il y a des aventures d'Erek, notamment. Ce qui a pas vraiment fait beaucoup d'apparitions ici. Il apparaît seulement dans la version 1, normalement, Erek, son histoire avec Enid, notamment. Mais il apparaît pas dans la version 2, il me semble. Mais ensuite, il y a quelques épisodes qui sont effectivement repris de la quest post-Vulgate. Galahad et Tristan, ils chevauchent ensemble et ils rencontrent Palamède qui emprunte le bouclier de Ebès, le renommé, je crois. Tristan le défie, le tue, tue Ebès en combat et combat Palamède. Bioberis met la paix entre eux. Palamède sauve Tristan du château de la lépreuse, justement. Et Galahad sauve Tristan et Palamède. Enfin, ils n'arrêtent pas de se sauver les uns les autres, bon. Et puis... pas grand chose qui change. Galahad passe la nuit chez un ermite et une jeune fille conduit dans un château au bord de la mer. Il voit un cerf blanc qui se change en homme et une lépreuse qui est guérie du sang de la sœur de Perceval et qui meurt de la perte de sang. Et justement, Perceval et Galahad voient la punition divine qui frappe, enfin la foudre qui détruit le château de la lépreuse et ils décident de se séparer. Une innovation de la post-Vulgate et qu'on a aussi dans le Tristan en prose, c'est que Galahad guérit une folle et Galahad et Bioberis massacrent Tholas de la Terre Sauvage. Je croyais qu'il avait déjà été tué par Tristan. C'était peut-être un autre Tholas. Et ses quatre cousins, puis trois autres chevaliers envieux, puis Galahad guérit une femme atteinte de la lèpre. Donc Galahad a un côté thaumaturge où il soigne des gens qu'il n'y avait pas avant. Et il faut dire un truc, c'est que là, on a un peu tordu l'ordre des épisodes parce qu'on a suivi l'ordre de Le 7, qui est en fait surtout basé sur la version courte parce qu'il pensait que c'était la première. Mais en fait, on a sauté un peu toute la fin de la quête du Saint Graal. Bon, vous la connaissez basiquement, Galahad guérit Mordrain, il éteint les flammes du corps de Moïse, le fils de Siméon, il laisse Lancelot dans le navire, il y a toute une série d'épisodes de la quête qui vont changer suivant la tradition manuscrite que vous regardez, mais finalement, c'est pas très important pour nous. Puis une innovation de la post-Vulgate, c'est que là, Galad, Perceval et Bort, dans le volume 8 cette fois, rencontrent Caïphe. Donc je crois que c'est, je crois que c'est le grand prêtre en fait de. Oui, c'est le type qui dirige le Sanhédrin en fait dans l'Évangile. Ouais. C'est l'ennemi de Joseph d'Arimathie. C'est l'épisode du il déchire ses vêtements quand Jésus a blasphémé dramatiquement. C'est un peu le méchant juif en fait dans c'est le. C'est ça. Dans c'est comme Siméon, Moïse. C'est un de ces personnages un peu antisémites de la littérature du Graal. Faut pas se mentir là-dessus. Donc c'est à peu près là, dans le récit, que s'interrompt pour un moment la quête du Graal, et on va repartir sur les aventures de Tristan. Avant d'aborder cette toute dernière partie, parce que ça commence à être un peu longuet, on va faire une dernière petite pause musicale, on va écouter Northwest Passage de Stan Rogers. For just one time, I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one warm line through a land so wide and savage, and make a Northwest Passage to the sea. Westward from the Davis Strait is there, 'twas said to lie, the sea route to the Orient for which so many died, seeking gold and glory, leaving weathered broken bones and a long forgotten lonely cairn of stones. Ah, for just one time, I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one warm line through a land so wide and savage, and make a Northwest Passage to the sea. 3 centuries thereafter, I take passage over land in the footsteps of brave counsel, where his sea of flowers began, watching cities rise before me, then behind me sink again. This tardiest explorer driving hard across the plain, for just one time I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one warm line through a land so wide and savage, and make a Northwest Passage to the sea. And through the night behind the wheel, the mileage clicking west, I think upon Mackenzie, David Thompson and the rest, who cracked the mountain ramparts and did show a path for me to race the roaring Fraser to the sea. For just one time I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one warm line through a land so wide and savage, and make a Northwest Passage to the sea. How then am I so different from the first men through this way? Like them, I left a settled life, I threw it all away, to seek a Northwest Passage at the call of many men, to find there but the road back home again. For just one time, I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea. Tracing one warm line through a land so wide and savage, and make a Northwest Passage to the sea. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. Voilà, c'était Northwest Passage de Stan Rogers, et on retourne aux aventures de Tristan, qui, dans la quête, donc, a fini par répondre aux suppliques de Diseut, qui est quand même très lasse et qui s'ennuie de lui, et donc il va aller la rejoindre avec son nouveau compagnon Brunor, avec Dinas, qui est venu de Cornouailles pour les revoir, et avec Dinadan, ils vont passer quelques jours ensemble à la Joyeuse Garde avant que Tristan reparte. Donc il y a de nouveau les aventures de la quête qui sont réinsérées là, et on arrive au début du volume 9 de Ménard. Donc la caste a été dans la version du Tristan très condensée. Il y a des épisodes qui techniquement se passent après dans la version de la caste, notamment toutes les aventures très proches de la quête du Graal, qui ont été mis un peu avant pour que le climax l'aventure soit vraiment la bataille finale, si on veut, entre Marc, qui médite sa revanche, ça fait 2 ans qu'il a perdu Iseut, il veut la retrouver. Et puis, effectivement, puis aussi le fait que l'accomplissement de la quête du Graal, c'est-à-dire qu'en fait, à Camelot revienne en même temps la nouvelle de la mort de Galad, la fin de la quête du Graal, et en même temps la mort de Tristan. Donc vraiment, les deux nouvelles déprimantes arrivent en même temps. Dans toutes les versions du Tristan, il faut savoir que, justement, la quête du Graal s'achève après la mort des amants. Mm-hmm. Simplement, dans la version de Ménard, des épisodes qui normalement se passeraient justement, qui devraient se passer logiquement après la mort des amants, sont déplacés avant, notamment... Typiquement, tout ce qui est la guérison de Mordrain, l'extinction des femmes du corps de Moïse, la rencontre, il y a de nouveau une rencontre avec Palamède, Palamède est aussi inséré dans ce récit-là, mais largement des épisodes qui sont très autonomes, en fait. Quand Lancelot va au palais du Graal et qu'il est frappé par le Graal aussi, ces épisodes-là, en fait, ils se passent dans le volume 7 déjà, ce qui est un peu anticlimactique, et puis le 7 suit la version courte. Et c'est la version courte qui garde cet ordre-là. Mais donc, comme l'as dit, le volume 9 commence par le fait que le roi Marc va enlever Iseut. J'imagine, en fait, il profite que tous les chevaliers sont en train de chercher le Graal pour profiter un peu d'un vide de chevalier et d'assiéger le roi Arthur à Camelot. Il y a Arthur le Moindre, qui est, je crois, un fils bâtard d'Arthur, qui combat Palamède, il rencontre Galad, Galad est renversé par Guiglin, il libère l'esprit de Siméon, Galad, donc on a quand même laissé 2-3 petits trucs à faire pour lui. Marc est vaincu par Galad, Esclabor et Arthur le Moindre. Il échoue dans une tentative d'empoisonner Galad. Galad confronte l'envie de Gauvain et 3 de ses frères, donc justement, cette haine qui vient de la lignée du roi Ban. Tristan apprend que Marc a enlevé Iseut et il est profondément affligé. Marc retourne en Cornouailles avec seulement quelques chevaliers, donc il a l'air d'avoir été assez sévèrement défait, mais il est content d'avoir remis la main sur Iseut qu'apparemment ils n'ont pas réussi à sauver. Tristan pleure, il rencontre Kay de Nudenel et transmet ses salutations à la table ronde, qui vont avoir quelque chose d'ironique parce que il va pas vivre si longtemps que ça. Il se bat contre un chevalier inconnu et il est hébergé par Bréhu. Il laisse Hector blessé dans le nord du pays de Galles, il emmène Sagremort comme compagnon. On avait dit que Sagremort, c'était le premier chevalier de la table ronde qu'il avait rencontré, et puis là, sur la fin, justement, c'est lui qui va le retrouver. Il y a vraiment une espèce d'errance, en fait, de retour au pays assez lente qui coule de là, en fait. Il revient en Cornouailles, mais là, il combat plein de gens, puis on a vraiment une espèce de... c'est un côté où on revit beaucoup les aventures qu'il a vécues avant, puis on se dit, oh, il rencontre ce chevalier, et puis non, je dois aller sauver Iseut, mais il n'arrête pas d'être arrêté par des... Il y a aussi un contraste assez fort, parce que maintenant qu'il n'est plus dans la quête du Graal, les épisodes interpolés, justement, au Galad, continuent la quête du Graal, sont assez doux amers, en fait, finalement. Ouais. Il y a un côté très sinistre à voir d'un côté, la quête du Graal continue, puis Tristan qui est affaibli, qui est soigné, il apprend de Galad, quand il apprend de Galad, par exemple, qu'ils ont été enlevés, il reste plus de 6 mois entre la vie et la mort, parce que sa blessure a été rouverte, et il est complètement vraiment à l'article de la mort, en fait. C'est très dramatique, et puis justement, alors qu'il s'approche de Cornouailles et qu'il va enfin essayer de reprendre Iseux, il est repéré par André, donc l'autre neveu de Marc qu'il enviait toujours, et il est blessé à mort par le roi Marc qui utilise la lance de Morgane, enfin la lance qu'il avait utilisée pour tuer un amant de Morgane qui appartenait à cet amant, et il blesse Tristan avec. Tristan est en train de mourir et Marc permet à Iseux de le voir une dernière fois, et puis il la prend dans ses bras et il l'aide un temps qu'elle meurt, alors qu'elle suppose, littéralement on dit que son cœur éclate, son cœur ne tient pas quand il la serre, donc c'est pas très romantique. Comme on l'a dit, c'est un peu comme Arthur tue Lucain dans La mort le roi Arthur, donc probablement qu'au Moyen-Âge on voit ça comme quelque chose de vraiment terrible parce qu'on est saisi d'un tel chagrin qu'on tue quelqu'un en plus, donc c'est encore plus triste, alors qu'aujourd'hui on le voit vraiment comme un meurtre assez sordide quoi. Marc autorise cependant Tristan et Iseux à être enterrés ensemble, ce qui marque la fin de leurs aventures. Là, le 7 mettrait toutes les aventures avec Lancelot et qui rencontre Galad dans un bateau, puis il va au château du Graal, et puis il trouve Gauvin et Gaëriette qui ont aussi été chassés de Corbenic. Gaëriette et Gauvin ont aussi échoué à la quête du Graal ici, ce qui n'est pas forcément... Donc tout ça a été déjà relaté par, dans les versions, ça, par dans la version de Vienne. Dans la version de Ménard, ça a déjà été relaté, mais si vous prenez des versions courtes ou le 7, ça va arriver à peu près ici. Parce que, en fait, je crois qu'ils sont pas... Ces bouts-là sont pas dans la... C'est des bouts qui ne sont pas dans la dans le Tristan, dans la rédaction courte en fait, dans la rédaction 1, et le 7 les rajoute après justement parce que ben la rédaction 1 n'est pas aussi ne les intègre pas autant il me semble. C'est ça, mais par exemple une des choses qui va jouer, c'est qu'un des épisodes qui est isolé par le 7, c'est que Gauvin a menti à Galad. Gauvin a dit à Galad, oh si je déteste Palamède c'est parce qu'il a tué Lionel, ce qui est pas vrai. Mais Galad défie Palamède et il accepte d'arrêter le combat si Palamède accepte d'être baptisé. Donc dans la, pour le 7, cet épisode-là fait la jonction en fait avec ces épisodes d'avant et puis ce qu'on retrouve dans le volume 9 de Ménard. Alors que pour Ménard, c'est dans le volume 7. Oui, Palamède est baptisé. La fin de la quête intervient de toute façon après la fin, même chez Ménard, elle intervient après la fin. Et vraiment, juste après le baptême, juste après le départ donc, de Sagomor qui va ramener les armes de Tristan à l'ogre. Palamède est baptisé, fait chevalier de la table ronde, donc on l'a vu hein, dans certaines versions, Palamède est baptisé Mallory. Pour Mallory, il est baptisé beaucoup plus tôt. Mallory avant. Il y a des versions, notamment, je crois que c'est la version 3 ou 4 que Mallory reprend, justement. Il y a la divergence là-dessus. C'est pour ça. Non, attends. C'est possible qu'il reprenne la. Il reprend certains trucs de la 4, mais bon, c'est pas toujours fiable de juger là-dessus. Okay, je suis pas sûr. Je vais pas dire. Alors. Du coup, c'est après la mort de Tristan et Iseux, après le départ de Sagomore, que Palamède est baptisé, que quelle que soit la version que tu insères auparavant, si tu suis le 7 ou Ménard. Et du coup, il est fait chevalier des tables rondes, un peu comme remplacement de Tristan en fait. Et il se lance dans la quête du Graal aussi, même si il va pas être couronné de succès, vu que c'est évidemment Galad qui va. Mais psychologiquement, ça se comprend vraiment, parce que basiquement, Iseux est morte, donc c'est maintenant que Palamède peut enfin se lancer. Il y a un petit côté aussi où Palamède peut se lancer dans la quête du Graal parce que son obsession principale a plus aucune chance d'aboutir. Il y a toute une aventure notamment où ils finissent par battre la bête glatissante. La Questing Beast, il l'entraîne dans un lac je crois, ou bien je sais plus exactement, mais ils arrivent à la vaincre enfin. Galad guérit le roi Méhénier à Corbenic. Palamède est tué par Gauvin et Esclabor se suicide. Le roi Péléon explique la bête glatissante, la source de la guérison et la dame des épisodes qu'on avait vu avant, ces trucs classiques, explication religieuse de ça. Le Graal est emmené à Saras. Galad et Perceval meurent, je crois qu'on dit justement Perceval vit un peu plus longtemps en ermite puis il meurt. Sagremor revient à la cour et annonce le décès de Tristan, ce qui fait un grand chagrin. Et puis Bort revient à Camelot et il annonce que il raconte ce qui s'est passé avec la quête du Graal et c'est la fin basiquement du Tristan en prose. C'est vraiment ça me frappe en fait la mort de Palamède par Gauvin en fait qui me c'est mais Gauvin est vraiment présenté négativement, qui est vraiment le couronnement de ça en fait un petit peu. Il y a vraiment, c'est vraiment un personnage chaud, mais sa première introduction, vraiment ça m'a frappé quand j'avais lu la traduction Anacharsis, la première introduction de Gauvin, c'est qu'il kidnappe une femme pour aucune raison et genre Tristan le bat je crois, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment, il est jamais présenté bien, alors que ouais les frères de Gauvin sont vraiment pas bien présentés, les frères de Lancelot non plus. Il y a vraiment Galad, Lancelot et Tristan, c'est les bons chevaliers, puis les autres, bah les frères de Perceval se comportent plutôt bien, mais les autres c'est un peu ouais. Il y a un peu justement une revalorisation de la fratrie de Perceval, alors qu'ils n'ont pas un grand rôle dans l'histoire, mais en termes de vertu ils sont vraiment bien présentés. C'est un thème récurrent en fait, un espèce de chamboulement du paysage arthurien dans le Tristan en prose, des chevaliers qui vont avoir une importance assez importante, assez forte chez par exemple Mallory, une importance assez importante, des personnages comme Palamède par exemple, Bah, typiquement, c'est aussi, on remarque aussi une plus grande influence classique, hein, par exemple, Palamède, oui. Il porte le nom d'un personnage de la mythologie grecque. Palamède, c'est un rival d'Ulysse, l'inventeur du jeu d'échecs, par exemple. C'est pour ça qu'd'ailleurs, il a un échiquier comme blason, c'est pas très subtil. Mais c'est intéressant, il y a un côté très classique, justement, dans ce côté-là. C'est peut-être une espèce de déplacement, effectivement, des intérêts. Enfin, en tout cas, il y a clairement une espèce de changement de focalisation, même si on est très très proche, on l'a vu, hein, on commence vraiment très très proche du Lancelot Graal, du Lancelot propre surtout. On s'éloigne peut-être un petit peu parce que nécessairement il doit y avoir des différences vu qu'on a mis un cerf complètement à la caste, qui est une décision intéressante, mais qui est sans doute ce qui a permis au récit de survivre en fait. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant, le récit ne nous a survécu qu'avec la caste, pratiquement, sauf la version justement du manuscrit 757, enfin la version V1 qui l'intègre moins, ouais. Mais qui reste quand même, où elle reste présente. Ce qui a survécu, c'est ce qui semble avoir fait survivre ce récit, c'est la combinaison d'un mythe populaire comme Tristan avec l'imaginaire de la quête du Graal. Et c'est peut-être ça qui a assuré d'une certaine façon la survie de ce récit un peu particulier. Il y a quelque chose, je pense, mais il y a aussi le désir de mettre en scène des chevaliers profondément méchants, mais c'est pas juste des partinales ou des rois maléfiques, des rois du château mortel. C'est des chevaliers, mais qui sont aussi capables de faire le mal. Gauvin, par exemple, mais aussi Bréus sans pitié ou sans merci, je sais plus comment il s'appelle. Bah, disons, c'est une différence avec, par exemple, qui était peut-être le plus proche de ce genre de prototype de chevalier, ouais. Un peu maléfique, méchant. Pas maléfique, mais justement. Mais méchant un peu. Ouais. Mesquin, méchant. Mais on avait toujours l'excuse de il a pas été nourri par sa vraie mère, on profite d'Arthur et du coup, il est un peu bébête ou il est un peu méchant. Mais là, ça restait toujours de façon assez centrée sur qu'eux, et c'était vraiment lui spécifiquement. Là, on a vraiment des chevaliers un peu traîtres, des rivalités assez fortes qui dérivent de questions pas toujours très... Typiquement, Gauvin, c'est l'illustration assez parfaite du personnage un peu mesquin. Même les autres chevaliers se battent jamais autant que lui, en fait, j'ai l'impression. Mmh. Il est toujours un peu du mauvais côté des choses dans ce Tristan. Mais c'est y a quand même quelque chose qui, je trouve, que la quête du Graal ajoute un peu. Les éléments post-vulgate qui sont ajoutés font que une des critiques qu'on a pu faire à la post-vulgate, c'est que elle enlève beaucoup de la dimension ultra-mondaine de la quête du Graal. Quand vous lisez la quête du Graal, normalement, c'est vraiment des manifestations de Dieu qui déchirent le monde et qui impressionnent tout le monde. Quand vous lisez ça dans le Tristan en prose, vous n'avez pas forcément cette impression-là. C'est-à-dire qu'on reprend vraiment le même texte, des fois on reprend littéralement le même texte, mais vous avez un côté beaucoup plus mondain. On fait la quête pour un an, quoi. On ne va pas faire la quête pour toujours. Galahad n'est plus ce personnage parfait, ultime, qui bat tout le monde pour toujours. Il est fort, mais il est aussi, comme tout le monde, très faillible, en fait. C'est assez typiquement quand il y a le roi Marc qui tue en duel, qui gagne son duel judiciaire après avoir tué quelqu'un, puis qu'Arthur dit « Ah, mais comment ça se fait que le bon droit ait été vaincu en justice ?» Et je pense que c'est l'histoire de Tristan qui a causé ce pessimisme-là à s'introduire là-dedans, parce que c'est une histoire qui se finissait mal, de base. C'est pas comme l'histoire de Lancelot et Guenièvre qui... Ouais, la mort d'Arthur se finit mal aussi, parce que voilà, il y a tout le conflit qui éclate. Mais l'histoire de Tristan et Iseult se finit mal. Et je pense qu'en ajoutant ça à la légende arthurienne, par exemple, chez Chrétien, il n'y a jamais de mauvaise fin. Chez Chrétien, tout se finit bien comme il faut. Et c'est seulement dans les cycles en prose plus étendus qu'on va avoir ce problème-là. Et encore, c'est même pas pour des... dans le Perceval en prose, pas pour des raisons amoureuses. Mais je crois que c'est ça qui crée cette espèce de ton assez particulier. Et je dirais encore une chose, c'est que la technique de l'entrelacement, qu'on voit beaucoup dans le Lancelot propre, c'est-à-dire on commence une aventure, puis on dit « arrêtons-nous là, puis allons voir ce que fait cet autre chevalier pendant ce temps ». Puis on commence une autre aventure, il commence une autre aventure, il commence une autre aventure, puis après on revient à la première aventure, puis on entremêle toutes ces histoires, puis c'est pas toujours facile à suivre. Le Tristan en prose, ce que Ménard dit, et je trouve qu'il a assez raison, c'est qu'il fait semblant de faire ça, mais en fait, il change toujours d'histoire pour une autre histoire qui a généralement une connexion logique. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre une autre histoire, mais on raccorde très vite à l'histoire de base. Ou bien, on change d'histoire, mais en fait, pas vraiment. On est juste revenu à un autre personnage puis qui va nous rejoindre tout de suite. On change de point de focalisation un petit peu. Mais c'est beaucoup plus facile à suivre, je trouve, que par exemple, même le Lancelot... La seule exception, je dirais, c'est des choses qui sont plus clairement des interpolations, à mon ouais, sens. Ouais, c'est ça. Si vous essayez de comprendre qu'est-ce qui est la tradition majoritaire et que vous avez cinq traditions différentes, là, ça devient un peu difficile. C'est aussi un des problèmes particuliers liés à vraiment l'histoire manuscrite très diverse. On a beaucoup de manuscrits qui témoignent de beaucoup de versions différentes. Donc, ça illustre le fait qu'il devait y avoir en fait encore plus de manuscrits, simplement. Mmh. Et qu'il y a eu des versions beaucoup plus simplifiées qui ont été soit perdues, soit simplement qui ont été tellement ajoutées. C'est peut-être là qu'il y a une tentation, et je me demande si ça... c'est peut-être le manque de succès moderne de cette œuvre qui a conduit à ça, mais on s'attendrait presque à qu'il y ait des œuvres à la Bédier qui cherchent juste à chercher les parties originales et à couper des bouts et à faire de façon plus ou moins scientifique des espèces de recréations sans les versions, sans les ajouts ultérieurs. Et je pense que c'est assez facile d'imaginer quelque chose comme ça, en fait. Il suffit d'enlever le chevalier à la côte motaillée, vous enlevez quelques aventures de... Vous enlevez, par exemple, la première aventure, vous diminuez en tout cas l'aventure avec la merveille où Gallo est impliqué, vous enlevez une partie de la quête du Graal. Vous pourriez, en fait, vous pourriez inventer une aventure, vous pourriez imaginer qu'il y avait une aventure où Tristan est éloigné puis est rappelé par Iseult sans avoir besoin d'avoir nécessairement ce conflit, par exemple, de la quête que crée la quête du Graal, en fait, qui enlève Tristan à Iseult et puis qui donne l'opportunité, en fait. Il participe, mais comme on l'a vu, c'est pas lui qui l'accomplit, quoi. Il participe à la quête du Graal. C'est intéressant qu'il soit pas plus sincère que ça, finalement, en fait. Bah, parce que ça restait, je pense, l'histoire restait connue, quoi. Puis on s'était dit. Ouais. Oui, ça serait un peu. C'est clair qu'il y a une volonté de rester compatible avec la grande œuvre que représente le Lancelot. Lancelot Graal dans son ensemble, en fait. Non, je maintiens, c'est vraiment comme cet épisode de Scrabble où ils ont mis un écran vert et ils disent, mais tu te rappelles pas qui m'a toujours été là? C'est vraiment Tristan. Tristan était toujours là, tu te rappelles pas? Il y a de ça. Et puis, il y a le fait que, bah, finalement, c'est suffisamment contenu pour permettre, en fait, que Palamède, Tristan, Dinadan, qui n'apparaissent pas du tout, en fait, dans les versions, dans la version, en tout cas, de la Vulgate, de la première version, vont ensuite être suffisamment enterrés pour qu'on en fasse une espèce de version complète. Et je pense que s'il y a une histoire, c'est que les narratifs de la post-Vulgate étaient déjà en circulation d'une façon ou d'une autre à partir de la Vulgate, et que Tristan a été un peu inséré à des périodes différentes avec différents récits. Ouais. On a peut-être pu d'abord insérer une caste Vulgate avant d'insérer la caste post-Vulgate, et qu'après, finalement, tout ça s'est retrouvé dans les fragments de la Vulgate qu'on a autour aujourd'hui, qui ont pu être influencés de l'un à l'autre. Ouais. C'est difficile parce qu'on a vraiment, on a le stade final, on a Mallory qui représente le stade d'absorption complète de tout ça. Ouais. Et on a les versions anglaises, quoi, qui sont vraiment des raffinements et des simplifications. Et on a ces versions françaises entre deux qui sont très difficiles à dater précisément parce que les manuscrits sont généralement plus tardifs, on n'a pas beaucoup de sources très précises. Bon, Mallory, par exemple, Tristan va pas participer à la quête du Graal parce que Mallory reprend telle quelle la quête du Lancelot Graal. Ouais. Donc l'histoire de Tristan va vraiment finir à peu près de la même manière, puis après on enchaîne sur la quête du Graal. Lui, par exemple, il va pas du tout l'intégrer dedans, en fait. Mais c'est ça, parce que Mallory il a fait vient un là, choix qui est pas bête, mais qui est Mallory différent. Vient et puis fait les compositions anglaises qu'on connaît sont généralement assez bien délimitées, aussi parce qu'on en connaît moins. On n'a pas 36 variantes des morts Arthur allitératives et sans aïque, on n'a pas 36 000 variantes de Mallory. On peut pas dire exactement, voilà. C'est facile de dire oui, voilà, on a une version simplifiée parce qu'on n'en a qu'une seule. Ouais. Si on avait qu'une seule version du Tristan en prose, je pense qu'on aurait tendance à dire ah bah voilà, il a simplifié toute l'histoire. Alors qu'en fait, ça cache un parcours éditorial qui peut être très très très compliqué, en fait. Il y a beaucoup d'innovations, on a beaucoup plus de variantes qui n'existent que dans un manuscrit que dans beaucoup d'autres œuvres. Donc c'est une œuvre qui a été un peu peut-être victime de son premier succès. Beaucoup trop de succès, beaucoup trop de foisonnement, beaucoup trop de versions. Puis après, on l'a abandonné parce que c'était justement trop compliqué de donner une version définitive. Et mais malgré ça, comme on l'a dit, ça a eu beaucoup d'influence, beaucoup de traductions italiennes, espagnoles, beaucoup d'influence sur des versions. Il y a eu beaucoup de versions imprimées, malgré ce qu'on en dit. Et puis beaucoup d'une certaine influence, en tout cas, des épisodes en commun avec la post-Vulgate, dont on vous reparlera probablement à la fin de l'année. Et je voulais juste lire un passage cité par John Douglas Bruce dans son livre sur la légende, sur le qui fait un passage en revue de la légende arthurienne, et il dit que une fin de la post-Vulgate a pu être influencée par le Tristan en prose. Je ne sais plus exactement dans combien de traditions manuscrites elle est représentée. Mais il dit, et je traduis, « Après que Lancelot ait été enterré et que Bohort se soit installé dans un ermitage où Lancelot avait fini ses jours, à côté de l'archevêque et de Bliobliris, Mérogis de Porléguès les rejoint. Et à ce moment-là, Tristan et Iseult étaient morts depuis quelques années, et Marc est très âgé. Néanmoins, ayant appris la mort de Lancelot, il espère conquérir l'ogre. Ce faisant, il l'envahit, détruit, renverse tout à terre, incluant la joyeuse garde et la tombe de Lancelot, et brûle les os de Lancelot et Gallo. Il détruit aussi la plus grande partie de Camelot, et avec ça la table ronde. Ensuite, il va dans l'ermitage, il tue l'archevêque, mais il est lui-même tué par Polar, un chevalier du lignage de Ban. Les hommes de Marc n'osent pas mettre son corps dans un sol consacré, donc ils l'enterrent devant l'ermitage. Peu d'entre eux, en fait, savent comment il est mort. Bruce conclut, il y a quelque chose de terrible à propos de cette conception de la fin de la gloire d'Arthur et de ses chevaliers. C'est comme si une bête était en train de piétiner sous ses pieds certaines des plus belles créations de l'imagination humaine. Et je crois qu'il y a quelque chose de vrai avec cette figure de Marc vraiment terrible. Avec, il y a un message sur aussi une certaine forme d'idéalisme. Enfin, un peu, j'utilise le terme un peu abusivement. Mais il y a quelque chose d'assez cynique, il y a quelque chose de très grimdark dans cette version-là, de très pessimiste par rapport même à la mort Arthur, par rapport même au Lancelot Graal en général. Parce que justement, le Lancelot Graal est typique parce que vous avez le Lancelot propre, très cool, la quête du Graal, très mystique, puis d'un seul coup, vous avez la mort Arthur, puis c'est là que ça devient pessimiste. Là, vous avez un ton qui traverse toute l'œuvre, sur finalement, dès le prologue, sur finalement, bah, ce à quoi l'amour et la violence peuvent mener, quoi. Non, c'est vrai, c'est une version assez sinistre finalement sur la fin, surtout même si le Graal, même l'intégration du Graal dedans, même juste qui est jusqu'à la fin là, n'empêche pas cette version un peu noire finalement qui prédomine là-dedans. Même si finalement il y a beaucoup moins de drame un peu absurde, parce que même la mort de Tristan et Iseult, c'est pas une ironie dramatique comme la version de justement avec les voiles et le tout ça n'est pas... c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus simple, finalement. La mort de Tristan, bah, il a été empoisonné, et puis il tue Iseult avec lui, il emporte Iseult dans la tombe. C'est... Ce qui est un peu glauque, mais... C'est glauque, c'était mais... C'était probablement romantique à l'époque. Disons, au moins, ça a une conséquence à plus vite. Il n'y a pas l'ironie dramatique qu'il peut y avoir dans la version originale, qui est vraiment tragique, au sens le plus pur du terme, dans cette version-là, quoi. Donc là, c'est la différence majeure... Et qu'on a pu vous présenter en détail dans ces longs épisodes. En détail, n'exagérons rien, mais on a réussi à le faire quand même. Je suis quand même content qu'on ait fait un épisode dessus, parce que malheureusement, les gens passent un peu dessus. On vous a déjà conseillé, par exemple, le livre de Martin Aurel. Il passe vraiment sur le... Il le mentionne à peine. Il y a beaucoup de livres introductifs qui se lancent pas là-dedans parce que c'est très compliqué. Et ils se contentent de dire « Tristan fait la quête du Graal ». Et je pense que c'est un peu intéressant d'avoir quand même une... C'est un peu une réduction, je pense, un peu dommageable, parce qu'il y a clairement une vision différente du monde de la chevalerie, même par rapport au Lancelot en prose. On a dit qu'il était très compatible avec, mais même la façon dont il relate les exploits de chevalier est différente. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, c'est dommage, mais ce qui est le plus intéressant, c'est souvent ce qui est difficile à résumer. On vous laisse avec notre script qui fait une trentaine de pages. Vous pouvez aller consulter notre résumé, ce qui est peut-être un peu plus facile à suivre. On vous recommande encore une fois d'aller trouver, on vous mettra un lien vers l'analyse de Le 7, qui est vraiment la référence pour suivre le synopsis de l'œuvre. Beaucoup de références de notre script si vous voulez de ce côté-là, les tableaux de Quandam et Futurus, et aussi on vous a fait une chronologie de toute la légende arthurienne visuellement, qui peut être pratique si vous êtes un peu perdu, ce qui est normal, on est tous un peu perdus quand on commence à s'intéresser à ça. Mais c'était donc notre... Tristan en prose. Notre expérience du Tristan en prose, 12 volumes, on sent un peu vide. 3h30 d'épisode. Que 3h30, bon ça va. Aurait pu en faire deux, hein. On aurait pu en faire deux, je pense. Au fait, retrouvez-nous pour la suite, Guiron le Courtois. Peut-être pas directement, mais disons, c'est vrai que c'est un cycle, c'est pas un cycle classique, parce que généralement, Lancelot Graal, on le connaît, celui-là, on le connaît moins. Mais on espère qu'avec l'édition de la traduction des éditions Anacharsis, probablement qu'il va revenir un peu en popularité. Sur le devant de la scène. S'ils continuent à nous envoyer les volumes, on continuera ils les. Ils nous ont pas mis sur leur liste noire de méchants bonhommes. On continuera à chroniquer la suite de cette publication. D'ici là, on vous souhaite un bon été et n'oubliez pas, la quête continue. Why? Ha ha ha ha!